Nous déconseillons à la police d'écouter cette émission car vous vous sentirez obligé d'intervenir dans les locaux d'Énergie pour arrêter cette équipe de déjantés. Nous déconseillons aux patrons d'Énergie de nous écouter car ils n'ont pas signé pour une émission qui ne finit jamais à l'heure. Nous déconseillons aux CSA de nous écouter car ils vont se marrer. Nous conseillons aux pompiers d'intervenir car Vince et toute sa team vont mettre le feu ce soir. 21h minuit, du lundi au vendredi. Vince sur NRJ. Vince est dans la maison. Bonsoir, ça y est, c'est reparti pour une nouvelle semaine. J'espère que la journée s'est bien passée. J'espère que l'après-midi aussi, parce que votre soirée va très bien se dérouler si vous êtes à l'écoute d'Énergie. Merci en tout cas, merci à nos sympathiques auditeurs qui nous envoient que des messages. Genre, c'est quoi ce jingle de ouf? Trop violent l'intro, ouais, débat. Ah non, mais on a démarré chaud là. Hein. Ah, ouais. Bonsoir à Lara. Hey! Ça va Lara, tu vas bien? Mais ça va super bien. Oh non, c'est Lara, toi-même tu sais. Hell yeah. Hey, ouais. Oh, on a eu mal. Hein. Oh, je dois dire que ce lundi est assez exceptionnel. Pour ceux qui n'ont pas suivi la semaine passée, hier, donc dimanche, on a été invité à la Military Run. Ouais, Military Run, commémoration du 11 novembre. En plus, voilà. Donc c'était une date assez importante. Ah, mais complètement, ouais. Mais ouais, c'était une expérience mais incroyable. Il faut que je vous explique. À 6h du matin, Lara, dis-nous tout. On avait rendez-vous à 10h à Bastogne, un truc comme ça. Rendez-vous ici chez Énergie à 8h du matin. Du coup, moi, mon réveil, il a sonné à 6h. Vous savez, je me suis couchée un peu tard, comme d'habitude. 6h du matin, quand le réveil a sonné, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je fais semblant que je suis pas folle? Eh ben, tu sais quoi? J'ai pris mon courage à deux mains. Je suis venue et j'ai passé une journée exceptionnelle. Ah non, mais une journée qui nous a fait mal, hein. Ah, j'ai adoré. On a pas vu Nigel, il s'est dégonflé en dernière minute. Salut Nigel. Ouais, pourtant, je suis toujours aussi gros. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Mais c'était génial, on s'est jeté dans la boue. C'était vraiment comme un entraînement militaire. Alors, on va faire un débriefing de ça rapidement parce qu'on a croisé beaucoup d'auditeurs aussi. Ouais, c'est Nigel, vrai. Bon, il n'est pas venu parce qu'il s'est dégonflé, c'est parce qu'il était malade, le pauvre. Mais ouais. Est-ce que ça va mieux, Nigel? Ben ouais, là, ça va beaucoup comme mieux. Comme par hasard. T'as l'air quand même toujours un peu éclaté. Regardez ses yeux, il a les yeux tout rouges, là. Ouais, non, franchement, ben, je suis encore un peu éclaté, mais bon, enfin, je pouvais pas rater une émission. Je peux rater la Military Run, mais pas l'émission. Ah oui, ça c'est certain, effectivement. T'as vu les images, c'était ouf. Hein. Là, c'est un truc. Mais tu sais qu'en plus, j'aurais trop aimé voir Lara dans la boue. Genre, je l'aurais pris par les cheveux, je l'aurais mis dans la tasse. Il y a une belle vie, il y avait une belle story d'elle. Hein, okay. Je sais pas s'il y en a qui ont vu cette story là. Mais ouais, mais j'aimerais bien la retrouver parce que c'est la première fois qu'on a vu mon fessier en 16-9. Voilà. Ouais. Et puis, il est avec nous également ce soir, c'est Thibaut. Salut Thibaut, il est dans la maison. Ça va Thibaut? Ouais, tranquille, je me suis reposé. Ouais. Toute la matinée, puisque cette Military Run, elle m'a tué. Ouais, non, mais complètement. Oh, bah, faut dire qu'on s'est donné à fond. Ah ouais, de dingue. Voilà. C'est énorme. Moment magique, on salue quand même Eddy, qui le pauvre est malade. Ouais. La dernière fois que je l'ai vu, c'était dans mon live Facebook pendant la Military Run. Il était. Oh les frères, j'aurais trop voulu venir, mais je vais pas bien. Ah, et tout ça. Il a une angine et tout, il va pas bien, donc on le salue. Une angine blanche aiguë. Dans son lit. Ouais. Donc il reste bien loin de nous, parce que imagine, on tombe malade, nous, ça craint. Hein. Alors, ouais, voilà. Vaut mieux éviter, faut qu'on reste en live, bien entendu. Hein. Bref, Military Run de ouf. D'ailleurs, il y a des gens qui y étaient, qui nous envoie des messages. Hein. Vince, c'était trop drôle de te voir avec plein de boue. Ouais, effectivement, on a fini avec plein de boue. Military Run, gros run de 14 km qu'on a fait. On a rampé, on a sauté, on s'est accroché à des cordes, à des ponts de singes. On a nagé. Je me suis pété la gueule devant Thibaut aussi. Arrête. Thibaut s'est pété la gueule devant moi aussi. Voilà. Je portais des sacs et tout, et des sacs de 12 kg. Donc j'ai retrouvé le poids que je faisais avant. Je comprends pourquoi je courais plus. Hein. Et à un moment donné, tu sais, je suis avec mon téléphone, j'essaie de sortir mon téléphone, je suis pas attentif. Et pas parce qu'à n'importe quel moment, on pouvait se péter la gueule. Hein. Et toi aussi, ouais, tu prends ton téléphone dangereux. Alors que tu sais qu'on va se jeter dans la boue. Dans l'eau et tout. Et l'eau, mais le téléphone, il est fait pour. Alors, par contre, l'eau, c'était pas vraiment de l'eau, c'était de la bouche de vache. Hein. Mais c'est pour ça que ça sentait le. Ah ouais, à un moment donné, tu sais, on a rampé dans de l'eau qui nous arrivait jusqu'à la gorge facilement, là. Hey on rampait, tu vois. Et j'en ai même eu en bouche. Et je sens l'odeur et je me dis, mais ça sent la bouche de vache. Et après, on m'a dit, ah ouais, effectivement, on a fait ça sur un terrain où il y a des vaches qui chient tout le temps. Oh non. C'est pour ça que ça sentait la bouche de vache. Donc, pour la première fois, j'ai mis de l'herbe digérée dans ma bouche. C'était génial. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, quand vous êtes à côté de moi, ça pue la merde. Ouais, j'ai dû prendre 2-3 douches avant que l'odeur parte. C'était très spécial comme moment, hein. Effectivement. Mais tu sais que moi, ça a résonné aussi d'une autre manière en moi, cette Military Run. On était là le matin, il faisait froid, il a plu, on était dans la boue. Et tu sais, on commémorait les 100 ans de l'armistice. Ouais. Je sais pas, ça m'a trop fait penser aux poilus, mais vraiment, c'était hyper, hyper intense. Ouais, petite leçon d'histoire, Lara, les poilus, c'était pendant la Première Guerre mondiale. C'est tous les soldats qui se sont battus dans les tranchées, qui étaient un peu dans les mêmes conditions. Bon, un peu, rien à voir avec nous, mais je veux dire, nous, on a fait 1h30, 2h de course dans des conditions assez dures. Ouais. Mais J'ai pensé à eux, ça m'a touché. C'est vrai, on a pensé touché. À eux parce que, alors, on n'a pas envie de donner un cours d'histoire ici, mais ils restaient pendant des mois dans la boue, pendant la Première Guerre mondiale, dans la guerre des tranchées. Oui. C'est des tranchées qui creusaient et tout, et puis alors, du coup, ils se mettaient un petit peu sur le talus, ils essayaient de tirer pour la choper boue, l'autre. Le mais froid, comme tout le monde bruit. Était caché, il y avait que les mortiers qui pouvaient non, les choper. Vraiment, et en plus, et on pendant a... des mois, ils vivaient, ils dormaient dans la boue, comme aujourd'hui, on l'a fait pendant quelques mois. Oui, sauf que nous, on savait qu'on allait retrouver nos douches chaudes, enfin, tu vois, notre maison. Eux, et alors, du coup, comme ça se passait effectivement le 11 novembre, tu penses et tu dis, ah ouais, quand même, t'as eu des gens pour défendre notre liberté qui ont quand même traîné pendant des mois dans ces conditions-là. Voilà. C'était vraiment fort. On va pas casser l'ambiance. Non, mais sur le moment, c'était vraiment fort. On a chacun fait des minutes de silence et tout. C'était magnifique. Exactement. En tout cas, les amis, on va pas mal se marrer ce soir dans l'émission. Sachez-le avant de lire vos messages là qui arrivent à l'antenne. Là, gros dossier ce soir. Hein. Je sais pas si vous avez entendu. Il y a un cercle étudiant de l'UCL qui a été fermé à cause d'un baptême en fait qui est allé trop loin. C'est la MAF. Rien à voir avec la MAF en France. Hein. Vous savez, il y a une sorte de compagnie d'assurance. C'est la MAF que je préfère. Voilà, rien à voir. On en a un qui a fait le baptême. Hein, c'est Thibaut, hein. Ça va Thibaut? Thibaut, le baptême, ça s'est bien passé? Ouais, tranquille, pour moi, il n'y a pas eu de soucis. On en parlera, on en parlera juste après. Dis-nous d'ailleurs quelles sont vos pires expériences de baptême, parce que pareil qu'il se passe des trucs quand même assez hardcore là-dedans. Dans certains cercles d'étudiants, c'est dans le soft, chez d'autres, c'est l'humiliation, parfois même ça va plus loin. Moi, j'ai déjà entendu des trucs de ouf. Il y a toujours une sorte de contrat de confidentialité qui est là, qui est mis, et c'est très rare d'avoir des témoignages sur ce qui se passe dans les baptêmes, parce que justement, il y a une grosse confidence là derrière, et c'est pas une honte, mais en tout cas, on a peur parfois de trop en dire et que ça nous retourne dessus. Même donc, Thibaut, qui est dans notre équipe, il flippe, ça, il veut pas nous dire. Il veut pas c'est dire. C'est pas vrai. Ouais, Thibaut, tu veux même pas nous dire à nous, toi? Ah non, non. En privé, il nous en a parlé. Par contre, il veut pas nous le dire. Enfin, encore, vite fait. Ouais, non, je vous ai pas. Y a vite rien fait. De... Mais ça veut dire que t'as torturé des gens, ça. Non, oui, c'est sûr. Ça a rien à voir. Ça veut dire qu'on t'a torturé, toi. Vraiment pas. Mais pourquoi Bah alors, dis-moi, avec l'UCL, donc il y a des limites. Avec l'UCL, donc genre, attends. Avec un cercle d'étudiants, pas avec l'école, l'université. Non, avec l'école, on a une charte qui doit être respectée. Oula, tu fous la merde. Donc l'école est complice. Bah, s'il y a l'humiliation et tout, bah si. Mais écoute, ça l'école peut pas savoir. Si par exemple il se passe un truc dans le cercle, l'école peut pas savoir non plus. Si t'as signé une charte de confidentialité avec l'UCL, c'est que a priori c'est eux qui. Enfin, ah oui, mais ce qu'ils ont fait. Je sais pas si tu te rends compte de ce que tu dis, mais. Attends, est-ce que t'as fait une charte avec le cercle des étudiants ou avec l'UCL? C'est une différence, hein. Non, t'as chaque cercle et tout ça qui doivent signer une charte. On peut pas faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que la MAF a été fermée, puisqu'ils n'ont pas respecté ce qu'il y avait dans la charte. D'accord, que ça a été trop loin. Voilà. On en parlera tout à l'heure là, sur Énergie, enfin dans les prochaines minutes. Là, Dominique également, on va le rappeler ce soir, les amis. On a également le BBG déconné qui est prévu pour ce soir. On a le Give Mo5. On a vos sujets, hein, si vous voulez passer à l'antenne et tout ça, pour nous en parler, il n'y a pas de problème. Je vous donne le numéro du WhatsApp pour nous joindre, c'est le 0492 222 002. 0492 222 002. J'ai le plaisir d'accueillir Benjamin qui est là. Salut Benjamin. Ouais, salut Benjamin dans la maison. Présent sur Énergie. Ça va Benjamin? Ça va et toi? Bah ça va mon pote. Eh ben écoute, tranquille, on est là, tranquille, hein, début de semaine et voilà, et cette info là qui a tourné, UCL, boum, ça y est, ils ont fermé un cercle d'étudiants parce que c'est parti en sucette. Ouais. On parle d'humiliation. On parle de même plus que ça encore. Hein, Moi j'ai des infos exclusives, genre il y a des trucs qui ont été mis dans les fesses et tout. Et quoi? Ouais, des trucs qui ont été mis dans les fesses des personnes. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, c'est des trucs contondants. Ouais, des trucs assez gros. Ah oui, ok, carrément. Ah ouais. Bah dis donc, ça. Les temps ont bien changé. Ouais. Benjamin, toi, t'es pour ou t'es contre, toi, tout ce qui est baptême? Non, moi, je suis totalement contre. Je suis horreur de ça. Je suis totalement contre. Et voilà, quoi. On parle de ça. J'ai envie de frapper les gens, quoi. Bah écoute, on en parle dans quelques instants avec toi, Benjamin. Ne bouge pas. On a également Gaël qui est là. Salut Gaël. Allô Gaël. Oui. Ah, ça y est, maintenant on l'entend. Dans la maison. Gaël, salut, pareil. Merci. Avec toi, on en parle dans quelques instants. Tu viens d'où, Gaël? De Visée. De Visée, c'est ça? Oui. Visez la lune, ça ne fait pas peur. Même les yeux, je crois. Merci. J'adore comment ça arrêter tout de suite là. Allez, c'est parti pour Benny Blanco avec Inside sur Énergie. Et vos messages 0492 222 002, je vais lire tout de suite. Il y a Damien qui est là, il y a Hugo, il y a Inès, il y a Amélie, il y a Marie, France aussi, il y a Yuyu, Valérie, Florian, Julien, Laurent, Mélissa, Ayoub, Diego, Jonathan, Logan. A tout de suite sur Énergie, on arrive. Vince Drum, every day, she find a way out of the window to sneak out late. She used to meet me on the east side in the city with a sun on set. And every day, you know that we ride through the back streets of a blue Corvette. Baby, you know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me, yeah. We can do anything if you put a mind to it. Take your whole life, then you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me a heart, you said you're gonna break it. So come away, start it today. Starting the lights together in a different place. We know that love is how all these ideas came to be. So baby, run away with me. 17, and we got a dream to have a family, a house and everything in between. And then suddenly, we're 10-23, and now we got pressure for taking our life more seriously. We got a dead end jobs and got bills to pay. Have old friends and now our enemies. And now I'm thinking back to when I was young, back to the day when I was falling in love. He used to meet me on the east side, in the city where the sun don't set. And every day, you know where we'd ride through the back streets in a blue Corvette. You know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me. Singing, we can do anything if we put a mind to it. Take your old life and you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me your heart cause I ain't gonna break it. So come away, starting to taste. Start a new life together in a different place. Know the love is how all these ideas came to be. So baby, run away with me. Run away now, run away now, run away now. Run away now, run away now, run away now. He used to meet me on the east side. She used to meet me on the east side. He used to meet me on the east side. She used to meet me on the east side. The city with the sun don't set. Le soir, 21h minuit. Du lundi au vendredi, Vince. Vince sur Énergie. Non, Vince dans la maison! Comme sur Énergie, 21h13, les amis. On va se mettre bien ce soir. Ouais. Mais avant de continuer cette émission, je voudrais quand même rendre hommage. Rendre hommage à une personne. À mes yeux, elle est très importante puisque voilà, elle a égayé mon enfance. Certainement, oh, merci. Celle de beaucoup de parents qui nous écoutent. Tout le monde a été lié de près ou de loin à un moment donné dans sa vie par ça. Voilà. Rest in peace à Stan Lee, le créateur de Spider-Man. De Iron Man, des Avengers, un des plus gros créateurs de super-héros qui ait jamais existé, qui malheureusement est décédé aujourd'hui. Repose en Marvel. Il est... Ouais. C'est. Voilà. C'est touchant, ça me fait mal au cœur. C'est comme ça, c'est la vie, on va me dire. Mais Stan Lee, alors il y en a qui vont se dire ouais, mais je connais pas, je vois pas très bien qui c'est. Si vous êtes fan de tout ce qui est univers Marvel, bah dites-vous que c'est le personnage qui fait toujours des apparitions, des petits clins d'œil comme ça. Parce qu'en fait, au-delà d'avoir inventé Spider-Man, créé Spider-Man, enfin co-créé tout ça, le mec est devenu producteur et Marvel, boss de Marvel pendant tout un moment. Et ben dans chaque film Marvel, il faisait une apparition. Attends, mais c'est lui qui faisait les bandes dessinées. C'est lui qui faisait les bandes dessinées, oh, ouais. Oh, je comprends. Il est décédé ? Malheureusement. Et il est décédé. Alors le mec est quand même né en 22, hein, donc faites le calcul. Ah ouais, bien, presque 100 ans. Bah quasiment, ouais. Moins 4, quoi, donc voilà. Hein, 96 piges. Voilà, t'as dit quoi ? 96 piges, le mec. Ouais, non, mais c'est ouf quand même. Et franchement, toujours en forme, hein, quand tu le voyais et tout, il avait l'air toujours d'être au top. Il avait tout, l'air tout le temps marvelous. Ouais, exactement. Enfin bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et rest in peace à Stan Lee, les amis. Hello Vince, merci pour tes messages. Là, il y a plein de messages qui arrivent ce soir, notamment un message de Damien. Il nous dit quoi, Damien ? Alors attention, j'essaie de le mettre en play là. Et aussi le jeu de l'aliment. Ouah. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien ? Ce sera à découvrir après, là, sur Energy. Geoffrey nous envoie un message. Oh, mais non, là, ça va, c'est bon, arrête de m'engueuler, mon cœur. Bon, bah, vu que madame m'a engueulé, on est dans la maison, hein. Merci pour ton message. C'est bizarre parce que la voix de madame, elle est un peu chelou quand même. Hein. Et sinon, un autre message aussi qui est arrivé juste avant ça, là. Hello, la famille, comment vous allez aujourd'hui ? Bien. Eh, Vince, t'étais toute belle, pleine de boue. Ouais, la vie, t'as vu, effectivement. Elle était là. Et salutations à David aussi qui est connecté. Il y a Steven. Et on nous dit, il y a aussi Amélie qui est là. Vince, pouvez m'appeler, je suis dispo qu'à partir de 22h. Ma mère sera endormie. J'adore le message là. Pas de souci. Yoyo qui nous dit, Vince, j'ai fait la military run et on vous a pas croisé. Dommage. Big up parce que c'était chaud. Ouais, effectivement, il y a eu tellement d'auditeurs qu'on a malheureusement pas vu puisque il y avait des vagues de départ de 10h30 jusqu'à 14h. Il faut le préciser. Bon, les amis, dossier du jour. On en parle, c'est très important. Est-ce que vous êtes pour ou contre tout ce qui est baptême et tout? Alors moi j'ai des potes qui l'ont fait quand j'étais jeune, ils m'ont proposé de faire mon baptême parce qu'on en parle. Il y a un cercle qui a été fermé parce que ça a été très très loin là dans humiliation. Il paraît que voilà il y a eu limite viol en fait. Alors viol avec des objets, hein, c'est ça. Ouais, avec des objets. Ah, bah, en fait le truc qui s'est passé c'est que dans ce baptême là donc de la MAF il y a des gens. Je sais pas du tout, je connais pas, c'est le cercle de Louvain-la-Neuve. Ah, d'accord, UCL, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une personne qui était dans ce cercle-là, qui m'a parlé tout à l'heure sur Facebook, et qui m'a dit qu'en fait, il s'est passé un truc de ouf, c'est qu'un mec qui a fait le baptême s'est fait introduire un saucisson tout dur dans le cul. Sauf que le mec n'avait jamais demandé ça, du coup, il a fait passer ça pour du viol. En général, tu demandes pas ça, ouais. Ouais, non. Et du coup, ça dépend, quand même. Il a dit ça à ses parents ont décidé de porter plainte. Et donc le cercle a dû fermer et ils doivent payer une histoire de 10 000 euros d'amende, un truc comme ça. Oh ah non, voilà, donc du coup c'est l'université qui a carrément obligé le cercle étudiant à fermer ses portes avec ce dérapage. Non mais ils ont attendu tout. Le saucisson dans le pet alors qu'il s'est passé tellement de choses. Bah certainement avant. Mais surtout qu'il y a plein de choses alors, à côté. Thibaut, parce qu'on va avoir la vie de Gaël et de Benjamin, mais Thibaut, qu'est-ce qui se passe? Thibaut, dis-nous ton avis. C'est parce qu'il y a tellement de versions et si on écoute tous les on dit, moi je vais rechercher Michael Jackson pour voir s'il est vraiment vivant. Ah non, tu touches pas à Michael Jackson. Mais moi je le kiffe, tu vois. Mais tu vois, si on écoute tous les on dit. Alors il est encore vivant ou Tupac est encore vivant? Touche au roux mais pas Michael Jackson. T'as jamais regardé 90 minutes enquête ou quoi? Ouais. Non mais non, c'est bien. Mais... Alors toi quand tu l'as fait, est-ce que peut-être attends, parce qu'il y a un truc que je me pose comme question. Vas-y. Peut-être qu'il y a des gens qui ont participé au baptême parce que le baptême de base c'est un truc un peu folklorique. Tu découvres la vie étudiantine. Il y a du côté positif dont tu vas nous parler, Thibaut, toi qui l'as fait. Mais est-ce que parfois t'as pas un peu la crédulité? Tu sais quand moi j'avais 18 ans, j'estimais pas forcément que j'étais méga intelligent. Ça veut pas dire que quand t'as 18 ans que t'es con, pas du tout. Mais t'as une façon de voir les choses un petit peu différente et c'est peut-être plus tard, des années après, où tu dis ah ouais, je regrette, j'ai l'impression quand même en fait que j'ai subi de l'humiliation, mais je m'en suis pas rendu compte sur le moment quoi. Bah pas du tout en fait, puisque je l'ai même pas fait ma première année. J'ai d'abord attendu un an, j'y ai réfléchi longuement et après je l'ai fait ma deuxième année. Alors ils t'ont fait faire quoi? On fait faire quoi? Mais on peut vraiment pas. Bah allez, mais t'es relou, t'es même pas drôle. C'est chiant parce que en fait, puisque tu dis pas, on a l'impression que c'est horrible. Non, mais c'est pas ça, c'est pas horrible. C'est juste, si tu veux, en gros. Il y a une partie bisoutage entre guillemets. Entre guillemets. Non, mais c'est entre guillemets. Comme en Amérique, ils font des trucs, comme en France, enfin un peu partout. Et il y a une partie où t'as un carnet avec des missions et tout ça. Mais déjà, on boit pas pendant les actis. Donc tous ceux qui disent que c'est juste pour se bourrer la gueule. Excuse-moi. Et alors, je peux dire, je suis rentré incognito dans un événement comme ça, campus Solbosch, etc. Gadaï. Et ils étaient bourrés. Ça peut être baptisé ou non baptisé. Tu rentres dans un truc de Gadaï, tout le monde est bourré. Quelqu'un me demande c'est quoi un baptême, Vince? Bah, un baptême, c'est une sorte de bénédiction en fait que tu. C'est une façon de parler. C'est un rite de passage. Genre. Voilà, c'est ça. Plus parce que ça, c'est les plus grands qui font faire ça aux bleus. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle. Ah, on appelle ça les bleus, donc les nouveaux quoi, dans le cercle à l'université. Donc en général, quand tu rentres en première à l'UNIF, bah, tu te fais bizuter par les plus âgés. Quoi. Mais non, du coup, les plus âgés, c'est qui? Ah, par ceux qui l'ont fait. C'est qui les plus âgés? C'est qui les chefs? En fait, je t'explique. Il y a donc ceux qui l'ont fait, ceux qui sont baptisés, qui font baptiser les autres. Il n'y a pas des plus âgés ni rien, ça n'a rien à voir. Mais tu veux le faire quoi? Non, ouais, parce qu'au pire, on s'en bat les couilles, mais ils font quoi? Quoi, comment mais ça, donne-nous des infos. Donne-nous des infos. Mais des exemples. En fait, un exemple. Mais je vais te dire un exemple. En gros, on fait des mélanges de nourriture qu'on donne à manger. Mais, non, c'est... mais des mélanges de nourriture, non, genre de la bouffe de chien. Il y a un mec qui m'a déjà raconté qu'on avale ils avalent des poissons rouges vivants. Ouais, c'est ça. Genre il les croque. Le mec, il voulait pas passer à l'antenne, mais il m'a dit clairement ce que j'ai dû faire moi, c'est que j'ai dû avaler un poisson rouge, le gober. Ou alors c'est un mec qui m'a dit. T'imagines ce poisson rouge qui nage dans ton suc gastrique. Enfin bon, en même temps, tu dis on mange des animaux. Mais moi, c'était à ma première à l'IEX. Genre j'ai un pote qui a fait le baptême mais dans une autre école. Ouais. Et il m'a dit que genre parce qu'il y a pas de baptême à l'IEX. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le jeu de la vie, bref, un truc de merde. Donc il te bandait les yeux, il mettait ta bite sur une table. C'est une blague. Et il mettait un ananas à côté et il tapait avec un couteau à côté de ta bite. Ouais, mais il va pas le faire. Mais c'est pour ouais, faire mais peur. Du coup, vu que t'as les yeux bandés, tu penses à ça. Et il y a une meuf même qui a dû sucer le mec. Ah, carrément. Ah, mais ça, c'est un choix non, de baptême. Non, mais ça, c'est du faux. Ça, c'est pas tu le vois, pire. C'est encore, c'est des on-dit. Mais tu vois, il y a quand même un rapport de force, c'est, tu vois. C'est surtout, là, on travaille sur ton mental, mais au final, il n'y a pas que ça. Le baptême, c'est pas que ça. Bah alors, dis les choses qui si c'est pas que ça, ce que je viens de te dire, c'est au final, tu découvres des gens. T'es même pas obligé de le faire. Après, on va parler avec Gaël. J'ai l'impression, moi, j'ai entendu que tu subissais un peu de pression quand tu le fais pas. Non, pas du tout. Vraiment pas. À partir du moment où tu t'es engagé. Ouais. Si tu t'engages et que tu peux arrêter quand tu veux. Tu dégonfles en cours. Ah, attends, moi, c'est pas ce qu'on m'a dit. Hein. Mais justement, c'est pas ce qu'on t'a dit, mais tu peux arrêter. Non, mais quand c'est pas ce qu'on m'a dit. C'est des gens qui l'ont vécu, c'est des proches à moi, c'est des amis. Tu peux arrêter. Qui m'ont dit, j'ai hésité à un moment donné et j'ai continué parce que je commençais à me faire harceler par l'entourage. Genre, ouais, t'es une merde, t'es trop la honte. Ouais, tu vas voir, on va te chambrer ta vie. Non, vraiment pas. Nous, ils arrêtent pas. Regarde, il y a des gens qui ont arrêté chez nous et qui sont encore avec nous, ils traînent avec nous et tout, on les rejette pas du tout. Ouais, mais attends, mais du coup, pourquoi tous les mecs qui se font baptiser, pourquoi il n'y en a aucun qui parle? Pourquoi? Pourquoi il n'y en a aucun qui parle? Dans quel sens? C'est parce qu'on a, une règle de confidentialité entre nous. Mais une règle de confidentialité, mais c'est parce que si ça parle, ça fait polémique. Mais donc, c'est pour ça, mais si. Bah sinon tu le dirais, on a lu des livres, je sais pas, on a fait des veillées, voilà. Ouais, non, ouais. C'est parce que vous avez fait des choses qui sont un peu douteuses. Par exemple, il y a Cédric qui me dit un jour à Louvain-la-Neuve, j'ai vu un bizutage qui était de lécher des vitrines de magasins à quatre pattes. Voilà, bon. Non, mais encore ça c'est rien, tu sais que moi j'ai déjà vu des mecs qui allaient dans des marées de sang et tout, hein. Des marées de sang. Ouais, ils vont prendre ça à l'abattoir. D'accord. Ouais, du coup, ils font des trucs de alors, ouf. On nous dit tout dépend des cercles, c'est la part de Maxime. Tout dépend des cercles. Il peut y avoir des cercles avec des trucs ultra gore, avec de la nudité et de la sexualité même. Oh. Alors que dans d'autres cercles, en fait, tu n'auras plus du dépassement. Tu auras plus du dépassement de soi, ouais, ça dépend. Comme manger de la nourriture pour chien, des oignons, etc. Il y a Cédric qui nous dit pour Thibaut, arrête, tu t'es fait humilier, tu veux pas le dire, fais pas genre. c'est le message qui est envoyé pour lui. Sinon, il y en a un qui se fait tous les jours un baptême dans l'émission. C'est Damien avec son jeu dans qu'est-ce que Damien a mis dans son cul. Mais lui, il aime ça. Lui. C'est un auditeur qui nous envoie à chaque fois des photos de son derrière avec quelque chose de différent, un aliment différent dedans. Il faut tenter de le deviner. C'est très sérieux ce qu'on vous dit. Il y a plein d'auditeurs. D'ailleurs, je salue Laurent qui fait des photos ici avec nous. Hein. Son Insta, c'est Laurent Photographie avec un Y. Et on est d'accord que t'es témoin. Hein. T'es témoin, tu attestes, hein, tu affirmes. Hein. Voilà, le mec, il a vu. Il a dit, ça, Gaël, ma chérie, qu'est-ce que tu en penses, toi, de toutes ces histoires de baptême et tout ça là? Bah, je suis contre, en fait. Je trouve que dans certaines options, par exemple, je sais qu'à Liège, à la fac vétérinaire, bah, certains doivent se baigner dans du sang d'animal. Je trouve ça dégueulasse. Ouais, c'est ça, ouais. Donc déjà, il y a cet exemple-là. Et baptême, alors, au niveau des baptêmes, toi, Benjamin, ton avis là-derrière, là, qu'est-ce que t'en penses, qui vient d'ouvrir, là? Ah, attends, je vais te récupérer. C'est bon, je t'ai. Vas-y. Ouais. Bah là, moi, je suis totalement contre. Déjà, ce que vous venez de dire, là, moi, la promesse au bazar, enfin, c'est... Déjà, il faut des trucs illégaux, donc c'est... Illégaux dans quel sens? Ouais, non mais moi je suis d'accord avec lui parce que le fait de dire ouais, genre, bah déjà il y a des viols, c'est illégal. Attends, on n'en sait rien. Déjà ça c'est illégal. Illégal. Donc, ouais, c'est illégal. Voilà, par exemple, je sais pas, c'est franchement c'est complètement n'importe quoi. Et toi, t'as été baptisé? Quelque chose à se cacher? Bah non, moi j'ai pas été baptisé, mais alors je lis des histoires bah alors c'est voilà, je suis... Et non, je rigole. Ouais, mais est-ce que t'as vraiment des potes à toi qui ont fait ça? J'attends, excuse-moi, j'ai lu un message là. À Skip aux États-Unis, les filles doivent s'empanner sur des godes, j'ai entendu. Non, putain. Mais bon, entre ce qu'on a entendu et ce qui est vrai, c'est vrai que parfois il y a une frontière, mais les baptêmes, c'est les mêmes pour les mecs et les filles, on nous demande. Ouais, c'est la même chose. C'est la même chose. D'accord, pareil, la même chose, d'accord, ok. Ouais, mais comme je te dis. Donc, parce qu'il y a des trucs marrants sur des mecs qui sont pas marrants sur des meufs. Bah ouais. Ouais, mais il y a rien de sexuel, comme je te dis. Il y a une charte qui a été signée avec l'UCL et on peut pas faire n'importe quoi. Arrête. C'est pour limiter les gens. Attends, la charte est disponible sur internet. J'ai une création ok, très intéressant. J'ai une réaction de Christelle sur le WhatsApp, là, 0492 222 002, si vous voulez réagir à l'émission, les amis, sur WhatsApp, je précise bien. Il suffit d'ajouter le numéro à vos contacts et dès que le numéro est ajouté au contact, vous pouvez nous envoyer un message en direct. En 89, j'ai vu Place Cathédrale, donc en 89, j'avais 3 ans, à Liège 2, en train de faire l'amour à quatre pattes, et un troisième qui regardait en dessous de tout le monde autour. Attends, j'ai vu Place Cathédrale à Liège. Ah oui, ok, à Liège, deux personnes en train de faire l'amour à quatre pattes, et un troisième qui regardait en dessous. Est-ce que c'était pour un baptême? Visiblement pour un baptême, oui, c'est dans le sujet. Alors, c'est intéressant. Sinon, il y a une réaction de Carlo, là. Qu'est-ce qu'il nous dit, Carlo? Attention. Ah, Carlo, faut renvoyer ton message, on t'entend pas du tout, mon pote, désolé. Et sinon, Christelle Darlon, c'est une autre Christelle qui nous dit, dis pourquoi est-ce qu'il y a toujours au moins une catastrophe à chaque fois, là? Je sais pas de quoi tu parles, Christelle. Je vois pas, pas le rapport là pour Par contre, moi j'ai déjà trouvé une faille dans leur charte là. Ils disent sur le point D de quant à la réalisation des représailles du baptême, lors du baptême, le responsable ainsi que le baptisé doivent être sobres. Et ça, c'est déjà c'est des couilles. Non, ça. Non, pendant les actifs, personne ne boit. C'est des couilles, il n'y a personne qui est sobre pendant ça. Je l'avais pas vécu, mais j'ai été. J'étais trop curieux, j'ai accompagné des potes, je me suis mis en mode undercover, je suis rentré dans le délire, etc. Et je me suis fait passer en fait pour un mec qui avait ma couleur. C'est ça qui était drôle. Laisse-moi t'expliquer. Et là-bas, excuse-moi, ils avaient bu quoi. Je les voyais avec des bières en main. C'était le truc. Bah, de toute façon, on en parle juste après là. Avant ça, on se fait Que Black avec NASA. Ça s'appelle Équilibré. Vos réactions 0492 222 00. On a des témoignages de ouf là, on va les lire tout de suite là, des histoires de dingue là. Light up the hook and drink some rum. Link up the girl, them we get some fun. And we make the girl, them giddy man bun. And look at run the plate, this is London. On est où là? Pour une paire de fesses, nous on trahit pas les nôtres. On est où là? Nous n'encaisse le baiser, on trahit pas les loups. Oh, alléluia. Ouloulou. Ouloulou. Nous on pose des bouteilles, équilibré. Nous on veut que l'oseille, équilibré. À quand le jour de la paix, équilibré. En vrai on s'en bat les couilles, équilibré. Ah ah ah, équilibré. Ah ah ah, équilibré. Ah. Me make the girl turn freaky. Equilibre. Them a fi wine pon the dicky. Equilibre. Do them fire like the city. Equilibre. Des femmes on s'est trop doué. Les belles filles si on dit mazo go. On est trop logo. Ben ben grave en moto. Qui prend les règnes ce soir c'est la street. Dans le carré VIP négus c'est la street. Qui envoie la bombe de bombe c'est la street. Ce soir c'est de la balle, la balle c'est la street. Ouais. On est où là? Pour une paire de fesses, nous on trahit pas les nôtres. On est où là? Nous n'encaisse le baiser, on trahit pas les nôtres. Alléluia. Ouloulou. Ouloulou. Nous on pose des bouteilles, équilibré. Nous on veut que l'oseille, équilibré. À quand le jour de la paix, équilibré. En vrai on s'en bat les couilles, équilibré. Ah ah ah, équilibré. Ah ah ah, équilibré. Ah. Équilibre. Me make the girl turn freaky. Équilibre. Them a fi wine pon the dicky. Équilibre. Do them fire like the city. Équilibre. See me in a the club, be a girl me a fuck. Talk them a talk, but my dubs them strap. That one day wicked, somebody a fi drop. Open the door when the guns them a knock. Votre soirée démarre dès 21h sur Énergie avec Vince. Et faut pas chercher plus loin les baptêmes. Les gars et les meufs ils sont tous pleins. Ils sont tous en train de se niquer ensemble. Franchement c'est n'importe quoi. Je me demande si c'est vrai ça. Ouais, comme sur Énergie, c'est vrai ça ou pas Thibaut? Non, pas du tout. Ah donc d'accord. Bah, écoute, quand tu sors, c'est que tu sois baptisé ou pas, tu vois des gens niqués. Mais dis-nous un truc au moins que t'as fait Thibaut. C'est pas comme si tout le monde allait chercher après un Thibaut Sale sur internet, tu vois. Ah, tu viens de me cramer là. Bah, vas-y, dis-nous, allez, un truc que t'as fait. Non, allez, je vous dis juste un truc, j'ai du graille du pâté de chien. Ah, ouais, mais ça, c'est rien, ça veut dire que c'est ce que vous faites en public. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais, bah ouais, est-ce qu'il y avait pire que ça? Ouais. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a. Attends, est-ce qu'il y a un truc qui. T'as mis d'un point de vue éthique, est-ce que t'as vu quelque chose qui t'a mis mal? Qui m'a mis mal d'un point, fait, de vue, d'un point de vue moral. Bah c'est le travail mental qu'on fait sur toi, puisque moi je kiffe pas qu'on me gueule dessus et quand on te gueule dessus c'est vraiment pas agréable. Il y a de l'endoctrinement mental, quoi, un peu comme ça. L'endoctrinement non, pas forcément, t'arrêtes quand tu c'est veux. Quoi, on essaie de te casser mentalement. Pas de casser, mais on essaye de travailler sur ton mental, donc on essaye de t'affaiblir niveau mental, mais pas de casser. C'est horrible. Tu sais, t'as des parrains qui sont là pour toi, qui sont là pour ça et pour te soutenir. Et si ouais. t'as un problème, tu c'est comme si t'allais, parce que comme si t'allais dans un cliché de truc militaire et qu'on te gueulait dessus tout le temps. Bah ouais, c'est vraiment ça en fait. Et si t'as un problème, tu vas en parler. Franchement, on est tout, on est ouvert, on n'est pas des. Mais est-ce qu'il y a eu un truc vraiment dont ta morale t'a dit non, ça c'est pas logique. Même si on est dans un jeu, dans un baptême, quelque chose où tu t'es dit bah non, je crois qu'il a, je trouve qu'ils ont exagéré. Non, franchement, puisqu'au final, c'est moi, ce que je me disais, c'est que c'était un rôle, tu vois, c'était un jeu de rôle entre guillemets. D'accord. Et, je l'ai fait. Okay. Franchement, j'ai pas eu de soucis, je le regrette même pas. Ça me manque le baptême, j'ai envie de te dire. Puisque je te dis, il y a pas que le bisoutage entre guillemets. Il y a bisoutage. À la belge. Mais il y a d'autres trucs à côté de ça. Du coup, voilà, il y a tout le folklore. Moi, j'ai découvert plein de trucs, genre comment Walibi s'appelle Walibi. Mais Wavre, Limalbière, je vois. Mais moi, je le savais pas. Mais c'est des belles trucs qu'on découvre. Tu vois. Putain, t'as internet pour ça. Hein. Sinon, ouais, non, mais il y a aussi le folklore de ta région et tout ça. Moi, je connaissais rien. Alors moi, je vois des commentaires. Alors bon, ça prend avec des pincettes. On dit dans certains baptêmes chez les vétérinaires. Ouh là là, vous êtes pas prêts. C'est Maxime qui m'a écrit ça. Ils reproduisaient un vrai accouchement animal avec une vraie vache morte. La personne devait sortir par là où sort le petit vaube. Ça c'est vrai hein. Non mais sérieux. Ça c'est grave vrai. Mais ça il va jamais l'avouer Thibaut. Non bah non. Non mais bon il était ça, pas c'est en, bizarre. Il était pas en vétérinaire non plus hein. Ah non mais c'est dingue quand même hein. Alors attends Carlo, peut-être qu'on l'entend mieux là entre temps. Je disais donc, tout le monde ne rentre pas là-dedans seulement pour baiser, faire la fête et tout ça. Il y en a certains qui rentrent là-dedans parce que il se passe des filons pour les examens, pour les tic-tac, et ils arrivent. Je veux dire, ça, c'est pas des choses qu'ils ont créées comme ça en une année. Ça date des années, des années, des années. Et il y a des filons qui se passent pour que les gens réussissent plus facilement. Et ceux-là, c'est ceux qui font faire des baptêmes les plus dégueux, des choses vraiment hardcore. D'accord. Et ça, ce qui décrit, c'est un cercle. Oui, oui. Il y a cercle régional. Voilà, c'est, tu peux être, faire partie du cercle sans avoir fait ton baptême et l'inverse, non ? Et sinon, t'es pas obligé d'avoir. Excuse-moi, j'ai cliqué sans faire exprès. T'es pas obligé d'avoir fait ton baptême pour être intégré dans le cercle. Hein. Voilà. Il y en a qui sont avec nous, qui traînent avec nous, qui ont même pas fait leur baptême, mais voilà, ça reste nos potes, on les renie pas, quoi. Voilà, maintenant, je précise aussi un truc. Faites ce que vous voulez. S'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui se disent ouais quoi non baptême jamais vu ce qu'ils racontent et tout, faites vraiment ce que votre cœur vous dit. Si maintenant c'est votre délire et que vous avez envie d'aller dedans, je vous incite pas parce qu'on ne sait jamais dans quel endroit ça se passe et où, on n'est jamais sûr. Mais on n'est pas là pour vous dire de ne pas le faire ou de le faire. On est simplement là pour te dire attention, il y a des dangers, il y a des trucs auxquels vous y attendiez pas. J'ai pas mal de commentaires et c'est incroyable. Des gens qui disent Vince, j'ai été baptisé et oui j'ai peur d'en parler parce que si on me reconnaît à la radio, je l'ai fait cette année-ci. J'ai vécu des trucs pas cool et si on me reconnaît, j'ai donc peur qu'on m'apporte des problèmes. Voilà. Donc ça, bah, c'est tu des, vois, donc ça c'est réel. C'est des trucs qui sont là, qui existent. Effectivement, on n'en parle pas des masses, on n'en parle pas des tonnes. C'est vachement bien gardé comme secret de ce qui se passe là-bas. Bah, même Thibaut, il veut rien dire. Thibaut, il est en PLS depuis là tout à l'heure. Il est je suis tout seul. Vous êtes en train de me poser 20 000 questions. Mais non, mais à chaque fois qu'on dit un truc. À chaque fois qu'on dit un truc, t'assumes rien. Donc non, c'est pas que j'assume pas, mais vous me croyez pas. Je dis qu'on boit pas en actif. Vous me dites, mais en fait, c'est pas qu'on ne croit pas. C'est que comment ça se fait alors que toutes les X années, on entend des histoires horribles et des gens qui vont même en justice. En France, il y a eu un suicide. Voilà. On en a parlé dans les infos. Il y a eu un suicide suite à un baptême. Et puis un autre truc aussi où il y a eu un autre mort. Si je me trompe pas dans les infos, voilà, il y a un mort qui. Alors, soi-disant. Enfin, soi-disant, il paraît que ça n'a rien à voir avec le baptême en question, mais qu'il avait trop bu. Après la guindaille, etc., je sais pas très bien. Ça, j'ai pas trop d'infos, je crois qu'ils ont pas été très clairs. Enfin, bref, on salue, on remercie Gaëlle d'être passé à l'antenne. Merci Gaëlle. Au plaisir. Bisous, ma chérie, et bisous à Benja aussi, hein, quand tu veux dans l'émission. Hein. Ouais, je peux passer un petit big up. Ah, vas-y, fais ton plaisir. Let's go. Vas-y. Bah, je passe un très gros big up à ma copine, à ma famille. Et surtout, je passe un gros big up à nos deux proprios, Pierre et Audrey, qui sont juste en haut, qui nous écoutent. Ah bon, on les salue, mon pote. Et qui d'autre encore? Parce qu'ils attendent. Big up parce qu'ils attendent une petite fille, et voilà. Hey, félicitations, mon pote. Bisous, mon pote Benjamin, quand tu veux, là. Message vite fait, Diego. Les gars, moi, il y a quand même quelque chose que je comprends pas. Hein. Dis-nous, Diego. Université ou pas, comment est-ce qu'on peut obliger quelqu'un à mettre un gros saucisson dans le cul? Allez, sérieux, moi je voudrais bien voir qu'on m'oblige à me le mettre. Hein. Ouais, mais tu sais que parfois quand t'es en privé et que tout le monde met la pression, t'as le phénomène de groupe qui apparaît. Et Camille, elle nous dit quoi, Camille? J'ai pas bien compris le truc. Enfin, je viens d'allumer et je comprends pas pourquoi on devrait honte de s'être fait baptiser. Non, bah honte de se faire baptiser. Ouh là là, ça va être compliqué si t'as pas suivi depuis le début, Camille. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il faut faire attention. Peut-être que tu vas te faire baptiser sur le coup et tu vas trouver ça drôle et que les années vont passer et tu vas dire ouais, mais en fait, tiens, ce que j'ai vécu. En fait, c'était peut-être pas très, quelque chose de très positif. Tout comme ça aurait pu l'être très positif, je ne sais pas. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, bref, on n'est pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Les amis, on arrive tout de suite sur Énergie. Bienvenue. Vince, 21h minuit sur Énergie. Rejoignez Vince sur Insta, Snap et Twitter. Vince Radio. Vince Radio. Et bombardez-le de messages non-stop. Il trouve ça relou, mais nous, on trouve ça drôle. Chaque matin, vous vous réveillez avec Énergie. Un grand merci à mes collègues pour le soutien et à tous ceux qui m'ont écouté. Et un bisou à ma maîtresse, elle comprendra. Le 6-9 sur Énergie. 6h-9h. Dès demain, 6h. Marco, Jérém et Frisco vous offrent votre console Nintendo Switch. Están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí, haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar, lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera, y todos te quieren probar, lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar, yeah, yeah. Dile que tú eres mía. Hasta mi respirar. Contigo veo todo como en espiral. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar. Tus ojos me concentran como Adderall. Contigo me sube el overall. Te toco y hasta el mundo deja de ir. Ahora nosotros ni la muerte nos va a separar. Dile que tú eres mía. Du lundi au vendredi. Vince. Vince est sur Énergie. Allez, c'est parti pour le son de Dinoro avec Hitman Mind sur Énergie. Soyez bienvenus. Désolé, on a été coupé dans certaines régions là. On a fait un petit bug là. On a parlé trop longtemps. Ouais, parfois ça arrive. Si tu veux, on a bien parlé. Dinoro, Hitman Mind. Et merci pour toutes vos réactions là. Il y en a beaucoup qui arrivent. Il y en a qui nous disent Vince, moi je voudrais trop me faire baptiser. Tu me conseilles quoi? Ben, je te conseille de t'écouter toi. Voilà, moi je suis personne pour te dire de faire, de ne pas le faire. Nous on essaye un petit peu de creuser ce qui s'est passé avec l'histoire du cercle qui a été fermé et tout ça là. En tout cas, c'est le sujet de maintenant. Maintenant, on n'est pas en train de vous dire de ne pas le faire et que c'est mal, etc. Il y a des tonnes de cercles. Il y a plein de possibilités, les amis. Et voilà, il y a un folklore derrière aussi. Et vous, voilà, c'est tout. Si vous avez 18 ans, j'imagine, pour la plupart, et qui sont prêts à le faire, et ben si vous le sentez, faites-le. Voilà, c'est votre vie. Tranquille. Ouais, franchement, faites-le. Enfin, nous, on dit juste les choses comme ça. Voilà, voilà. Mais... on arrive tout de suite. Dinoro. What we're waiting for. In my mind. c'est dans la maison. Big up à Alice Pirotte, ma copine que j'aime énormément. S'il te plaît, peux-tu passer le message? Parce que franchement, elle m'écoute et j'aimerais vraiment pouvoir lui passer cette dédicace, car je l'aime. Oh, c'est beau, Hugo. Bah, ton message est passé, mon pote. Vince, tu vas faire quoi ce soir? On va tout casser, hey, on va tout casser, hey, on va tout casser. Oh, yeah. Tant qu'on est bien assuré. Ah bah oui. Vince, 21h minuit sur Énergie. Welcome sur Énergie, les amis. En live, 21h40, mon nom c'est Vince, il y a Lara qui est là, il y a Nigel aussi, il y a Thibon, yeah. Salut Eddy, yeah. Qui est malade, le pauvre, il est dans son lit, là, en gine, comme il y a beaucoup de gens qui sont malades, là, j'ai entendu. Ah, il y en a beaucoup, hein. Ouais, ouais. D'ailleurs, des gens qui sont malades, c'est Nikos aussi, hein. Nikos, c'est pas dire son prompteur, hein. Ouais. Ah oui. Ah, avec nos artistes Énergie, qu'est-ce qui se passe, là, Énergie Music Awards. Mais il n'y a pas vu, que hein. Nikos, hein, le pauvre. Ah, ouais, il y a eu qui d'autre encore, parce que il y a eu Lio qui a remis un prix et qui n'a pas réussi à prononcer Aya Nakamura. Ah, incroyable. Non, parce qu'il faut préciser, bon, Énergie Music Awards, c'était ce week-end. C'était génial. DJ Snake enfin a eu un prix. A gagné un award et tout. D'ailleurs, il a promis de se raser la tête. Et visiblement, il s'est rasé la tête. Ah bien. Ah ouais. Voilà. Par contre, Aya Nakamura, donc je précise bien qu'elle s'appelle Aya Nakamura, Nikos. Et non pas Yaka Nakamura, voilà, et non pas Ava Nakamura. Voilà. Bon, salut Nikos, voilà. Tu sais, il est dans le live, il y a la pression et tout. Et on lui parle en même temps dans son oreillette. Et c'est pas évident parce que parfois, je suis en train de parler. Et quand Nigel me parle dans. Parce qu'il peut me parler dans mon casque, hein, sans que les auditeurs entendent. Je te jure, je dis des conneries. Je pourrais dire l'arabe bon cactus, ouais. Au lieu de dire l'arabe belle rose. Ouais, quoi. Mais lui, il a un prompteur qui est écrit devant lui, il a préparé son émission, donc tu peux pas te tromper trois fois. Une erreur. Moi, j'ai envie de dire, tu sais, qu'on se trompe. Maintenant, tu vois, on parle d'Aya Nakamura. Ouais. Donc, good buzz, bad buzz. Bah, c'est ça. Mais on s'en fout. Et puis, en même temps, je crois qu'il va plus jamais bugger sur son nom. Hein. Salut Jadou qui est là, là. Et on dit quoi parce que le week-end est fini et que Vince est de retour. Eh, merci. Oh, j'apprécie un jeu qui va, la vie est belle. Damien, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Nigel qui m'a manqué. Oh. J'adore, il y a Jérémy qui m'a envoyé une photo de son chien en écrivant qui veut venir me baptiser, je l'attends. Impeccable ça. Merci Hugo pour ton sympathique message là. Big up à Tekin, c'est son dernier jour de travail avec nous. Hey, courage, j'espère que voilà, c'est pour la retraite, comme ça il va toucher du cash. Yeah. Ou alors c'est peut-être pour un meilleur taf. En tout cas, big up à lui. De toute façon, que ça soit bien ou pas, dangereux ou pas, on devrait faire. On devrait être fait, mais avec les autorités. J'ai pas compris. Enfin, m'a envoyé ton message, Steven. Là. C'était pas très clair. Vince, mon père était à l'internat à Beaumont avant qu'il soit inscrit à l'internat. Il faisait, comme vous dites, donc du sale. Et mon père, quand il est rentré, ils ont directement arrêté car ils avaient peur de lui. Et le baptême, quand il est rentré à l'internat, c'est devenu un gros combat, genre boxe. Et celui qui était pas KO se faisait respecter. D'accord. Oh. Un témoignage. Hein. Alors, on a plein de témoignages différents. On a des trucs vraiment, on a du sale comme on a du truc. Ah, chez moi ça s'est bien passé, c'était très cool, voilà. Et justement, on a donc une réaction de Teddy qui est avec nous là dans le standard. Salut Teddy. Salut. Yo, Teddy est dans la maison. Teddy, tu viens d'où mon pote? Moi je suis français, je suis étudiant à Liège. En d'accord. Dernière. Ah bah Liège alors. La colle c'est de l'eau. Liège. La colle c'est de l'eau. La colle c'est de l'eau. Oh, yeah. La colle c'est de l'eau. Alright. Hey. Et donc du coup toi tu voulais réagir par rapport un petit peu à tout ce que t'as entendu dans l'émission. Toi t'as étudié donc en vétérinaire et tu as fait ton baptême. Ouais. Et raconte-nous alors du donc coup. En 2014. Mm-hmm. J'ai fait mon baptême en 2014 et moi je trouve que c'était une expérience vraiment formidable. Et c'est vrai que malgré toutes les rumeurs que j'ai entendues aussi avant de savoir et avant de connaître, c'est vrai que notamment dans le folklore vétérinaire, on entend énormément de choses parce que c'est un des folklores les mieux gardés où on essaye un peu d'entretenir un mythe. Mm-hmm. Mais au final, autour de ce mythe, nous on a une organisation qui est énorme, qui nous prend des mois et qui est organisée d'une année sur l'autre avec des gens qui sont élus. Nous, on élit au sein de notre folklore. Un groupe de personnes qu'on juge les plus responsables à organiser le baptême chaque année. D'accord. Et ces gens-là, justement, ils sont la charte à signer, comme parlait Thibaut tout à l'heure, la charte qui est commune à tous les cercles étudiantins de Belgique, mm-hmm. où voilà, on a des règles à respecter. Et après, nous, voilà, on adapte chacun son folklore, chacun ses rites d'intégration, qui certainement... comme on a pu l'entendre avec l'UCL et à d'autres endroits, qui sont abusés, qui vont au-delà de ce qui est tolérable, notamment tout ce qui est à connotation sexuelle, tout ce qui est humiliation. Mais au-delà de ça, moi, ce dont j'aimerais revenir, c'est surtout comment on pourrait faire taire des milliers de personnes et que les gens soient tous là à dire non, c'était très bien, mais qu'ils le pensent pas. Honnêtement, il y aurait pas tant de baptêmes et ça ne perdurerait pas depuis des. Toi, tu penses que la polémique aurait explosé depuis bien plus longtemps si c'était vraiment aussi catastrophique que les médias le laissent entendre, c'est ça? Bien sûr. Donc, ce qui dépasse, ce sont des dérapages, c'est ça? Ce dont on entend parler, c'est seulement une minorité, c'est ça? Mais c'est ça, puis parce que c'est tellement pour les médias. Oui, évidemment. Faut le dire, à l'heure où maintenant tout le monde est devenu son propre média, Facebook, Twitter, Snapchat, Insta, c'est vrai que. Ça déborderait. Hein. Tu sais, on a l'habitude de prendre des trucs genre violence policière, on le filme. Violence de ce côté-là, on le filme. Ouais. Genre polémique comme ça, il y a toujours des vidéos qui sortent de nulle part, tu vois. Ouais, on dit des conneries sur toi, ben boum, c'est enregistré, c'est envoyé à la personne en question. Ça va très vite, ce genre de truc. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas vu de vidéos sortir des milieux de baptême, etc. Ça veut pas dire que ça existe pas. Ça veut peut-être aussi dire que les téléphones sont interdits, mais si il y a toujours des défenseurs. Les téléphones sont interdits, la plupart du temps. Voilà, oui. Mais comme dans plein d'endroits, tu vois, il y a plein d'endroits où les téléphones sont pas autorisés. Et c'est vrai que si maintenant il y avait quelque chose de gravissime, tu aurais certainement un jeune journaliste en herbe qui irait avec son téléphone en loose day et qui se mouillerait dans le truc pour filmer et pour ouais, mais tu sais, rien ne t'empêche de le cacher dans des endroits de ouf, tu vois. Ouais, mais si tu veux vraiment avoir un truc, tu peux l'avoir, je pense. Teddy, dis-nous. Nous, tous les bleus ont leur téléphone sur eux. Ils ont le droit de l'avoir. C'est juste que voilà, on leur dit faut garder folklore, faut garder ça secret, donc ils ne peuvent pas filmer. Mais en soi, si jamais il y avait vraiment quelque chose qu'ils voulaient filmer, ils pourraient sortir leur téléphone discrètement. Mais du coup, vu que c'est respecté, ça prouve bien qu'ils ont peur. Qu'il n'y a pas forcément de choses. Bah oui, mais peur, mais ça ferait quand même. Bah une fois qu'ils sont sortis, une fois que c'est fini, ils Montrer les vidéos à d'autres en leur disant ne le faites pas. Ouais, mais le truc c'est que maintenant que toi tu l'as fait, il y a quoi que tu peux nous dire, genre qui est un peu ouf, vu que Thibaut il veut rien nous dire. Qui est un peu ouf, écoutez, ça dépend ce qu'on appelle ouf, mais je veux dire, à part c'est long, c'est fatigant, faut jouer le jeu. En fait, c'est une immense pièce de théâtre dans laquelle on est des bleus, on est des bisous, enfin ça dépend les noms dans certains endroits, mais alors on est des bleus. Ceux qui sont baptisés jouent les méchants avec nous. Mmh. En fait, on doit nous se taire, vous voyez les gens, et voilà. C'est un jeu, il faut apprendre le second degré en se disant, on nous dit des choses. Mais c'est pas vrai, on joue un rôle avec nous de méchant, mais c'est pas vrai. Et voilà, c'est ça qui est dur et qui est assez dur à garder. Et puis c'est surtout qu'on nous demande d'apprendre énormément, énormément de choses qu'on peut pas apprendre parce que le cerveau humain peut pas apprendre autant de choses en si peu de temps. Et du coup, on se fait engueuler si on connaît pas. Et voilà, t'as une leçon, tu retiens la leçon, si jamais ça marche pas, on t'engueule et tout ça. Mais en fait, ils ont tellement une emprise sur vous que vous osez rien dire, en fait, c'est ça? On doit rien dire. Bah aujourd'hui, moi, ça voudrait dire que moi, maintenant, j'ai cette emprise sur les autres aussi. Donc je pourrais me permettre de le dire alors. Ben non, vu que c'est un secret pour vous et que si vous le dites, vous aurez des problèmes. Mais moi j'aurais pas de problème, je peux dire absolument tout ce qui se passe. D'accord. Ça me pose des problèmes, c'est ça. En tout cas, écoute, l'idée c'est que tu voulais passer à l'antenne pour dire que voilà, il y avait beaucoup de foin autour de certaines choses et que si jamais il y avait vraiment beaucoup de cercles où ça partait en couille, ça se saurait de toute façon, voilà. Et puis et puis Thibaut de son côté, il a vécu un truc plutôt chill, hein, il a juste mangé de la nourriture pour chien. Bon, c'est des trucs qu'on fait dans l'émission aussi, manger de la nourriture pour chien. Ouais. Voilà. Ouais, en y repensant. Ah ouais, non, mais bien sûr. On s'est fait humilier. Exactement, attention, mais ça va, on met pas encore des trucs dans le derrière. Ça ne viendra pas de toute façon. Ça c'est dans touche pas mon poste. Ça, par contre, on est d'accord que ça c'est complètement abusé et ça c'est intolérable, ce genre de choses. Enfin, on peut pas obliger. Enfin, nous on nous oblige à rien. Enfin, qui peut, on va dire, avoir une influence psychologique, une humiliation qui peut nous rendre mal. Enfin, non, il y a rien. C'est en général quand on sort du baptême, on ressort plus fort. Il y a pas du tout de choses comme ça. Enfin, vous rendez bien compte que. Enfin, là, si c'était comme ça chaque année, il y a bien des gens qui se plaindraient. Enfin, moi perso, Il y a aussi, si tu regardes dans l'actu, il y a vraiment. Alors attention, quand je dis l'actu, pas les fake news, mais aller voir des journaux un peu plus sérieux, des journaux en tout cas. Il y a des témoignages qui parlent de. Mais t'as une personne qui a estimé que ça a été trop loin et tout ça. Ouais. Et comme pour tout, de toute façon, comme dans tous les domaines, t'as toujours une certaine régularité. Et puis tout d'un coup, il y en a un qui déconne, qui abuse, et celui-là dont on parle, effectivement. En tout cas, voilà, on voulait aborder le sujet. Je te remercie beaucoup, Teddy, d'être passé à l'antenne. Hein. Pas de soucis. Quand tu veux, bisous mon pote. Allez, au revoir. Bye bye. On continue de te faire baptiser. Et on nous dit baptême fin des années 90 à l'université de Charleroi. On avait même des chars pour la Saint-Nicolas. Et les baptêmes, en même temps, c'était chaud. Et les mecs, ils mettaient la pression pour tenir la cadence mentalement. Tu en sors plus fort, plus sûr de toi. Tu as testé tes limites. Voilà, c'est un message qui est envoyé de la part de Cédric. Les amis, tout de suite sur Énergie, on va tenter d'appeler Dominique. Yes. On va tenter, je dis bien, en espérant qu'il décroche. Ce soir, c'est qui s'y colle? Lara. Ah. Mais d'abord, voici MC Fiotti. que griten. Boum boum tam tam. Énergie, Vince dans la merde. Estoy tan pegado que no salgo de tu mente. Quieren apagarme y yo no tengo frente. A bailar no existe pena. Este funky se candela. De aquí nadie va pa' afuera. Esto lo bailan en la favela. Izquierda, derecha, pa' arriba, pa' abajo. Izquierda, derecha, rompiendo. É flota envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas ali, hein? Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum tam tam. Muévese bumbum tam tam. Muévese bumbum tam tam tam. Muévese bumbum tam tam. Muévese bumbum tam tam tam. Muévese bumbum. Ese bumbum. Ese bumbum bum bum bum bum bum bum bum. Back it up, make me cock it and rev it. And I just any man can get it. Me not care if you have good credit. You better can't angle the thing when me send it. Me not drop off, when me pop off. Girl walk off, till it broke off. Don't stop off, till it stop off. Good pussy make the whole dance lock off. Tell me see me ting turn up. Turn up the ting till the ting burn up. Wine on a girl till the girl mash up. Now show the ting like a dump a truck. Ayo me ting good, and me ting sharp. And the ting set, and it sitting locked. And the girl good, but my face bad. Cause me ting ting real and it can't stop. Flota envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas ali, hein? Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum. Vai com o bumbum. Rompendo. I know the thing that you like. I know the way that you move. First night, boom boom, back back boom. Hey, big up my jeweler, big up my 4-5, big up my Ruger. Hey, big up the bad bitch, 'cause they treat me like King of Zamunda. Yeah, I'm a savage, some of them 21, some of them cougars. Hey, automatic spasm, jumping in the crowd, just like Uzi. Yeah, black stallion, I'ma go flex and fly out to Cuba. Yeah, if you got good pussy, let me hear you say hallelujah. Yeah. É flota envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas ali, hein? Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Eu falei assim pra ela. Vai treme o bumbum, tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam. Le soir dès 21h. Vince est sur Énergie. Ah, Vince c'est dans la maison. Ça fait du bien ça. J'espère que vous allez bien tout le monde, tranquillou. On salue encore une fois Eddy qui est malade, il est au standard d'habitude, il est pas bien, il se sent malade. Et... Enfin, il se sent pas malade, il est vraiment malade en plus. Hein. Il a des boutons dans la gorge, il a un truc bizarre. Là, une angine blanche. Une angine blanche, exactement. Et heureusement qu'il nous a pas transmis le truc. Hein. Pourtant, il est pas blanc. Pas drôle. C'était quoi ces blagues nazes là? Ouais, vraiment. Ah, là, bravo Nigel. Hein. Mais sinon, on a Thibaut, il décroche à vos appels 0802-3456, les amis. Et puis, je vous donne le numéro WhatsApp. Et attention, grosse lecture de messages qui arrive tout de suite là sur Énergie. J'avais promis qu'on a appelé Dominique, on a essayé Rantaine, malheureusement, ça décroche pas. Oh non! Ouais, en fait, ça a décroché. C'est quoi l'info, Nigel? De quoi? Il a décroché, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ouais, en fait, le truc, c'est qu'il avait décroché cet après-midi. Ouais. Et là, il répondait pas. Il a dit: ouais, attendez, je suis avec la police. Et il a raccroché. Avec la police? Avec la police? Ouais, il a dit ça, ouais. Ça, c'est énorme. Ok, d'accord, très bien. Il a raccroché au nez. D'accord. Ouais, il a raccroché au nez, ouais. Bon, les amis, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Je vous promets, on va appeler Dominique. Dominique, c'est qui? C'est un mec que j'appelle depuis des années. C'est incroyable. Mais en même temps, des génies comme ça, tu tombes, je crois, une fois dessus tous les deux ans. Hein. Ou toutes les décennies. Voilà, d'ailleurs, si vous connaissez des gens qui pètent un câble, qui décrochent toujours leur téléphone, qui s'énervent pour un rien, bah donnez-nous les numéros de téléphone. Hein. Ouais. Et pour nous joindre, c'est très facile, 0800 23456 par téléphone. Mais attention, voici le numéro WhatsApp. Avec ce numéro, Vous pouvez nous écrire des messages, nous envoyer des notes vocales, nous montrer des photos. D'ailleurs, je salue une auditrice, malheureusement, j'ai perdu son prénom entre temps, qui m'a envoyé une vidéo d'elle en train d'écouter le son d'énergie dans sa voiture. Et ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas, dites-nous d'où est-ce que nous écoutez. Faites des photos de vous en ce moment là, où vous êtes en train de, peut-être de bosser, de travailler, je ne sais pas. Et les derniers messages que j'ai reçus les dernières minutes, là, il y a Thomas qui me dit salut Vince, tu vas bien? Très bien, merci mon pote. Bisous à Alliance qui est là, qui a gagné d'ailleurs récemment sur Énergie. Bisous à Manon, une auditrice très fidèle qu'on appelle Manouche sur le WhatsApp, qui elle a été au Energy Music Awards à Cannes. La chance. Elle a gagné le concours, elle a gagné chez nous ailleurs. Non, elle a gagné chez Tanguy, je pense. Ah ouais, effectivement. Qu'on saluait beaucoup d'ailleurs. Alors Vince, quand tu passes au sujet 2, ça va arriver le sujet 2, vous inquiétez pas, faut être patient, puisque ce soir, les amis, nous allons parler des trucs que vous pensiez vrais quand vous étiez petit. Qu'est-ce qu'on croyait quand on était petit, en fait, qu'on s'est complètement trompé. Moi, je croyais que la lune me suivait. C'est mignon. Un classique. Elle te suit, hein, d'une certaine manière. Ouais. Non, pas vraiment. Il y a Elisa de Charleroi aussi qui est là. Alors, ça dit quoi, Elisa de Charleroi? C'est quoi ton message? Vince, je viens de rater l'appel, en fait, parce que j'avais les mains mouillées. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, je venais de me laver les mains. Ok. Merci Lisa. Écoute, j'adore parce que tu vois, on découvre vraiment l'intimité des gens. J'ai les mains mouillées. Un gros big up à toute la famille Rebounds du Luxembourg. Message de la part de Steven. Message bien passé, Steven. Vince dédicace à mon pote Samuel Dutrieux. Allez tous vous abonner à sa chaîne YouTube. C'est Forsam DTR. Il y a Logan également qui m'écrit en voiture. Bah, je vais très bien. Merci mon pote. Ah, on commence à m'envoyer des numéros de téléphone de gens qui se vénèrent, visiblement. Ah, merci Thomas. C'est gentil. Et Mélisse également qui m'a fait un petit screen là. Elle écoute tiens, elle écoute Énergie sur une app. Je connais pas l'app. Tiens, il faudra me dire c'est quoi l'app. Il y a Paul qui est connecté aussi là. Monde, c'est juste pour dire que j'ai 17 ans aujourd'hui. Voilà, bon. Ok. Ok. Bye bye. Encore une bougie de soufflé. Encore une année de passé. Encore une bougie de soufflé. Hey Paul, bon anniversaire, Paul. Passé. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Que t'es tout bon. Bonne année entière. Des messages qui arrivent. Nathan est dans la maison et j'adore dès que je commence à lancer des messages. Ça y est, ça arrive en masse. Hein. Comment ça va, Vin? Ça va très bien. Merci, mon pote Nathan. Il y a Peno qui me dit Vin, je ne reçois plus les sujets du jour. Bizarre. C'est notre système d'envoi, visiblement. Il déconne un petit peu là. Ben non, tout le monde reçoit. C'est bizarre. Non, je crois que Peno, je ne l'ai pas inséré tout de suite. Ah, tu ne l'as pas inséré. Sans mauvais jeu de mots, bien entendu. Ah. Voilà, on est bien d'accord. Peno, ouais, non, Peno, en fait, je crois que tu n'as jamais reçu nos sujets du jour. Comment tu sais qu'il y a des sujets du jour qui arrivent d'ailleurs? C'est trop chelou ça. Ouais, parce que nous, là, en fait, on avait bloqué de la liste. Mais non, c'est qu'on l'a pas mis dans la liste. Toujours sur mon mémoire, merci pour la bonne humeur, l'équipe. C'est Marie qui nous a envoyé ça. Ouais, Marie qui fait un mémoire sur les accouchements traumatiques. Là. Oui, avec les forceps, c'est tout. Voilà, c'est ça. Ouais, big up. Christelle, comment on fait pour vous envoyer des messages vocaux sur WhatsApp? Eh bien, Christelle, tu m'envoies une note vocale, tout simplement. D'ailleurs, nous aussi, on peut vous répondre en note vocale. Hein. Yeah. Et oui, c'est vrai. Allez, tous ensemble. Christelle, elle est dans la maison! Sur Énergie. Ça donne quoi? Ben attends, je vais écouter. Parce que je sais que le micro il est très caché en fait. Christelle à la maison. Ah, ça marche. Voilà, ça marche. On peut vous envoyer des notes vocales si vous voulez. Va. T'imagines, on fait de la radio, on fait de la radio pour les gens avec leur téléphone. C'est génial. Et Lydia qui m'a envoyé une vidéo. Vince, salut. J'aimerais que vous fassiez arriver cette vidéo aux infos. Stop au harcèlement. Ce jeune garçon nommé Johnny s'est littéralement fait tabasser par un autre. On a parlé d'ailleurs de l'harcèlement dans l'émission il y a pas très longtemps là, il y a quelques jours. Et sans scrupule, nous avons ces autres jeunes qui en rigolent, qui filment et qui l'encouragent à continuer. Oh non. Et le pire de tout, c'est qu'ils avaient prévu de filmer pour la poster. J'espère que vous agirez pour ce jeune Johnny. Je suis outré et j'aimerais vraiment qu'il obtienne du soutien. Merci beaucoup. Je regardais la vidéo là. C'est très bizarre. Ah, c'est visiblement c'est rippé de Snapchat. Enregistré de Snapchat quoi. On va dans une story. Ah putain, non, c'est pas cool. Non, allez, non. Ok, bah écoute, je garde ce témoignage là. Ouais, effectivement, ils sont plusieurs autour d'un gars. Okay. C'est une voiture, hein. Ok, je garde ce témoignage-là. Merci Lydia de m'avoir envoyé ça. Je te le dirai après, mais en tout cas, déjà, il course derrière un gars et c'est vraiment pas cool. J'ai la vidéo là, hein, et visiblement, on la regardera et ça fait partie, parce que voilà, j'ai ouvert une ASBL justement qui lutte contre le harcèlement à l'école, en dehors de l'école aussi, qui s'appelle le nom, il est secret encore, mais là, mais l'ASBL est déjà là. Vincellement. Et non, du tout. Tiens, t'imagines, c'est bizarre. Dès que je balance du sel. Non, mais sérieusement, voilà, l'ASBL est créée. Lara en fait partie d'ailleurs. Hein, tout à fait. Cette ASBL et c'était important pour moi de la constituer. On en parlera, on en fera une émission très importante autour de celle-là, mais en tout cas ça fait partie de notre rôle d'aider les personnes qui sont victimes d'harcèlement et non pas de condamner ceux qui le font, si, condamner dans un certain sens, de condamner les actes, mais en tout cas essayer de faire comprendre le côté négatif. C'est-à-dire, c'est difficile, mais c'est-à-dire que généralement, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est renvoyer ceux qui font du harcèlement, alors qu'en fait, il faut les éduquer aussi. Il y a une éducation à apporter derrière. Peut-être que les gens qui harcèlent, c'est parce qu'ils ont un mal-être, un gros souci, qu'ils vivent des problèmes, et donc du coup, les problèmes enchaînent d'autres problèmes. Donc l'idée, c'est d'essayer de résoudre. Ensemble. On n'est personne pour résoudre, mais en tout cas, on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice, de faire notre part en tout cas. T'as grave dû être thérapeute familial, toi, en fait. Ah bah écoute, c'est ce qu'il fait, hein. Dans un sens, c'est ce qu'on essaye. Hein. Voilà. Merci à Léo qui nous a envoyé ce message aussi. Il y a Nathalie. Bonjour à toute l'équipe, signée Nathalie. Il y a vraiment beaucoup de messages. Ce soir, c'est ouf. Hein. Big up IEST Charleroi. Merci, my friends. Message bien passé. C'est iPlay, sauf qu'ils ont retiré l'app de, okay, de l'iStore. D'accord. Thibaut, ça sent le roussi. On fait comment pour participer au concours? Bah, dès que j'envoie un concours, tu suis les règles que je donne à l'antenne. Jadou, il n'y a pas de problème. Il y a Tony voilà qui est là. Les deux plus fous du restaurant L'Accent Catalan à Waterloo. Ouais! Un restaurant qui s'appelle L'Accent Catalan. C'est génial. Ah, ouais, je connaissais pas. Et salut, Alexandre. Merci pour ton message. Célestin. Allô Vince. Ouais. Allô Célestin. Je me faisais croire que mes grains de beauté c'était des tiques. Non. Alors un jour j'ai essayé de les arracher et je me suis percé la peau. Oh purée, les grains de beauté, j'ai jamais touché. On en parlera après. On en parlera après. Christelle. Merci à vous trois. Avec plaisir, Christelle. Et Lisa qui me dit salut Vince. Moi je pensais que j'allais perdre mes os. Les os c'était perdre les os. Non mais ouais, moi qu'on aussi. A toujours cru ça. Hein. On en parle après les amis. Qu'est-ce que vous croyez quand vous étiez petit là? Ça va arriver dans quelques instants. J'ai le plaisir d'accueillir Elisa qui est avec nous ce soir. Bonsoir Elisa. Salut Vin, salut Elisa. Il est dans la maison. Elisa, tu viens de quelle ville? Je viens en fait d'un petit bled de près de Charleroi. Qui s'appelle comment le village du coup? Il s'appelle Melay, mais c'est absolument pas connu, donc c'est près de Charleroi quoi. Melay, c'est écrit comment Melay? Melay. Melay. M-E-2-L-E-T, voilà, pas comme Melay. Ah, Melay. Hein, tiens, mets-moi dans le cul. Alors, attention, mesdames et messieurs. Où se trouve Melay? J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Dans le cul. Là. Petite explication. Melay est un village en Belgique, un village du Hainaut se trouvant au nord de la ville de Charleroi. Figurez-vous que depuis 1977, il fait partie administrativement de la nouvelle commune des Bonvilliers. Ah oui, je vois. Ah oui? Non, c'est les Bonvilliers en fait. Ah bah merde, j'ai dit Bonvilliers. Ah, comme Villers la ville. Il n'y a pas de I. Oui, c'est ça. Oh là là, excusez-moi. Ah ouais, Bonvillers. Ah oui, Bonvillers. Oui, c'est ça. Très bien. Donc, vous pouvez ajouter du coup 5 villages, Franegosli, Melay, Rêve, ou Rêvet, je ne sais pas comment on veut non, dire. Rêve. Wayo et Villers-Perrin. Wayo. Ah d'accord. Et qui se sont du coup réunis pour former les Bonvilliers en 1977. Bonvillers. Ah, Bonvillers, excuse-moi, j'ai encore bugué. Ah. Patrimoine, une ancienne chaussée romaine, attention. Ah bien. L'église Saint-Martin et Mutien-Marie. Okay. Le donjon de Melay. Et la maison natale du frère Mutien Marie, qui se trouve derrière l'église. Voilà. Et sinon, il n'y a pas quelqu'un qui s'en bat les couilles de cette ville? Bah. Je regarde non, combien. C'est un petit truc paumé. Bah écoute, Charleroi, allez. Ah non, c'est pas la bonne musique, ça. Merde. Charleroi. J'ai grandi à Charlouz. Bon, alors, je précise quand même qu'il y a 2500 habitants quand même. Hein. Ah, même. Ah ouais. Voilà, bah ouais. C'est 2500 trous de cul. Mais arrête, Nigel. Putain, on se dit ça. Bon, Elisa, fais pas gaffe à ce que dit oui. Nigel. Tu sais très bien, il est un peu con sur les bords. Oui, je. T'as l'habitude. Je vois très bien le personnage. Voilà, pour les auditeurs qui débarquent sur Énergie, qui se demandent voilà. Mais comment est-ce qu'on peut laisser dire des âneries pareilles? C'est parce que Nigel, on est c'est tous Nigel. Un petit peu fou. Voilà, on est bien d'accord. Bon, plus on est de fou, plus on rit. Oh, c'est voilà. Bien vu ça. Ouais. Elisa, ce soir, tu vas affronter oui. Pierre. Allô, Pierre. Ouais. Yo, Pierre est dans la maison. Comment allez-vous hein? Bah écoute, allons-nous bien, on va bien. Pierre, tu viens de quelle ville? Moi je viens de Rennes, une petite commune à côté de Rennes, l'Heureux. Rennes, en France? En France? Ah, oui. Eh, c'est bon ça, hey, ça fait plaisir. Bretagne. Bon, les amis, on va jouer au Give Me Five, on va appeler Dominique oui. Juste après, excusez-moi les amis, parce que ça se trouve, on va être coupé par la pub dans quelques secondes. Ouais. Je dis ça, je dis rien, on arrive tout de suite, bienvenue. Téléchargez maintenant l'application Énergie Belgique et retrouvez plus de 15 radios thématiques inspirées par vous. Énergie Latino, Énergie Hits 2000, Énergie Discover et beaucoup d'autres comme Énergie Rap FR. Retrouvez tout l'univers Énergie Rap FR en non-stop et écoutez votre radio musicale thématique Énergie Rap FR sur l'appli Énergie Belgique et sur énergie.be. Depuis qu'on est des mômes, moi Mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitans, les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Que de toi, se moque aussi de moi. Dans 20 ans tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera quatre mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne à des points. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Tiago, Tiago, Tiago, Tiago, Tiago, Tiago, Tiago. Le soir. Dès 21h. She said, do you love me? Tell her only partly. Vince. 21h minuit. Vince est sur Énergie. Vince est sur Énergie. Allez, soyez les bienvenus sur Énergie, les amis. Ça fait plaisir d'être là avec vous. Il est 22h06. Voilà, on se marre tous les soirs. Il y a Lara qui est là, il y a Nigel. Il y a Thibaut qui est au standard. On se fait un gros bisou à Eddy qui est malade. On a pas mal de conneries soir. Bébé, je les connais, ça va arriver tout à l'heure. Ouais. On a également le mot de la fin pour repartir avec vos cadeaux. Ce sera tout à l'heure. Dominique, on essaie de le rappeler. Ça va décrocher. Ouais. Ça va décrocher. Le truc, c'est que là, on doit juste attendre qu'il soit appelé avec les flics. C'est voilà, tout. On appelle leur antenne. On va prendre le temps tranquille. On a le Gizmo 5 qui va démarrer dans quelques instants avec Pierre et Elisa. Les premiers pranks de ce soir, on va téléphoner à des hôtels et le principe c'est de placer 5 mots dans une conversation logique. Merci pour tous les messages qui arrivent en masse sur le WhatsApp, la 0492 222 002, une plateforme de tout, hein, de notes vocales, de gens. Si jamais vous avez des soucis, vous êtes les bienvenus pour nous envoyer des messages. Même si jamais vous voulez passer juste une dédicace, vous voulez faire des jeux avec nous, participer au délire de l'émission. Il y a Ziara qui nous envoie un message là. Dans la maison. Eh, merci Ziara, c'est gentil. Et on a juste avant ça, j'ai parlé de Lydia qui m'avait envoyé sur mon WhatsApp la vidéo de quelqu'un qui se fait harceler. On a soulevé le sujet dans l'émission il y a quelques jours en expliquant que c'est un des plus gros fléaux qui existe actuellement à l'école et en général parmi les jeunes, qui pousse parfois des jeunes à aller jusqu'au suicide. Ouais, on a eu des témoignages très poignants dans cette émission. On a eu le choix à un moment donné, quand on a créé l'émission sur Énergie, de faire que de l'humour ou alors du sérieux, et on a voulu faire un mix des deux. Voilà, donc c'est important. Il y a des moments parfois, vous allez peut-être vous dire, si vous êtes auditeur fidèle, tiens, je me branche dans une émission de radio pour rigoler, pour changer les idées. Parfois ça devient super sérieux, c'est normal, c'est voulu. C'est la vie, la vie elle est comme ça, elle est noire, elle est blanche, c'est-à-dire qu'elle est très sombre comme elle peut être très positive. Et ben nous on a envie également de parler de ce qui se passe, de pas se cacher. Et donc Lydia m'a envoyé quelque chose face auquel on peut pas rester insensible. D'ailleurs on l'a avec nous à l'antenne là. Allô Lydia. Oui, bonjour Vin. Ouais, Lydia est dans la maison. Alors, bonjour tout le monde. Bonsoir Lydia. Hello. Tu m'as envoyé une vidéo que j'ai regardée pendant le début là, pendant l'émission, et puis j'ai profité qu'on n'avait pas lancé la pub là pour le regarder au complet. Oh. C'est une violence incroyable. Un jeune garçon qui ne demande rien à personne, qui marche, et le pire c'est que les gens le filment et il se fait frapper gratuitement à la tête. C'est ça, en fait. Avec des coups de poing par un gars qui a pratiquement le même âge que lui, mais c'est l'horreur. Hein, ouais, total. Et tout le monde est autour. Il sait pas se défendre, c'est ça le pire. Alors, Lydia, il sait pas se défendre, c'est normal, il y a tout le monde autour qui filme. Déjà, alors est-ce que tu le connais, Lydia ? C'est horrible. Non, je le connais pas. En fait, je suis tombée dessus par hasard. Je parlais avec une amie, tout simplement, et elle m'a dit : je suis sur un groupe sur Facebook, il faut que je t'envoie ça et tout. Donc, du coup, elle m'envoie. Et du coup, on s'est dit : il faut qu'on fasse un message de soutien à ce garçon, qu'on lui a envoyé sur Facebook et tout ça. Et du coup, on a trouvé le Facebook de la fille. Il y a plein de gens qui sont partis s'en prendre à elle, ce qui est plutôt logique, je trouve. Et j'ai regardé la vidéo du début à la fin, et moi-même j'ai été choquée. Je me suis dit, moi ayant vécu du harcèlement, je me suis dit, il ne faut pas que je laisse ça traîner, il faut que je partage, il faut que je demande à des gens d'agir. Donc, parce que la vidéo pour l'instant est dans un groupe privé sur Facebook alors ? Oui, elle est dans un groupe privé sur Facebook, mais je l'ai partagée, ma pote l'a partagée, et plein de gens l'ont partagée aussi. Donc, Comment est-ce que tu connais le nom de ce garçon ? c'est ma pote justement qui a eu ça sur le groupe Facebook et du coup je ne sais pas comment elle l'a trouvé, il faudra que je lui demande, mais je sais que... Parce que nous on doit prendre la vidéo avec des pincettes, on ne sait pas quand ça s'est passé. Est-ce qu'on a une idée de la date? Parce que je vois que ça a été enregistré, screen recordé de Snapchat. Non, j'ai pas de date. C'est ouais. Ça, tu vois. C'est-à-dire que peut-être qu'ils ont déjà été appréhendés ou pas, mais. Nous, on doit. Parce que, tu sais, le truc qui se passe, Lydia, nous, si on balance la vidéo parce qu'on a envie de condamner ce qui se passe, on est face à deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'on n'a aucune idée de temps ou d'espace, on ne sait pas très bien. Ce qui est sûr, c'est que si on le fait, l'affaire va partir. Ça va partir en viral. Ouais, c'est sûr. Il y a tous les médias qui vont s'en emparer, la police va ouvrir une enquête, les choses vont se passer. Donc, c'est-à-dire qu'on a ce pouvoir, on a cette chance de pouvoir réparer des injustices comme ça. Mais le problème, et ce que j'aime pas, c'est qu'après, il y a un acharnement dans l'autre sens. Quand t'es jeune, tu fais des conneries. Et tu l'as dit toi-même, la fille qui a filmé, elle se fait démonter. Elle se fait éclater. Attends, ouais, elle a démonté. D'ailleurs, elle vient tout juste de supprimer son Facebook, d'après mes infos. Ouais. Ça, le problème, c'est qu'il y a une autre violence qui se crée dans l'autre sens. Mais bien sûr, elle est en train de filmer quelqu'un qui se fait taper. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est du sadisme. Non, mais alors, excusez-moi, je suis complètement d'accord avec vous. Mais parfois, entraîné par l'effet de groupe, tu ne te rends pas compte de ce que tu fais. Tu sais quand tu fais quelque chose de mal. Tu te rends compte. Désolé. Où le garçon il dit ah ça y est tu peux enfin tu filmes ouais. Il veut comprendre vas-y tu vois ce que je veux dire donc à un moment donné faut arrêter la vidéo elle était prévue c'était prévu tout était prévu. Faut arrêter les bêtises. Je suis totalement d'accord. Mais attention. Ça reste quelque chose. Là, ce sont des jeunes qui ont 14-15 ans. J'ai aussi fait partie d'un groupe. Et je me suis aussi rendu compte que je faisais des conneries parce que j'étais entraîné par le groupe. Ouais, mais. Mais je regrette. J'ai regretté. Mais est-ce que c'est des conneries qui nuisent à l'intégrité de quelqu'un? Non, ça n'a pas été ça, mais ça a été quand même chambrer quelqu'un. Et comme je vous l'ai expliqué. Attention, je suis bien d'accord, mais essayez de comprendre mon raisonnement. Ça ne veut pas dire que je tolère ce qui s'est passé. Loin de là. Moi, je trouve ça méga grave. Mais en même temps, je me demande. Est-ce que balancer la vidéo sur le net, la personne qui frappe, c'est dégueulasse ce qu'elle fait, tu vois. Ouais. Mais on la jette en pâture, quoi. Ouais, faut pas flouter. Moi, je suis grave d'accord avec ce que tu dis, mais le truc, c'est qu'il y a chambré. Enfin, tu peux chambrer quelqu'un et tout. Mais là, genre, vraiment, il le frappe, genre, il lui met des coups de poing et le petit s'est fait. Ça se voit que le gars, c'est un gars timide, tu vois, qui se laisse faire parce que. Mais c'est horrible. C'est l'horreur totale. Moi, ça m'a choqué. Hein. Et après, t'as son pote à côté qui se prend en selfie en train de se filmer parce que l'autre est en train de frapper. Non, ça, franchement, ça m'énerve. C'est vrai que la vidéo est choquante. Parce que moi, franchement, je dis la vérité, jamais été. Même pas une semaine, il y a un film qui a été diffusé à la télé en parlant du harcèlement et tu vois ça aujourd'hui. Enfin, je sais pas, c'est des conneries à un moment donné. Et après, on ne sait pas si la vidéo a été prise là. C'est peut-être une ancienne vidéo. Peut-être que ça les gamins, ils ont peut-être été. Oui, mais peut-être qu'ils ont cette vidéo, elle a peut-être tourné. Ils sont peut-être déjà punis entre guillemets ou ça a déjà été peut-être plus loin. On ne sait pas. Mais si ça avait déjà tourné, la fille aurait pas laissé ça sur Facebook. Je trouve que ce qui est intéressant dans cette vidéo, au-delà du fait que ça choque, c'est que finalement, ça montre une situation réelle. Toi, tu peux imaginer plein de choses dans le harcèlement. Et quand on dit harcèlement, on peut souvent penser à « Ah, il se fait insulter » ou tu vois... La vidéo, on la voit, elle est c'est choquante. C'est des coups de poing, c'est gratuit. Des baffes dans l'oreille, mais une violence totale. C'est un guet-apens. Ce mec, il marche, ça se voit que c'est un mec qui ne sait pas se défendre. Ça se voit physiquement et tout. Il est différent, il a un style différent des autres. Et effectivement, il est entouré par 1, 2, 3, 4... 5 personnes. Il est entouré partout. En tout cas, dans le point de vue de la caméra. Et ils viennent, pendant qu'il rentre tranquillement chez lui, ils viennent lui chercher des problèmes gratuitement. Comme s'il n'existait pas, quoi. Voilà. Ils font leur show devant la caméra, mais le gars, c'est un pantin, mais c'est l'horreur. Mais surtout, moi, le truc qui m'énerve le plus, c'est que le mec, avant de le frapper, d'abord, il le pousse et il dit à sa pote Tu filmes. Donc c'est du spectacle. Les mecs, ils se croient dans des télé-réalités. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas normal, en fait. Le pire, c'est qu'ils sont fiers de poster, en fait. Oui, c'est horrible. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est une question. Ouais. Nous, c'est notre devoir de dénoncer ça et de l'envoyer à la police, puisque c'est pas une vidéo qui tourne actuellement. C'est-à-dire, en viralité, les gens ne sont pas au courant de cette vidéo. Non. Elle est grave. Ouais. Elle est grave. Ouais. Et je voudrais l'avoir dans la vie des auditeurs. Qu'est-ce que nous, on doit faire? C'est délicat. C'est pas la vie des auditeurs. Moi, je pense que mon avis personnel, c'est qu'il faut la partager. Clairement. Bah oui, mais avec les visages de tout le monde. Actuellement, à la partager. Donc moi, je pense qu'il faut juste flouter le visage du mec qui a été frappé parce que les autres sont témoins et ils n'ont rien fait. Juste flouter celui qui a été frappé. Donc toi, tu montrerais quand même le gars qui frappe, montrerais son visage? Bah oui, pourquoi? Parce que lui, il a le malin plaisir à afficher l'autre qui s'est frappé avec sa tête parce que ouais, je suis fier d'avoir frappé. Bah, viens, on floute la tête de celui qui s'est fait frapper, on laisse le mec qui a frappé et on verra s'il va encore rigoler. Ouais, je regarde la vie des auditeurs un petit peu. Il y a plein de trucs qui arrivent. Hein. Si vous parlez du harcèlement, appelez-moi. J'ai beaucoup de choses à dire. On en a parlé déjà dans, il y a quelques jours. Hein. C'était assez ouf. Par contre, Lydia, elle a dit qu'elle avait parlé au mec. Elle lui a envoyé un message de soutien sur Facebook. Est-ce que tu peux nous donner ses coordonnées par hasard? J'ai juste le nom que j'ai. Enfin, je voulais écrire dans le message. Okay. J'ai trouvé sur Facebook. C'est bon, je l'ai. Voilà. Je vais lui envoyer un message. Ouais. Parce que je ne sais pas du tout. Je crois que c'est. Ça se passe en France, hein, visiblement. Ah, c'est en France. Ça se passe en France. Ce qui ne change rien, puisque voilà, maintenant c'est tellement international. La page, on a. Combien, je crois, 40% de Français sur la page VINZ sur Facebook. Ouais. Donc voilà, je précise que l'émission se passe de Belgique. Hein. Je reprécise toujours, parce qu'on me pose toujours la question. Vous êtes où? Big up en Belgique. International. On est à Bruxelles. Donc voilà, ouais, je vois où ce qu'il habite. C'est à voir parce que là, du coup, la police, c'est à côté, c'est à Maubeuge. Voilà. Ah oui, c'est pas loin. C'est vraiment, c'est limite la Belgique. Hein. C'est là la police belge, ça sert à rien d'aller leur en parler parce qu'ils n'ont malheureusement, ils ne peuvent rien faire à ce niveau-là. C'est ça, ouais. Alors Vince, je vous lis un peu les messages. Hein. Vince, je suis du même avec Nigel. Je voudrais votre avis. Qu'est-ce qu'on doit faire nous? Je suis du même avec Nigel. Voilà, faut leur faire payer. Ouais, mais attention parce que voilà, c'est. Enfin, c'est dans les deux sens. Hein. De toute façon, ils ont même pas honte d'avoir publié cette vidéo. Donc, c'est qui ils voulaient s'afficher. Ils l'ont pas publié. C'est une vidéo qui est sur WhatsApp, sur Snapchat, en fait. C'est publié. C'est publication, mais c'est éphémère. En fait, il y a pas la même philosophie entre une publication que tu mets sur Snapchat. Ça veut pas dire que c'est pas grave. C'est-à-dire que quand tu mets sur Snapchat, tu fais genre, hey, regardez les potes, voilà, ça va partir. Quand tu fais une publication, c'est que ton but, c'est que ça reste vraiment qu'il y ait des traces, tu vois. Snapchat, on a toujours l'impression que c'est éphémère, alors que non, pas du tout. La preuve, ça vient d'être trippé. Alors même avec lui, on m'envoyait Nigel président, même avec lui. Déjà, faut être sûr de la source, ensuite masquer le visage de la victime et enfin balancer aux flics. Faut soutenir ce petit bonhomme. Vince, en tant que maman, j'ai vu la même chose en déposant ma fille à l'école. Je suis intervenu et toutes les semaines qui ont suivi, ma voiture était griffée. J'ai su comment les arrêter. Mais comment t'as fait pour les arrêter alors, Christelle? Je l'attends à un avis vocal. Honnêtement, pour répondre à la question de cette vidéo, moi je pense qu'il faudrait déjà la balancer à la police pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire éventuellement à ce niveau-là. Parce que maintenant, il faut voir la véracité de la vidéo, quand est-ce qu'elle a été prise aussi. Parce que maintenant, comme tu dis, ils ont peut-être déjà été punis. Mais s'ils ne l'ont pas encore été et que personne n'est au courant de cette vidéo, il faut la balancer, mais pas sur les réseaux sociaux. Parce que alors à ce moment-là, le mec, il va devenir la risée de tout le monde et ça va être encore pire, je pense. Mais honnêtement, il ne faut pas laisser ça comme ça. Le harcèlement, c'est extrêmement grave et punissable. On est bien d'accord. Merci. Merci de le préciser que c'est punissable. Hein. Alors voilà, si mineur vaut mieux fouter le visage de l'agresseur, on nous dit, Firmin, il en pense quoi? Il est ouf. Le montrer à la police française. Alors flouter la tête de la victime, car sinon il y a des qui vont le traiter de couilles molles et tout. Par contre, les autres gars, ouais, parce que la violence d'internet, tu mets cette vidéo là sur le web, c'est ça. Ouais. C'est la violence exponentielle. C'est-à-dire que la violence exponentielle, c'est même pas. C'est quoi? C'est-à-dire que il y avait des personnes qui vont être derrière leur écran, qui vont voir le mec se faire frapper. Il y en a beaucoup, la majorité, qui vont avoir mal au cœur et vont le défendre. Mais tu vas avoir des commentaires de genre, ouais, mais de toute façon, il y a une sale gueule. Mais non. Mais si, mais c'est ça la réalité des réseaux sociaux. C'est quand t'es caché derrière ton ordinateur, tu te sens surpuissant. Ouais, c'est vrai. T'es désinhibé, comme si t'avais bu de l'alcool, parce que t'as l'impression qu'on peut pas te retracer, etc. Alors que pas du tout. Donc, mettre une vidéo comme ça sur le net, c'est aussi pour que le mec qui s'est fait taper sur la vidéo se fasse encore plus insulter. Il y a beaucoup de faux gangsters sur Internet. Je te dis pas, sur Twitter, la violence, ça va très loin. Alors, il faut les dénoncer, sinon ils vont continuer. Alors, moi, je suis rentré en contact avec le mec en question, puisque j'ai son nom. Ouais, il faudrait lui demander qu'est-ce qu'il y a eu comme. J'attends son retour sur. Peut-être qu'il me répondra aujourd'hui dans l'émission. Hein. Ouais, peut-être. Comme ça, vous savez. Donc, je lui ai écrit un petit message. Hello. Je lui ai envoyé un petit hello. On va voir ce qui se passe. Mais en tout cas, il y a plein de gens qui disent. Il faut tout le monde nous conseille de publier la vidéo et de flouter les visages pour assurer la sécurité, etc., etc. En tout cas, voilà, Lydia, merci pour ce que tu m'as envoyé. On va voir ce qu'on peut faire, d'accord? Merci à vous. J'espère que ça s'arrangera, enfin que ça ira loin, quoi. Écoute, j'espère aussi. C'est bien aussi, de partager. Il faut le faire. Hein. Ouais, merci. Merci beaucoup. Pas garder ça sous silence. Bravo. Allez, gros merci bisous. Merci beaucoup. Bisous. Je peux faire une dédicace à ma pote? Ouais, vas-y, fais-toi plaisir, vas-y. Charline, je t'aime fort. Oh, mais nous on n'a pas demandé des fragiles ici. Hein. Allez, c'est pas grave. Allez, je suis fragile, normalement. Allez, pars d'ici. Ouais, elle assume. Voilà. Allez, gros bisous, Lydia. Gros bisous. Quand tu veux, merci à toi en tout cas. Merci. Merci à vous. Bye bye. Bon, c'est parti, les amis. On se fait le Give Me Five. Mais d'abord, Calvin Harris avec Sam Smith, Promises. Ah, je vous promets, on va rigoler maintenant. Ouais. Et on suit ça de près. On va voir. On essaie de rentrer en contact avec le jeune garçon. De ma vie, il y a plein de gens qui ont dû le contacter puisque c'est un message qui tourne dans un groupe privé Facebook là. On vous tire au jus. Vincent Mendo. Et merci pour tous vos messages le soir sur Énergie, c'est cool. Sur WhatsApp 0492 222 002 0492 222 002. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You are thing tonight. Is it loud or no? Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm here now. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. 21h minuit. 21h minuit. Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Vince. Vince est sur Énergie. Mais oui, Vince est dans la maison. Non, ça fait plaisir. J'espère que vous allez bien, les amis, tranquillou. Ouais. Voilà, on est posé, on est bien, il est 22h21, Lara. Ah, attention, dans tout à fait 20 secondes, il sera 22h22, exactement. Vous pourrez faire le vœu de votre vie. Le vœu de votre life. Ou de votre soirée. C'est ça, puisque ça porte bonheur, le 22h22. Bon, dans quelques minutes, on va parler de qu'est-ce que vous croyez quand vous étiez petit. On essaye encore de rappeler Dominique en antenne, hein. On a réussi à l'avoir cet après-midi, on s'est dit cool, on va en profiter. Ben là, finalement, on n'arrive plus à l'avoir, donc ce sera certainement après, on va essayer. En tout cas, on a essayé de faire du mieux qu'on peut. 0492 222 002, merci à Alex qui est là. Et ça y est, tout le monde me balance, 22h22. Ouais. Yeah. C'était logique, hein. Quand je te dis tout le monde me le balance, on m'envoie par écrit et tout. 22h22 et en mode vocal aussi, hop là. Ouais, je crois qu'il va dire 22h22. 22h22. Eh ben voilà, et Monia aussi qui est connectée, il y a El Jefe. Vin, j'ai déménagé il y a 3 mois et j'avais une PS4 que j'ai mis dans une caisse avec beaucoup de scotch, donc en carton. Donc dans ces cartons, il y avait 5 jeux, plus 2 cartes, 50€ pour une PS Store, plus ma PS4 Pro. Puis mes parents ont décidé de mettre les meubles et les cartons dans un garde-meuble de la ville. Au moment de l'aménagement, je ne trouvais plus rien de ma PS4 et je suis dégoûté. Est-ce que tu serais me dépanner, s'il te plaît, un cadeau? Merci, mon ami. Bonne émission. L'équipe PS, c'est pas des conneries, je te promets. Ça doit dégoûter Diego. Écoute, on va voir ce qu'on peut faire pour toi. Je te promets rien, on va se renseigner. Il faut jouer, il faut jouer à nos jeux. Complètement. Mais ouais. Qu'est-ce qui se passe, Yassir? C'est pour ça qu'il faut faire du sport. Pourquoi? Moi, je fais de l'MMA, il y a personne qui vient m'embêter. Moi, les méchants, je les encule. Tout le monde peut pas faire. Ouais, exactement. Tu sais, t'as des gens qui sont pas très sport, et c'est pour ça qu'il faut faire du sport. Ouais, et t'as des gens aussi qui n'aiment pas la violence. Voilà, tout simplement. Pour les croyances, quand on était petit, au fait, moi, une fois, j'ai regardé le film Gremlins, et j'avais un gizmo en plus dans ma chambre, et chaque soir, après avoir vu ce film, ben, je regardais si le gizmo, il ne faisait pas des boules et qu'il se transformait pas en Gremlins, quoi. J'étais terrorisé, et quelques années après, j'ai regardé le film. Mais je me suis rendu compte que c'était de la grosse connerie, quoi. C'est original comme croyance, hein. Quelles sont vos croyances quand vous étiez petit? On en parle tout de suite là. Avant ça, c'est parti, on récupère Elisa et Pierre. Et Elisa, ouais. Honneur aux dames. Pierre, t'es là? Pierre, t'es là? Pierre, t'es là? Il a du mal, hein? Oui, je suis là. Ok, ça va, je suis rassuré. Ça va, c'est bon, tout va bien. Bon, Elisa, Pierre, on va honneur aux dames. Elisa, avec qui tu veux faire équipe ce soir? Merci. je t'en prie. Bon courage. Tu as le choix entre Eddie. Ah non, Eddie est malade, c'est vrai. Thibaut, Lara, Nigel et moi-même. Tu choisis qui? Lara. Yes. Team de Doug, girly team ce soir. C'est parfait. Et Pierre, tu veux faire équipe avec qui? Te reste Nigel, bah, Thibaut. Et bah écoute, ça va, c'est moi qui m'y colle pour le Game of Five. Parfait. M'y colle. Attention, la fight ce soir. On commence avec Elisa. Elisa, tes mots sont les suivants: diapason, calligraphie, bavure, boomerang et masturbation. Et masturbation. Pas mal, pas mal. On téléphone à un hôtel au hasard, il faut tenter de les placer dans l'ordre que tu veux, mais dans une conversation logique. Et est-ce que je suis obligée de réserver une chambre ou... Non, du tout. Fais comme tu veux. Et vraiment, tu fais comme tu le sens. Okay, tant que tu ne places pas tous les mots d'affilée. Si tu places tous les mots sans qu'ils répondent, ben, c'est raté. Non, il faut une conversation. Voilà. Une fois que tu as dit le mot, tu ne dois pas le répéter. Hein. C'est dit, tu passes à l'autre. Ok, ça marche. Okay. C'est parti, on appelle. Ouais. Let's go. Allez, Elisa, Elisa, Elisa. Bienvenue sur Énergie. Bienvenue. On est en live, les amis. Toujours en live. Oui. Même le vendredi, on passe des meilleurs moments, mais on en live quand même. On vient quand même. Qu'est-ce qu'il y a? On parle entre et tout. Ah, c'est trop bien. Tranquille. C'est trop bien. Début de semaine, on est bien là. On est bien là. Hein. Ouais, ça nous a mis bien la Military Run. Grave. Les Monty Vibes. Bon, ça décroche pas à l'hôtel la là. Tête au PI. Alors? Et merci pour Yann. C'est un autre. Hein. Un long message qui est arrivé par le numéro 4423. Merci à toi. Big c'est up. Laetitia qui nous écrit ça. Big up, Laetitia. Quand j'étais petit, je mangeais un pépin. Je croyais que le pépin, j'allais devenir un arbre. Pas mal. On rappelle d'ailleurs. Ok. Je suis devenu un arbre. Ben, j'ai moi aussi, je croyais ça. Que le pépin allait pousser dans mon corps. Ah, ça ne veut pas décrocher ce soir, dis donc. Bah, c'est bizarre, hein, pourtant, on les a appelés tout à l'heure. Tanis, Samidi, bonsoir, caissière appareil. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Ce serait pour avoir quelques petits renseignements, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous pouvez juste d'abord me préciser le nom de votre hôtel, s'il vous plaît? Parce que j'ai peur de faire une... Pardon? Une bavure, en fait, en écrivant. Hôtel Le Midi. Ok, Le Midi, vous pouvez me l'appeler, s'il vous plaît? Oui. Vous ne savez pas écrire en français? Mais si, mais j'ai une très bonne calligraphie. Par contre, mon orthographe, c'est de la merde. Hein. L-E-M-I-D-I. Ok, merci beaucoup. Ok, voilà. Encore un autre petit renseignement. Est-ce que vos chambres sont sonorisées? Non. Parce que... Non, elles ne sont pas sonorisées. Parce qu'en fait, j'avais pensé prendre mon diapason et jouer en fait... Oui, mais la semaine passée, moi, j'ai déjà fait une petite blague, alors je la trouve pas drôle. Non, monsieur. J'ai l'impression que j'ai perdu. Et la minute est dépassée, malheureusement. J'ai dû raccrocher, la limite est dépassée. Voilà. Par contre, les gars, faudrait quand même téléphoner à d'autres hôtels que toujours les mêmes. Hein. Bah oui, surtout qu'il y a tout le Canada que vous pouvez appeler. Mais enfin, complètement. En tout cas, le Québec. Non, on sait pas. Comment ça? C'est pas appelé le Québec, mais en France, les gars. Appelez les hôtels en France. Il y a combien d'hôtels qui existent en France? Laissez-moi vérifier. Mais attends. Google. Non, c'est pas ça. Mais là, le truc, c'est que Thibaut, il a appelé ses numéros, mais c'est pas ceux qu'on avait déjà appelés. Hein. Ouais, parce que c'est dans une longue liste. On a une cinquantaine de numéros d'hôtels, du coup. On alors, cette liste. Combien il y a d'hôtels en France? Je dis pas en Belgique, alors. Mais sur les 50, c'est pas assez. Il y a 17 000 hôtels qui sont implantés en France. Mais oui. Seulement 17 000? Bah, je crois seulement 17 000. Mais c'est énorme, 17 000. Tu le feras jamais de toute ta vie, 17 000. Bah, pourquoi pas? Bah, 17 000 jours, ça revient à combien de 365? Oh là, faut pas. Donc, ça veut dire que il te faudrait au moins plus de 20 ans de ta vie en fait. 10 ans, ça fait 3006. C'est ce qui reste en radio. 10 ans, ça fait 3006. Ça veut dire que. Putain, plus. Ça veut dire qu'il faudrait 100 ans, la moitié, 50 ans pour les 46 faire. Ans. Moi, ça va. Il n'y a pas moyen. Ans, 46 ans, merci madame. Heureusement que vous êtes là. Beau. Et 17 000 hôtels, vous n'allez pas me dire. Vous avez... Et on rappelle deux fois le même. Bon, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Je vous en veux pas. Ça veut Mais dire que Elisa a mis 3 points. 3 points sur 5. Bravo Elisa. Bravo, okay. C'est bien Elisa. Attention Pierre. Bon Pierre, tu joues avec moi, faut mettre la pression, ok Pierre? Ouais. Oh, pas du tout. Hein. Il a même pas laissé le temps, quoi. Non, mais t'as pris beaucoup de temps, Elisa. Je veux pas une dire une minute. Mais... Hein. Allez, alors, attention. Parti. C'est parti, on appelle. Là. Bon courage, mon pote. Marty Trashan, bonjour. Oui, bonsoir, bienvenue à Angers. Je vous appelle pour réserver une chambre en double pour la nuit du 1er janvier, s'il vous plaît. Et j'ai pas donné ces mots. Selon ma communauté, j'ai eu très bons échos sur votre hôtel et à temps. J'aimerais vous poser quelques questions. question avant réservée. Oui. Je voudrais savoir si votre chambre est sonorisée, car je possède une guitare et je souhaite y jouer un morceau pour le nouvel an avec mon accordeur. Accordeur. C'est possible ou pas? Communauté accordeur, ok. Dans la chambre? Oui. Tant que c'est pas pendant la nuit, pourquoi pas? Ouais. Et sinon, est-ce que votre chambre est équipée d'un climatiseur? Car il fera sûrement très chaud et j'aurais besoin d'un pulvérisateur pour me rafraîchir. Pulvérisateur, ouais. D'accord. Le climatiseur ou pas? Le 1er janvier. Ouais. Donc, il va faire chaud le 1er janvier. Ah oui, c'est vrai. Bah, on sait pas, parce qu'avec les températures en ce moment, c'est pour ça que je préfère. Et sinon, dans votre restaurant, avez-vous des lingettes sans doigts? Lingettes pour moi, l'hygiène, on peut raccrocher. On peut raccrocher. C'est bon. Dommage. Joli nombre, 4. Bravo. Eh, bien joué, 4. Bien joué, Pierre. C'est bien. On peut plus finir, c'est dommage. Bah, oui, il te restait quelques secondes seulement, malheureusement. Ça n'a pas été placé. Ah, un petit commentaire, qu'est-ce qui se passe? Quand j'étais petite, j'avais l'habitude d'avaler les chics. Et on me disait toujours, tu vas avoir une grosse boule dans le ventre, tu ne seras plus rien manger. Bah, les animaux, c'est compliqué à placer. Attends, Pierre, on arrive. Tu vas pourrir à l'intérieur parce que tu auras une grosse boule toute gluante. Eh non, mais ça, on m'a aussi dit ça. Je suis sûr que c'est vrai. Non, on m'a dit qu'il ne faut pas avaler les chewing-gums parce que genre ton corps ne le digère pas et que ça reste pendant des mois et très longtemps. Ça fait un bézoard après. Bon, Pierre, t'inquiète pas, mon pote, t'as mis 4 points, c'est très bien. On a dépassé la team Elisa Lara, là. C'est Lara qui s'y colle, l'infériorité au niveau des points. T'es prête, Lara? Oui, tout de suite. Eh ben parfait, puisque ça va être... après, évidemment. Eh ben oui, bien sûr, ça va être d'ici quelques minutes avant comme ça. Allez, Lara. Je propose aux auditeurs de m'envoyer mon style, de me donner une idée de style, parce qu'ils vont m'imposer quelque chose, donc trouver une bonne idée que je puisse faire, là. Avant ça, on se fait l'ISO avec Boy sur NRJ. Vos messages 0492-222-002. Vous allez définir le style avec lequel Lara doit faire le Give Me 5. Proposez, allez-y, on arrive tout de suite. What you say, boy? You tryna play coy like a game boy? Hit my phone, boy. Is your homeboy? Are you a lone boy? Come give me dome, boy. Got a boy with degrees, a boy in the streets, a boy on his knees, he a man in the sheets. Sheesh, it's all Greek to me. Got this boy speaking Spanish. I hit my beat. Baby, I don't need you. I just wanna freak you. I heard you a freak too. What's 2 + 2? Mississippi boys, inner city boys. I like the pretty boys with the bow tie. Get your nails did, let it blow dry. I like a big beard, I like a clean face. I don't discriminate, come and get a taste. From the playboys to the gay boys. Go and slay boys, you my fave boys. Baby, I don't need you. I don't need. I just wanna freak you. I want it, yeah. I heard you a freak too. That's right. What's 2 + 2? Son liso, boys. Hey. Alors Camille, on m'a envoyé un petit message Lara sur le WhatsApp. Allez. 0492-222-002 pour ton style, elle dit. Pour le style de Lara, je propose le style genre pétasse, genre qui se la pète et tout. Ok chérie, ok, pas de problème. Tu valides Lara? Je valide totalement. Parfait, on arrive tout de suite. Vince, 21h minuit sur Énergie. Rejoignez Vince sur Insta, Snap et Twitter. Vince Radio. Vince Radio. Et bombardez-le de messages non-stop. Il trouve ça relou, mais nous, on trouve ça drôle. Gagnez vos places pour le concert de Maître Gims. Salut, c'est Maître Gims. Avec la phrase Énergie. Énergie. Pour jouer, inscrivez-vous vite sur l'appli Énergie Belgique ou sur énergie.be. Et à tout moment de la journée, si on vous appelle en direct, répétez la phrase Énergie. je veux aller au concert de Maître Gims avec Énergie. Cette phrase vous permet de gagner vos places pour le concert de Maître Gims le 24 novembre à la Rocale. Maître Gims. Mon petit loup, reste pas là, ça devient chelou. Énergie. Hit music only. Ça se passe avec Vince. Vince, dès 21h sur Énergie. Vince est dans la maison et moi je suis dans mon bain en train de vous écouter. Oh là là! Allez, welcome sur Énergie. Et c'est cool qu'on nous écoute dans un bain. Je trouve ça sympa. Eh non, mais j'ai droit aux photos d'Angel, hein. Oh, quelle belle cuisse. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas une cuisse. Non. Oh, yeah. On voit plus de photos comme ça. Leïla m'envoie des... Non, on peut pas inciter. Surtout les... On va laisser les auditeurs... On va laisser les auditeurs nous envoyer des photos quand ils en ont envie. Ouais, franchement, les auditeurs qui veulent m'envoyer des nudes, nigel@energie.be. Merde. Arrête. On va l'air de quoi, là, s'il te plaît? Ah, mais moi, c'est mon problème. Ah oui, c'est vrai, toi, c'est ton souci, en fait. On va se faire déchirer en rentrant, Nigel. On salue Manu qui vient de faire son premier alco-test, 0 gramme, heureusement, c'est bien. Voilà, quelqu'un. Vince, pas mal de style pour Lara. Eh ben, très bien, Lara va s'y coller. Tout de suite sur Énergie là, pendant que je reçois des notes vocales dans tous les sens. Mais qu'est-ce qui se passe ce soir là? Ça dit quoi? Hey Nigel, tu veux une photo de mon zop? Non, désolé. Non, mais il est capable d'envoyer. Non, merci. Non, mais par contre, quand je disais envoyer des nudes, je parlais plus pour les femmes. Tu vois. Et Vince, toi pour le style, ce serait bien que tu fasses style la cage aux folles, Renato. Renato! J'ai pas vu la cage aux folles. Oh non! Non, j'ai pas vu. Tiens, regarde, Nigel, encore d'autres photos si tu veux envoyer sur mon WhatsApp. Ouais, mais ça, c'est une photo prise de Google. Ah non, merde, j'ai éteint mon écran. C'était tellement beau que ton écran, il a frisé. Non, quoi. Mon écran, il s'est éteint. C'est la merde. Putain, non, j'ai plus d'écran. Mais attends, il faut juste appuyer sur un bouton. Non, je crois que j'ai décablé le truc. Mais recable-le. Ouais, voilà, c'est bon, Iyama, voilà. Voilà, ça va pas mal, il redémarre. C'est vraiment la marque Iyama. Iyama. Ah, c'est bon, j'ai récupéré mon écran, mon Dieu, j'allais plus avoir vos connexions WhatsApp et tout, j'allais devenir fou. Il y a ma cuisse sur l'écran. Voilà, par contre, j'ai perdu mon standard téléphonique entre temps. Hein. Ah, et j'ai vu que tu touches à un petit truc. Et non, mais t'inquiète, ça va, t'es pas obligé de venir. Regarde, c'est bon. Regarde. Pas de problème, excusez-moi, monsieur. Non, mais t'inquiète, y a pas de problème. Attends, voilà, je remets ça comme ça. Voilà, hop, j'agrandis l'écran et c'est parfait. On récupère Elisa et Pierre. Est-ce que vous nous entendez, la famille? On t'entend. Ah, l'ami fait toujours dans la maison. Ouais. Oh, okay. Mais là, vous servez à rien parce que vous n'allez pas jouer. Non, mais c'est pas grave, j'ai besoin de l'encouragement de Pierre. et surtout, Lara a besoin des encouragements d'Elisa. Tout à fait. Allez, Lara. Non, je super. Suis en allez. Je suis en girl power. Et Lara, elle a grave écrit de ses phrases à l'avance. Et alors? Voilà. Elle fait ce qu'elle veut. Voilà, Lara, merci. Tes mots sont les suivants pour le Give Mo 5. Je rappelle, il faut téléphoner à des hôtels et tenter de placer 5 mots dans une conversation, bien sûr logique. Sauf que les animateurs ont un style en plus. Lara. Celui de ce soir, pour moi, c'est la petite pétasse qui se la pète. Choisi par Camille, je tiens à le préciser quand même. Hein. Camille. Vince, pour ton style, tu pourrais faire genre Dumbledore de Harry Potter. Ah, ça c'est toi. Dumbledore. Oh, Harry. Ou alors la voix tu de Google. Tu es voué à un grand avenir. La voix de Google. La voix de Google. Je souhaite te réserver une chambre pour le 1er janvier. Ah, je ne sais pas parler comme ça. Ok, très bien. Allez, c'est parti. Les mots de Lara sont... Fourrière. Bâillonné. Antique, jouissance, inoxydable. Es-tu prête? Mais bien sûr, chérie. C'est parti, on appelle. Allez, mettez-moi en ligne, mon petit. Vince fait la voix de Booba. Oh, mais deux obéas. On le casse le dos. On commence. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, madame. J'appelle pour un petit renseignement concernant votre hôtel. Oui, je veux savoir si éventuellement vous aviez un parking pour ma belle voiture parce que la dernière fois, je me la suis fait prendre par la fourrière. On a un parking privé, oui. Parfait. Je voulais aussi m'enquérir de la décoration des chambres. Est-ce que éventuellement je pourrais avoir une chambre avec un style antique? Antique, on a plutôt du contemporain. Ah d'accord, mais c'est très bien, ça me convient. Est-ce qu'éventuellement il y aurait une petite kitchenette? Je pensais à une kitchenette avec un évier inoxydable, par exemple. Ça, on ne l'a pas du tout. C'est surtout question de normes et voire plus dans des appartements ou B&B. Parfait. Écoutez, mon petit, est-ce que vous pourriez me dire éventuellement si les chambres sont insonorisées? J'aurais vraiment du mal avec le bruit des voisins. J'aurais peut-être les bâillonnés. On a toujours des chambres insonorisées. Il n'y a pas de problème pour mais ça. Mais êtes-vous vraiment sûr? Parce que concernant le bruit, la jouissance des voisins, ça me dérange vraiment. Oui, c'est normal. Oui, les bruits du style « Ah, oui, continue, elle est grosse, j'aime. » En même temps, s'il sait où il est, c'est de la triche un peu, non? Comment ça, il sait où il est? Vous savez où vous êtes? Non, pas du tout. Non. Où êtes-vous, monsieur? Voilà, déjà la question, vous avez appelé l'hôtel Saint-James à Mons? Oui, j'adore cet hôtel. Bon, d'accord, parfait, merci. Mais... Voilà. Et donc c'est et tout, vous me raccrochez comme ça au nez? Non, et vous, c'est? Moi, c'est Bianca. Vous êtes? Mais Bianca. Mais Bianca. Non. Mais Bianca. Non, mais c'est bon, t'as gagné, Lara, t'as mis 5 points. Non, mais il a dit, on était d'ailleurs, je l'entends bien plus oui, que moi. J'ai entendu. J'ai entendu énergie. Ouais, ouais. Je suis pas fou aussi, il a dit énergie. Mais si. D'accord. Vous avez dit énergie? Le mec, d'accord. Énergie. Vous savez ce que c'est, énergie? L'énergie, ça dépend. C'est la quoi radio pour vous? Ah. Non. Ou alors j'ai DF Suez. Écoutez, merci, vous m'avez fait gagner 10 000 euros. Voilà, ouais. C'est bien, pense à moi. Peut-être pas déconner non plus. Hein. Bon, effectivement, j'étais en direct sur énergie. Voilà. Merci. Avec plaisir. Vous voyez. Mais par contre, vous voulez pas être un peu plus joyeux avec les gens qui vous appellent? Bah, genre, ouais, il est professionnel. Surtout ouais. Ceux qui voilà, se marrent. Je vais pas être joyeux avec des gens qui posent pas mal de questions, je me méfie. Voilà, c'est professionnel. C'est vrai, d'habitude, attendez, d'habitude, quand vous vous appelez, parce que donnez-nous des cours, nous on fait des blagues à des hôtels et on doit tenter de placer des mots. Et d'ailleurs, Lara, bravo, 5 sur 5, je me précise. Dites-nous, quand des gens ou des clients vous appellent, qu'est-ce qui rend la chose crédible en fait? Ce qui rend tout ce qui est crédible dans l'hôtellerie, c'est toujours le service. Le service qui doit être très, très, très, très, très professionnel et très gentil, accueillant et tout. Et vous venez donc, l'être pas. Nous, on n'est pas censé juger la personne. Donc, la personne avec laquelle j'ai parlé tout à l'heure m'a posé des questions. Et moi, je lui ai répondu normalement. Je pouvais dire, mais vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas. Moi, j'ai pas du tout été. Non, bien sûr, non, mais ça va, voilà. Capter. Voilà, je veux dire par là, c'est que le truc était crédible direct, quoi. Vous n'avez pas senti une blague. Aussi. J'ai senti des blagues parce qu'on a l'habitude nous on doit rester professionnels. Et ben voilà, merci. Ben on vous rappellera. Bon, c'est bien, c'est génial. On vous rappellera un soir. Et bonne soirée, hein. Au revoir. Je vous viens. Au revoir. Voilà. Merci. Ouais. Est-ce que ça veut dire que ça fait pour l'instant 8 sur 10. 8, allez, c'est moi qui m'y colle. Et tu vas faire quoi? Tu fais lequel? Bah écoute, c'est Nigel qui décide. Vas-y, mais non, les auditeurs la voix ont dit. De Google, c'est drôle. Mais en fait, le truc, c'est que quand Nigel a dit la voix de Google, tout le monde m'a envoyé. Oui, la voix de Google. Alors, allez. Je fais la vraie voix de Google, c'est-à-dire que j'essaye de faire parler la voix de Google ou alors je fais non, moi la voix de Google. Non, tu l'as fait toi. Mais non, mais attends. Mais si. Je laisse les gens proposer. Ouais, j'ai... C'est drôle que tu fasses la. Enfin, que c'est méga chaud, on va raccrocher au nez. Donnez-moi deux chances alors, s'il vous plaît. Allez, deux chances, mais t'essayes de faire. Ou alors prépare tes phrases. Mais ça veut dire que tu dois écrire à l'avance. Chaud de préparer les phrases. Et si, ouvre les onglets, t'écris toutes les phrases. Je vais dactylographier super vite. Je dactylographie vite, donc a priori, je pourrais y arriver. Ok. J'essaye. Oh putain, ça va être chaud avec la voix de Google. Est-ce que t'es prêt? Pas encore. Tu vas te faire raccrocher au nez direct. Oui, allô, attends, bonjour. Attendez, attendez. J'aimerais réserver une chambre d'hôtel. 3 secondes. Attendez, hein. Elle s'appelle Aya Nakamura. Ça va ressembler à rien, putain, on live. Eh, par contre, t'as comme défi de placer Yaka Nakamura. C'est ça, oui, parce que mes mots sont... Yaka Nakamura. Attends. Délocalisation, fébrile, éloquence, besace, phallus. Mais comment vous voulez que je t'actylographie ça super vite? Putain, vous allez me saouler. Sorry, Vince. Allez, c'est parti, la voix Google, putain de merde. Alors, attends. On t'écoute, Vince. Vas-y, c'est parti, on appelle. Dites rien, rigolez pas non plus, on va être grillé. Dis rien. Force à toi. Ça va être impossible. Oh merde. Je suis muet. Moi j'aurais commencé comme ça. En plus, le clavier est tellement pas bien. Hôtel de Lille, bonsoir. Bonjour, excusez de vous déranger. Je souhaiterais vous poser quelques questions sur votre hôtel. Ma société a été délocalisée. C'est perdu. Attends, pour ton deuxième appel, dis que t'es muet. Mais oui, c'est ce que dis je te disais, c'est ah ça. Ouais, pas con. Je suis muet. Mais par contre, c'est pas délocalisé, c'est délocalisation. Oh, mais c'est bon, délocalisation, il est lourd, il est long à écrire. Attends, rien à foutre. Eh, c'est relou. On rappelle le même ou pas? Je suis muet, je ne peux vous parler. Voilà, ok, attends, vas-y. J'utilise l'intelligence artificielle pour vous communiquer avec votre monde. Ah, kouras. Kouras. Tu l'as super bien fait. Franchement. Elle était vite, hein. Bonjour, je suis muet, je ne peux pas vous parler correctement. Puis-je vous réserver une chambre double? SVP. Oh putain, perdu. Franchement, on est même pas les handicapés, quoi. Ben ouais. Non mais attends, parce que franchement, on l'avait déjà pranké du coup. Tu veux pas le faire toi avec ta voix? Attends. Mais c'est impossible. Mais non, si, c'est mais possible. Mais les gens n'ont pas l'habitude de parler avec des intelligences artificielles. Attends. Je vais écrire un texte, on va voir si les gens vont avoir la gentillesse de nous aider. Attends. Allez, vas-y. Moi, je suis sûr que tu peux le faire. Alors, hop. Et d'ailleurs, proposer des phrases drôles, là. Aya Nakamura. Yaka Nakamura. Ava Nakamura. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. L'hôtel est dans la maison. Oh, Dja Dja. Y'a pas moyen, Dja Dja. Tu pataques à ton genre. En cas, Tchana, baby, tu dettes ça. Point d'exclamation. Allez, c'est parti. Vas-y, appelle. Allez. La Norval Congrès Hôtel Mons, la réception Sébastien, votre écoute. Bonjour, je m'appelle Vincent et j'utilise Google pour m'aider à m'exprimer car je suis atteint d'un handicap, je suis muet. Répondez pas oui si vous pouvez m'aider à faire ma réservation dans votre hôtel, SVP. Oui. Merci beaucoup. Pour quelle nuit souhaitez-vous réserver? Je souhaite réserver. Oui. Pour lundi prochain. J'y arriverai à 13h. Mon nom Vincent Canté. Vincent Canté. Ma société a été délocalisée il y a peu. Je me sens fébrile. Nous avons de la disponibilité pour cette nuit, monsieur. Nous avons des chambres confort à 110€ la nuit, hors taxe, hors petit déjeuner. Nous avons des business suites à 130€ la nuit, hors taxe, hors petit déjeuner. Nous avons ensuite des grandes suites à 160€ la nuit, hors taxe, hors petit déjeuner. Ok, c'est bon. Ok, très bien. Expliquez-moi, pour le petit déjeuner, vous avez quoi dans votre besace? Le petit déjeuner donc est un sous forme de buffet le matin de 6h30 à 10h30. Sous mon phallus. Allô? Allô? Souris, je manque d'éloquence. Est-ce que vous avez bien compris pour le petit déjeuner? Oui, ma gueule. Donc, suce mon phallus, ok? Allô? Oui, ma belle. Putain, mon traducteur déconne. Oh, Dja-Dja. Y'a papa moyen, Dja-Dja. Franchement, merci à lui. Ouais, bravo. Oh là là, le gars était cool, il était patient. Mais, mais attends, mais lui, faut le rappeler pour le remercier. Oh non, mais vraiment, on va l'appeler aux antennes pour lui dire respect, wow. Parce que quand même, ça a été long, parce que je devais tactylographier super vite, mais. T'as tué. Oh là là, c'était chaud. C'est trop drôle. Par contre, t'as fait 4 sur 5, hein. Merde! Eh ouais, parce que c'est pas délocalisé, c'est délocalisation. Oh là là! Ah. Oh, purée. Mais c'est génial! Mais du coup, truc. Vous êtes à égalité, hein? Ouais, effectivement, puisque ça fait 8. Et donc, du coup, c'est Elisa et Pierre qui ont gagné ce soir. Bravo la team! Bravo! Ouais, bravo! Eh ouais! Bravo. Eh, mais le mec a été quand même cool! Parce que j'ai utilisé la corde sensible. J'ai dit, excusez-moi, je suis muet, je suis atteint. On peut lui dire que c'était une expérience, tu vois. Grave. Pouvoir, mais le mec, respect, parce qu'il a eu la patience d'écouter. Il s'est dit, tiens, quand même. Mais attends, mais toi, t'es mon idole. T'as placé quand même phallus. Ah, normalement, c'est le dernier mot. Tu laisses le plus difficile. Le mec, il le place en deuxième. Allez, il suce mon phallus. Et il est resté en ligne. Mais c'est ça. Ah, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour des moments comme ça. Allez, bon, on fait un gros bisou à Elisa. Merci Elisa, merci Pierre. Ne raccrochez pas les amis, on prend vos coordonnées tout de suite. Vous avez tous les deux gagné. Je pourrais passer une dédicace, s'il vous plaît. Vas-y. Bah d'accord, d'abord merci Lara. Et puis une dédicace à Elliot, à Colin. Ta gueule. c'est pas moi ça. Ta gueule. Non, mais c'est pas moi ça. Ta gueule. Hey, t'as remarqué quand tu rappuies sur. Ta gueule. Ça va plus doucement pour que tu t'entendes bien. Équipes, c'est sympa. Tu sais, en espagnol. Cállate. Cállate, coño. Voilà, en anglais. Allez. Shut up. Voilà. Shut up. Et gros bisous à Pierre aussi, merci Lisa. Bisous la team, portez-vous bien. Et comme le dit la voix de Google. Allez, on arrive tout de suite sur Énergie. Voilà, tout simplement, David Guetta avec Anne-Marie, Don't Leave Me Alone. Bon, on va repasser à vos notes vocales, c'est mieux. 0492 222 002, on arrive. I don't wanna like can we be honest. Right now while you're sitting on my chest. I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left. I don't know if I would be alive today. With or without you like night and day. We didn't repeat every conversation. Being with you every day is a Saturday. But every Sunday you got me pray. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold. Don't you ever leave me, don't leave me alone. Don't leave me alone. I don't wanna call and you not answer. And never see your face light up my phone. Never see you singing Tiny Dancer. Every time my head hurts, every time I'm low. 'Cause I don't know if I would be alive today. With or without you like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day is a a Saturday, but every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me, don't you ever go. I'm sitting on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold. Don't you ever leave me, don't leave me alone. Don't you ever leave me, don't you ever go. I'm sitting on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold. Don't you ever leave me, don't leave me alone. Even when you're angry, even when I'm cold. Don't you ever leave me, don't leave me alone. Wesh la team, bienvenue sur Énergie, donc à toute la Belgique et ailleurs à l'écoute de l'émission. On dit Vince dans la maison. Le soir dès 21h. Vince est sur Énergie. Voilà, bonne ok, bye bye. Non mais t'es ouf toi ou quoi? Mais je croyais qu'elle allait le dire. Mais non, c'était à vous de le dire. Mais comment est-ce que tu veux qu'on sache? Tu crois que Edmond, toi tu crois que tu fais de la télépathie quoi? Le gars il écrit le truc. Non mais on doit lire dans ses pensées. Non, je suis grave d'accord avec lui. Moi ça a juste pas été parce que mon micro ta était gueule, fermé. Ta gueule, Lara, tu saoules. Alors et bien sûr, si jamais vous voulez nous ajouter, il n'y a pas de problème. Il suffit de nous appeler sur le numéro suivant sur le WhatsApp. Hein. 04 92 22 20 08. 08 08. Putain, mais tu t'es trompé. Elle est ouf, elle. Attends, attends. Pourquoi ta 0, gueule, 92 04 92 22 20 08. Mais tu dois l'écrire en, en lettres. Non, mais tu sais pourquoi? 04 92 ah oui, 22 20 02. Mais non, mais parce que t'as mis Google Traduction en français, faut mettre en belge. Arrête, en belge, ça va changer quelque chose, toi. Il n'y a pas de belge. Ouais, si, si, je peux choisir le français de français Belgique, tu vois. Ah ouais? Non, il n'y est pas, c'est pas vrai. Ok, ça va être long à écrire. Hein. 0, 4, 100, 92, 22, 0, 0. Deux. Voilà, et putain, et ça prend une plombe, hein. Je suis sûr que j'ai fait une connerie quelque part. Attention, ça dit quoi? 0-492-222-002. Alléluia! Ouais ouais, et elle pourrait tout le temps le dire! Ah, mais. Écoute, maintenant, comme c'est calé comme ça, y a pas de problème. C'est quoi le numéro, Vince? Beach 0-492-222-002. Parfait. Beach. Mais sinon, c'est quoi le numéro? Non, ça va, c'est bon, je crois qu'on l'a capté. Hein. Vince, j'en rigole encore. Vince, Polo qui nous dit je rentre du foot, vous me faites craquer trop fort avec Google. Vince, c'est dans la maison. Bisous toute l'équipe. Merci pour le message. Bon, allez, qu'est-ce que dit Damien? Voici le jeu de l'aliment. Attention, le jeu de l'aliment est réservé à un public averti. Veuillez consulter votre médecin avant de participer. Merci. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien, mesdames et messieurs? C'est à vous de tenter de le deviner. Avant, on va accueillir Mélissa. Ou Mélisse. Allô, Mélisse? Oui. Mélissa? C'est Mélisse. Ah, c'est Mélisse dans la maison! Sur Énergie. Non, pour être sûr, on ne sait jamais que le standardiste est. Ah, mais t'es Mélisse qui est sur WhatsApp. Ah, bah oui, c'est moi. Ah, bah voilà, d'accord. Oui, t'es la seule Mélisse. Bah, ça fait plaisir en tout cas. Mélisse, bienvenue à toi. Tu viens d'où, dis-moi? Je viens d'Arlon. Arlon est dans la maison. Oh là là, s'il vous plaît, Arlon! Ça s'applaudit, mesdames et messieurs. Oui, je n'ai pas encore de musique pour Arlon, mais ça viendra bientôt. Je viens du sud. Ah, bien vu, c'est vrai que c'est dans cette zone-là, effectivement. Bon, Mélisse, si t'es avec nous, c'est parce que t'as plusieurs anecdotes à nous raconter. Ouais. Est-ce que c'est en rapport avec le truc qu'on croyait quand on était petit, là? Bah, bien sûr. Eh ben, on en parle avec toi dans quelques instants, parce que d'abord, on se lance dans ce fameux jeu de qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien. Vous êtes prêts? Ouais. Damien, c'est qui? Damien, c'est un auditeur très fidèle de l'émission qui se fout des trucs dans son derrière. C'est très sérieux. D'ailleurs, on salue Laurent qui est notre photographe. Laurent, viens au micro, Laurent. Je t'en prie, installe-toi. C'est un photographe qui est passé nous rejoindre. Non, là-bas, tu peux nous rejoindre. Il y a plein de micros. Lui, vient à côté de moi. Mais il veut venir près de toi. Oh, c'est mignon. Tu l'as rejeté. Ouais, mais je sens en dessous des bras pour l'instant, donc c'est galère. Ah, ça va, Laurent? Tu vas bien, Laurent? Ça va bien, et toi? Eh ben, ça va. Je te vois un petit peu moins. Attends, je vais me mettre debout, là, parce qu'il y a des écrans de Nigel qui nous gênent. Comme ça, on se voit. Laurent, tu viens d'où? Anderlecht. Anderlecht, oh, bonne commune, ça, très bon choix, effectivement. Respect. Laurent, merci, t'es venu faire des photos de nous. Ouais. C'est quoi, c'est pour un reportage d'école, en fait, ou pour le kiff? Non, c'était pour le kiff. Eh ben, il est venu carrément avec des lights, avec un fond gris, fond blanc, tout ça. Ben, ça fait plaisir. Bien. Alors, toi, t'as vu le cul de Damien, tu peux confirmer que c'est réel ce que t'as vu là tout à l'heure. Ouais. Voilà, il a dit en un mot, c'est dégueulasse, effectivement. Et aujourd'hui, il nous a réenvoyé un truc qu'il a mis dans son derrière, les amis, cet auditeur qui travaille dans un snack, on ignore lequel. Mais à chaque fois. Et à chaque fois, il nous envoie une photo de son derrière avec. Alors, il n'est pas seul, il y a un complice, puisqu'à chaque fois, c'est une photo. Il n'est pas en selfie. C'est quelqu'un qui fait la photo. De derrière. Ouais, je me demande bien aussi, comment il faisait. Ben voilà, il y a quelqu'un qui fait une photo de derrière. Et là, j'ai une très belle photo de son derrière, encore une fois aujourd'hui. Et Damien m'a envoyé ça. Et il faut tenter de deviner ce qu'il y a dans son derrière. Donc, c'est parti. On va tenter de deviner ça. Et après, je vous donnerai l'Instagram de Laurent, là, tout à l'heure, pour voir un petit peu ce qu'il fait de sympa comme photo. Ça va, Laurent ? Ça va. On fait ça comme ça. Ça va très bien. Attention, les amis, vous êtes prêts ? Concentration totale. C'est parti. Petite musique. Qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien ? Faites vos propositions maintenant. 0492 222 002. Que me dit Camille ? Quand j'étais petite, je croyais que quand on louchait qu'il y avait du vent, eh ben on restait comme ça. Quand on louchait qu'il y avait du vent, on restait comme ça. Moi aussi, j'ai cru ça. Ah, qu'on restait bloqué. C'est le sujet pour après. C'est me dit un piment. Je ferai un poireau. Non, une aubergine. Non plus. Ce n'est pas une aubergine. On m'a envoyé une carotte. Ce n'est pas une carotte. Ce n'est pas une banane. On m'a proposé un chou. Non, ce n'est pas un chou. Que me dit Brian ? Le vent, vive le vent d'hiver. Pas de réponse au message. Eh ben, nique ta mère. Hey. Après tes messages, on est dans un autre truc, mon pote. Bisous, Brian. Alors, Poulicroc, non, ce n'est pas un laurier. Ce n'est pas du laurier, pardon. Ce n'est pas une carotte. Toi, Nigel, tu proposes quoi ? Cuisse de poulet. Cuisse de poulet ! Ce n'est pas une cuisse de poulet. Oh. Toi, tu proposes quoi, Lara ? Un avocat. Un avocat. Ce n'est pas un avocat. On m'a envoyé un concombre, c'est pas ça. La military run dans son cul, non, c'est pas ça. Une télécommande, c'est pas ça non plus. Un oignon non plus. Une fricadelle, ce n'est pas une fricadelle. Si vous avez des messages, des propositions, 0492 222 002, les amis, jouez avec nous. 0492 222 002 sur WhatsApp. Attention, pas par SMS, sur WhatsApp. Si vous n'avez pas WhatsApp, 3018. Alors, pomme de terre, non, c'est pas une pomme de terre. Ce n'est pas une banane. Ce n'est pas une asperge. Ce n'est pas une frite. Ce n'est pas un fruit, on me demande. Non, c'est pas un fruit. Donc là, ça élimine beaucoup de choses. Vince, que c'est un légume qui met dans son cul. Alors avant, c'était des légumes, maintenant, ils mettent tout là. Il a décidé donc de varier. C'est ni un légume ni un fruit. Non, ce n'est pas ça. Des pruneaux ont été envoyés. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas du. Quoi ? Un pain au chocolat non plus. C'est pas une queue, non. C'est pas une bite, non. Un chicken finger non plus. C'est pas un roux. Sinon, Thibaut serait dedans. Ce n'est pas un légume, ce n'est pas du mexicanos, ce n'est pas une gourgette, ce n'est pas la tomate, ce n'est pas la salade, ce n'est pas un chips. Fricadelle non plus, du haché non plus, ça a déjà été fait. Une friteuse non plus, un godan bois non plus. On n'arrive plus à joindre d'ailleurs Dominique, il paraît. Ouais, son téléphone est coupé, mais je crois qu'il a été arrêté par les flics. Mais ouais, parce que quand tu l'as au téléphone, il a dit rapidement Dominique, que godan bois, c'est un mec qu'on appelle et qui n'arrête pas de faire des blagues et tout. Il t'a dit. Ouais, chaque club flic, rappelle-moi après. Voilà, on essaie de rappeler, finalement, on n'arrive plus à avoir. De la viande, non, ce n'est pas la viande, c'est pas la merguez. Ce n'est pas. Alors attends, il y a Adèle qui propose une louche. Ce n'est pas une louche. Du pain, non. Cupcake non plus. Une manette PS4 non plus. Ça se mange, hein, je précise. Des nuggets non plus. Une souris d'ordinateur. Ça se mange pas tant que je sache. Non, c'est pas ça. Un cornichon non plus. Une pile. 0492-222-002. Nigel, une proposition. Une tomate. C'est pas une tomate, Lara. Du chocolat. Du chocolat non plus. Nuggets imagine. Non plus. Que me propose Goffard. Il m'envoie une proposition. Un goth dans le cul à sa mère. Non, ce n'est pas Goffard. Pas trop de vulgarité, s'il vous plaît. Des spaghettis non plus, c'est pas des spaghettis. 0492-222-002, vous galérez, dis donc. Hein. Personne ne trouve jusqu'à maintenant. Un poisson, une tartine non plus, une pizza non plus, une baguette non plus, une pêche non plus, c'est un biscuit non plus. Il y a Diego qui a trouvé. Pour l'instant, il est le seul. Mais il n'est pas assez précis. Il n'est pas assez précis, Diego, hein, mais c'est pas mal. On peut pas dire que t'as gagné. J'attends une autre réponse. Fromage, c'est pas ça. Lara, oui. Un fichtique. Un fichtique, non, ce n'est pas ça. La suite, c'est tout de suite sur Energy. Welcome. On a le bébé, je les connais, qui arrive. Yeah. Et on va parler avec Mélisse. Quelles sont les choses que vous avez fait, que vous croyez quand vous étiez plus jeune, mais en fait, vous étiez complètement dans l'erreur, quoi. On en parle juste après. Bienvenue sur Energy. Let's go. Chaque matin, vous vous réveillez avec Energy. Un grand merci à mes collègues pour le soutien et à tous ceux qui m'ont écouté. Et un bisou à ma maîtresse, elle comprendra. Le 6-9 sur Énergie. 6h-9h. Dès demain, 6h. Marco, Jérém et Frisco vous offrent votre console Nintendo Switch. On perd la mesure du temps. On attend, on s'y pas maintenant. Mais les pages qu'on tourne s'écrivent dans les tourments. On se laisse porter par le vent. On sait jamais dans quel sens. Si la route est longue, la vue en vaut la distance. Si on rêvait plus fort. S'écrivent dans les tourments. On cherche un passage sans boussole. En dérapage, on survole. On prend les virages, faut coller au sol. Y'a pas de stage, pas d'école. Alors on prend des notes au vol. Les photos de nous qui dénotent, on les décolle. On prend des notes au vol. Les photos de nous qui dénotent, on les décolle. On cherche un passage. De nous qui dénotent, on les décolle. 21h minuit. 21h minuit. Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Vince. Vince est sur Énergie. Exactement, on est en plein jeu de qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien là ce soir. Si jamais vous avez la bonne réponse, que vous pensez l'avoir en tout cas, bah, faites vos propositions sur le 0492 222 002. D'ailleurs, Hugo me dit. Une viandelle, ouais. Ou alors une croquette de fromage. C'est pas ça. Vince est dans la merde! 23h05 les amis, on a le bébé je les connais qui arrive. On va parler de qu'est-ce que vous pensiez que vous étiez petit, quelque chose que vous croyez qui existait, qui était vrai. Alors qu'en fait, c'était juste que vous étiez jeune et que vous étiez crédule. J'adore parce que j'ai parlé d'un Diego qui était pas loin de la bonne réponse. Il était à deux doigts. Il a pas vraiment eu la bonne. Il a dit quoi? Et non, je peux pas le dire. Ah. Je peux pas le dire, sinon c'est trop facile. Et après il m'a proposé d'autres trucs et malheureusement Diego à qui je m'adressais parce qu'il m'a dit oui je m'appelle Diego, est-ce que tu parlais de moi? Oui je parlais de toi. Il me dit est-ce que c'est bon j'ai trouvé? Non. C'est malheureusement pas ça. T'es vraiment pas loin, Diego, je tiens à le préciser. Hein. Alors, on propose un polycroc, c'est pas ça. Une frite, c'est pas ça non plus. Et c'est ouf, hein, c'est chaud ce soir, j'ai l'impression. Nigel, une proposition peut-être, Nigel. Un hamburger. C'est chaud de ouf. Mais c'est pas ça. On joue au mot de la fin. Non, mais ça ressemble, mais c'est pas un hamburger. On va y arriver, à mon avis. Hein. Lara, tu proposes quoi? Un steak haché. C'est pas un steak haché. Alliance me propose quoi? Attention. Un cervelas. C'est pas un cervelas non plus. PNO, il me propose quoi, PNO? Attention. Une mitraillette, du ketchup, de la mayonnaise. Non, c'est pas ça. 0492-222-002. Vous y êtes presque, vous y êtes presque. Il me dit quoi encore? Merci d'avoir passé mon message tout à l'heure pour ma copine. Franchement, c'était cool, Vince. Avec plaisir, Hugo. Et franchement, je t'écoute depuis super longtemps. Depuis déjà Fun Radio, donc le salut nounou, ah, classique. Donc voilà, c'était vraiment cool. Et franchement, continue comme ça parce que je suis vraiment heureux de vous avoir retrouvé. Oh, les chouchous. Ouais, merci Hugo, ça fait plaisir. Et ouais, on est sur Énergie maintenant, mon pote, et bienvenue. Ils en ont pas marre de te rappeler que tu deviens de plus en plus vieux. Bah quoi, comment ça, je suis de plus en plus vieux. De plus en plus meilleur. Voilà, merci, exactement. Alors, on me dit un pain burger, c'est pas ça. Un ridin, c'est pas ça. Un biki non plus. Je demande à Damien de m'annoncer en note vocale quelle est la réponse. Hein. Ah, Damien, qui nous écoute, qui met des trucs dans son... qui c'est lui, c'est Damien, c'est lui qui met ses trucs dans son cul. Hein. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Durum non plus, hot dog non plus. Moi? Attends. Tu proposes quoi, ouais? Un cheese? Ouais. Bah, c'est pas la bonne réponse. Désolé. Ah, okay. C'est pas un cheese. Un oignon. Un oignon, c'est pas ça non plus. Mais il a deux doigts, Nigel, hein. Ah oui? Nigel, un cheeseburger. C'est une bonne réponse. Ouais. C'est une grosse blague. Je voulais le terme exact, un cheeseburger, pas un cheese. Mais non, mais quand tu vas au McDo, tu dis ouais, je veux un cheese, à dire ouais, non, c'est quoi, j'ai pas, je veux le terme exact. Ouais, mais on n'est pas au McDo ici. Voilà, exactement. On est sur Énergie. Voilà, ah, c'est pas pareil. C'est un cheeseburger, tout simplement. Oh, la photo, elle est là, elle est disponible. T'es sûr, t'es prête à voir ça? Bah oui, je voudrais savoir comment est-ce qu'il l'a introduit. Oh! Oh mais c'est dégueulasse. Ah ouais, non mais il est fameux quand même, hein, son cheese. Ah non, il y a des gens comme ça, t'es toujours un pote un peu dégueulasse, et ben on a notre pote qui est un peu dégueulasse, c'est Damien. Voilà, Damien il se met des trucs dans le cul, nous l'envoie à chaque fois en photo. Et au début je disais rien, tu sais, on était là, on disait ouais, il y a un auditeur qui envoie toujours des trucs, et à un moment donné c'est devenu un jeu dans cette émission, et les auditeurs l'attendent, c'est incroyable. Hein, on va filer des royalties bientôt. Ah, mais ça t'écoute. Voilà, effectivement. Bon, c'est un cheeseburger. Alors attention, j'enregistre la photo, ceux qui veulent la photo. J'allais dire, il va y avoir trop de monde en fait. Hein. De quoi ? Il y a déjà beaucoup de gens qui l'ont eu la photo, je précise. Hein, pas celle-ci, mais les précédentes. Alors, je vais trouver la première personne qui m'a envoyé cheeseburger. Non, mais hey, surtout, tous ceux qui ont reçu la photo de Damien, ils ont été dégoûtés. Donc, évitez de demander, ça dégoûte. Ouais, non, mais complètement. Alors, il dit quoi, Damien ? Tiens. Un cheeseburger. T'arrives un peu tard, mais c'est pas grave. Alors, Diego, tu la mérites la photo, hein, Diego. Donc c'est parti, je te l'envoie. Diego, je veux ta note vocale, je veux tes impressions sur la photo. Voilà, hop, j'écris bravo, tu as gagné. C'est parti, je lui envoie, tac, tac, tac, attention. Ça y est, c'est lancé. Alors, je veux ta réaction en note vocale, Diego, toi qui nous écoutes. Donc j'espère que t'es prêt. Attention, on va voir l'avis de Diego. Ce qu'il en pense. En attendant, donc c'est qui a gagné ? Ah mais vous êtes plusieurs Diego en fait. Vous êtes carré, il y a deux Diego, mais en fait Diego le premier est à deux doigts de la bonne réponse, et c'est un autre Diego qui a donné la bonne réponse visiblement là. Bon, j'essaie de lui envoyer à Diego, là il est en ligne, mais visiblement on a des problèmes pour le lancement des photos là. Et comment ça se fait que c'est lent ? Et aujourd'hui l'internet il est lent les gars, je sais pas si vous avez remarqué. Ah, pas chez moi. Dans les bureaux. Ah bah putain, c'est peut-être parce que t'es en train de pomper toute la connexion là. Pour l'instant. Non, pas du tout, j'utilise pas. Mais moi c'est pas lent, chaque fois que je charge quelque chose. Bon allez, j'envoie à Brian. J'envoie à Brian, j'ai choisi au hasard. Brian, je te l'envoie, je veux ta réaction. T'es prêt Brian ? Réaction de notre vocale. Hein. Attention. Voilà, c'est parti Brian, je te l'envoie. Et non, ça part pas en fait. Non, ça part pas. Mais c'est comme ça, ça veut dire que c'est un signe, il faut pas l'envoyer. Ça veut dire qu'il faut pas envoyer. Ah, c'est dommage. Bon, on a Mélissa qui est là, salut Mélissa. Enfin, Mélisse, pardon, Mélisse, excuse-moi. Oh putain, mais ça le suffit con. Maintenant. Oh le con. Oh, Mélisse, comme de la Mélisse. J'ai la tête à l'envers. À la capitale. Mélisse, bienvenue sur NRJ. Est-ce que la vie est toujours belle, Mélisse ? Oui, très belle. Ah, formidable. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai entendu une Mélisse. Non, Mélisse, j'ai dit. Ah, bravo. Très belle comme le joueur d'Anderlecht ? Il y a un joueur d'Anderlecht ? Très belle. Ah ouais, putain. Okay. Ah ouais, toi, t'es sûr que t'es fan d'Anderlecht ? Non, c'est parce que t'as dit Mélisse, très belle comme joueur d'Anderlecht, et j'ai pas compris. C'est pas grave, on va oublier cette blague, hein, n'est-ce pas ? Elle est passée comme ouais, ça. Ouais, Nigel, je crois qu'il faut que tu prennes un petit dafalgan. Mélisse, là, raconte-nous, qu'est-ce que tu croyais quand t'étais petite, toi ? Vas-y. Alors, j'ai 5 trucs. Par exemple, j'en ai un, c'est que je m'endormais sur mon canapé, que j'ai cru que je me téléportais dans mon lit, et non, en fait, c'était mes parents qui m'ont... Oh, c'est magique. Ça, c'est trop vrai. Ça aussi, c'était trop drôle, t'es arrivé dans ton lit, tu faisais « Waouh, comment j'ai fait ?» Ouais, ça. Mais rappelle-toi aussi quand on faisait semblant. Quand les parents, ils te prennent et tu fais semblant de dormir, t'es là « Ouais, parce que t'as pas envie de marcher, c'est pour ça. Portez-moi. C'était bon, ça. On t'écoute, Mélisse. Je suis que... Je croyais que si on creuse beaucoup, beaucoup le sol, eh ben, on tombera de l'autre côté de la Terre. Oh, c'est beau, ça. Ah, mais ça, il y a plein de gens qui ont cru ça aussi. Peut-être moyen, mais au milieu, tu meurs, quoi. Ah, excusez-moi, j'ai une réaction de Brian qui a reçu la photo. Il a toujours le même froc et le même calbar, ce gros lard de merde. Doucement, Brian, sois pas comme ça vulgaire, c'est gratuit. C'est drôle. Voilà, c'est parce qu'on l'aime, ça fait partie du personnage de Damien. Il porte toujours les mêmes fringues. C'est ça qu'on adore chez lui. Laisse-le. Ouais, c'est sa saleté qu'on adore. Voilà, exactement, tout simplement. Bon, parce qu'il y a tout le monde qui me demande la photo maintenant. Tu mets à la diète du cheese, mon gars. J'ai pas compris, mais c'est pas grave. Tu le mets à la diète du cheese. Ah, tu le mets à la diète du cheese, ok. Vince, moi je pensais que mes parents étaient nés grands, enfin adultes, du coup. Je pensais que le temps n'avançait pas. Ouais, moi aussi je croyais ça, donc du coup j'ai voulu rendre ma fille plus intelligente. Je lui ai directement montré des photos de papa petit. En disant, tu vois, papa il est petit, il a grandi. Hein, Elle te croit ? Non, elle croit pas. Elle fait, non, c'est pas vrai, c'est pas toi, c'est moi quand j'étais petite. Trop bizarre la pensée d'un enfant quand même. Ah, Damien, une réponse, qu'est-ce qui se passe ? Brian, reste poli, on va te crever ta panse, saloperie de merde. Oh il va y avoir un clash entre deux auditeurs. Ça s'énerve. Et je suis sûr qu'ils vont se parler tous les deux. Tu sais quoi, je vais tous les deux les épingler en tête, comme ça j'ai à chaque fois leur message. Épingler la discussion. Mais bravo. Voilà. Attention, réponse de Brian. Tu mets à la diète du cheese, mon gars. Attends. Mon ami, tu vas rester bien assis, tu vas pas me faire chier. Allez. Attention, mesdames et messieurs, clash d'auditeurs en direct. Ouais. Mais attends, mais ils sont là à côté de l'autre. Mais non, ils sont pas l'un à côté de l'autre, c'est juste qu'ils envoient des notes vocales via la radio. Ouais. Donc du coup, ils sont en train de se clasher via la radio. J'aimerais bien que celui qui casse tout dans son atelier, j'aimerais bien qu'il nous refascine aussi. Celui qui se jette des bazars. Attendez, on va les laisser s'exprimer, attention, on y va. Note vocale sur note vocale. Damien, qui met des trucs dans son cul contre Brian. Tu sais pas, putain. Brian, on va voir la couleur de tes tripes, saloperie. J'adore parce que dès qu'il y en a un qui a fini, il y a l'autre qui voit enregistrement de notre vocale. Oh, c'est énorme. C'est énorme ce truc là. Oh putain, Jonathan qui s'en mêle, attention. Quoi, tu vas chier à cheeseburger ou quoi? Ouais, mais il y a tout le monde qui s'en mêle là, les gars. Je veux que ça reste entre Brian et Damien là ce soir. Ah, au moins, il y a une chose que je sais faire, c'est me laver, me changer de froc parce que putain, mon gars, laisse tomber. Oh my god. Ça, par contre, c'est une répartie à deux balles, on n'accepte pas. Ouais, faut du clash, c'est du vrai. Point. Il faut du freestyle. File la photo. Non, non, je vais pas l'envoyer à tout le monde. Je peux pas l'envoyer à tout le monde. Mets-la sur la page Facebook. Non. On devrait créer un groupe privé. Ta page, elle va grave sauter si tu fais ça. Non, un groupe privé, on peut. Ah ouais. Un groupe attends, genre, il faut. On peut tout mettre dans les groupes privés ou ouais, pas ouais, ouais, si ouais. Tu veux, ce que tu veux dans les groupes privés Facebook. Ouais, ça saute pas. On crée un groupe privé. On crée un groupe privé. Vas-y. Genre, qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien? Vas-y, on va l'appeler. Attends. Vas-y, crée-le à partir de la page. Vas-y, Brian. Tu auras tes poils de cul sans option, frère. Je vais te décapiter avec la machine qu'on coupe la viande à kebab, saloperie. Eh, hey, mais il est méchant, hein. C'est un clash de merde. Eh, hey, mais j'adore. Il y a tout le monde qui envoie des trucs, genre envoie-moi Vince la photo. Ouais, crée un groupe. Ok, vas-y, on crée un groupe privé. C'est ce que je suis en train de faire là. Vas-y, on va créer un groupe privé comme il ça. C'est le cul de Damien. Voilà, qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien? C'est un peu long, non? C'est pas grave, qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien? C'est ça le nom de la rubrique, t'arrêtes maintenant. Qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien? Voilà, envoie la photo, moi je la mérite, j'ai presque eu la bonne réponse. Bon, Brian, il renvoie quoi? Ton cul est tellement dégueulasse, c'est rempli de porcs que même les Arabes peuvent pas y approcher d'un rayon de 5 km. Non, c'est gratuit, c'est raciste, hein, Brian. Oh non, on arrête le jeu. Non, tu vois, t'as tout cassé. On arrête le jeu. Non, tu vois, je suis dégoûté. Tout se passait bien, c'était drôle. Voilà. Et puis, il a fallu commencer à mêler le porc et les Arabes, le vieux cliché. Surtout que c'est pas parce que t'es arabe que t'es musulman. Exactement. Voilà. Tu vois, Brian, t'as abusé. Et maintenant, j'ai Mounir qui m'envoie des messages et Mohamed aussi. Voilà. Oh, le clash, il est tellement violent qu'on se croirait dans Rap Contenders. Exactement, merci. Bien vu. Voilà. Brian, excuse-toi, Brian. Pas grave, on va remettre tout le monde tranquille. Ok, ça va, là, il nous a eu. Eh, hey, mais ça y est, mais attention, parce que là, le clash, c'est tout le WhatsApp qui se clash, là. Ayoub, Vinico, Ayoub. Brian, je baisse ta pute de mer. Non. J'ai un truc à la nuque et mon nez, je baisse ta pute de mer. Non, c'est pas vrai. À Molenbeek, je t'attends, je t'envoie mon adresse. Mais c'est voilà, qui lui? Ça y est, ça part en suite. Mais pourquoi, les gars, on est dans un havre de paix, c'est Ayoub qui s'en mêle. Mais c'était pas entre Brian et Damien? Si, mais le mec, il fait une blague raciste, donc il faut bien s'étonner qu'il y a tout le monde qui va s'en mêler à un moment donné. Encore un autre message qui arrive. Il y a l'autre enculé que je vais venir baiser, l'autre. Et voilà. Ah ouais, non, mais. Ça part en clash. Juste pour cette blague. Ouais, bah quand même, c'est pas cool, tu vois. Ça a réveillé tout le monde. Le gars, il dit quoi? Brian, raciste. Et voilà, ça y est. Oh merde, oh, ça va, on rigole, merde. Espèce de raciste. Ajoute-moi dans le groupe qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien. Je suis sur la page là. Ah non. Saloperie de raciste, t'emmerdes, ma mère est arabe, fils de pute. Ah bon? Ma mère est arabe. Et Damien? Pas raciste, c'était bien voulu, c'est que Damien il peut pas approcher ça. Mais non, pas du tout, vu que sa mère est. Cousin qui insulte ma pute de mère. Calmez-vous, sinon Mardi Darabé va s'en mêler. Allez, les Turcs ici, ils sont là. Les gars, calmez-vous 12 secondes. Hein. J'ai 12 ans et moi, je dis même pas des conneries autant que vous. Hein, donc calmez. Voilà, merci. Calmez par une fille de 12 ans maintenant. Je suis un mec. Oh, là, là. Qu'on me dise encore que les jeunes sont perdus. Non, voilà. Merci Camille, t'as calmé tout le monde. Ah, oui, bah, y a trop de messages qui arrivent là. Bon, si vous en mêlez, 0492-222-002 sur WhatsApp. À vous, tu kiffes. 0492-222-002. Non, mais c'est la radio 2.0, ah, ouais, ça. Ça, c'est la radio d'un autre univers. Ah, il se passe il y a plein de voix différentes qui passent à l'antenne. C'est magique. Il dit quoi, le jeune Renoir sauvage au skate dur? Qu'est-ce qui se cache dans trop de cul Damien? Il y a toutes sortes d'aliments, des fruits, la grosse bite des G, la grosse bite des G. Le truc de Damien, mais qu'est-ce qui se cache là-dedans? Toute une maison, chef. Mais what the fuck? Et sérieusement, c'est. Damien, Nadim Babek. Baston. Ok, je vois que. Baston, bah voilà, ça crie baston. Bon, les deux derniers messages. Les deux derniers messages de Damien et Brian, après on se calme. Je vais commencer par Brian, allez hop. Excusez, je présente à dire que nous avons tous des valeurs et des droits. Chaque droit et chaque valeur est source de conflit. Donc. Oh, mettez un ficheur et c'est bon. Mettez un ficheur, la musique. En tout cas, un grand merci à tous mes fans qui me soutiennent. C'est super sympa. Oyez, oyez les gens, attention, le cul de Damien, une multinationale des aliments. Ouais, non, mais là c'est... Dans le cul de Damien, il n'y a que des pots. Non, doucement, mais c'est failli, mais non, mais c'est bon. Non, c'est bon, on arrête. Dans la boîte de Pandore. Je n'en peux plus. Je vous mettrai un son agréable. Oui, c'est la boîte de Pandore, exactement. Elle dit qu'il y a du clash en ligne à l'antenne, ça part en sucette, hein. Oh là là, incroyable. Et encore un message, Leïla. Elle nous dit quoi, Leïla? Photo. Attends, merde, j'ai pas entendu le message. Je veux voir la photo. Ok, Leïla, on va créer le groupe, C'est déjà fait, hein. C'est quoi le nom du groupe? Et je vais repartager sur ta page VINZ. Et c'est quoi le nom du groupe? Le nom du groupe, c'est Qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien? C'est un groupe fermé, public Fermé, ouais. Groupe fermé, donc il faut faire sa demande d'adhésion. Sa demande et j'accepte. Qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien? Allez, voilà, allez-y, c'est sur Facebook. C'est parti. Jason Derulo, goodbye sur Energy. On récupère Mélisse après, Naomi aussi. Mesdames et messieurs, le groupe Qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien est disponible. Hein. Voilà, le groupe s'appelle comme ça. C'est bien ça, Nigel. Hein, ouais, qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien? J'ai pas encore été voir pour l'instant. Là. Mais de toute façon, pour ceux qui savent pas l'écrire ou le trouver, vous allez sur la page de Vince, donc VINZ sur Facebook et vous le trouverez. Voilà, parce que quand je clique dessus, je crois que je suis pas invité moi-même. Il faut que t'invites mon compte. Non, je t'ai déjà mis dedans. Et j'arrive pas à accéder, moi. Ouais, je t'ai déjà mis dedans. Quand je clique dessus, ça, c'est pas disponible. Alors attends, je vais essayer de cliquer dessus. Groupe fermé, voilà. Je clique dessus. Ah ouais, ok, je suis déjà membre. Eh ben super. Tiens, on me dit membre suggéré, on me met le patron de la radio. Est-ce qu'on ferait bien de le mettre dedans? Non. Ouais, vas-y, mets-le. Non. Alors, tant qu'un ami souhaite rejoindre ce groupe, je suis dans le groupe officiellement ou pas? Ouais, t'es dedans, ouais. D'accord, ok. Et comment tu vois les notifications des gens, des membres et tout? Mais en fait, là, ça arrive, là. Du coup, là, il y a plus de 100 personnes qui ont déjà fait leur demande. Ah, purée, ok, d'accord. Vous êtes trop chaud, là. C'est incroyable. Vous avez ajouté au groupe. Moi, je clique sur OK. Voilà, splendido. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien? T'es sûr qu'il apparaît, ce groupe, hein? Les gens ouais, il apparaît, ouais, il apparaît. Bah, oui, logique en même temps. Hein. Bon, ça va. Et tu sais quoi, je mets une photo dessus, ok? Une photo, je vais la mettre d'ici quelques minutes, là, tranquille, pendant qu'on parle encore avec Mélisse. Le sujet de ce soir, qu'est-ce que vous croyez quand vous étiez petit? Eh ben, on en parle ensemble. Là. Toi, Lara, tu croyais quoi quand t'étais petite? Ben, je croyais, par exemple, que quand je mettais des baskets, je courais plus vite. Ouais, ça, on l'a tous cru, ça. Je croyais que je serais adulte à 25 ans. Non, t'as été adulte à quel âge? Alors que, ben, je sais pas si je le suis déjà, je sais rien. Ouais. Mais en tout cas, à 25 ans, je l'étais pas. Ouais, exactement. Et quoi d'autre encore? Je croyais que j'allais... Qu'est-ce que je croyais? Qu'est-ce qu'on croit quand on est petit? Ben, moi, genre, je pensais que les drogueries, je pensais qu'ils vendaient de la drogue dedans. J'en ai déjà dit deux, quoi. Après, je croyais pas grand-chose non plus. Enfin, je veux dire, voilà, quoi. T'étais trop intelligente. Tu croyais quoi, les drogueries? C'était quoi? Mais moi, je pensais qu'ils vendaient de la drogue parce qu'à chaque fois que je passais devant et tout, c'était fermé. Du coup, je pensais grave qu'il y avait des trafics illicites là à l'intérieur. C'est vrai, la droguerie, c'était waouh! Ouais. Et aussi, tu vois les petites boules qu'il y a sur les grands lampadaires là sur l'autoroute? Ouais, ouais. Mais je pensais que c'était des autres planètes. Quoi? Mais du coup, je pensais qu'en arrivant là-dessus, mais t'allais arriver dans une autre planète. Comment ça, en arrivant là-dessus? Bah, en allant dessus, t'allais être dans une autre planète. N'importe quoi, ma gueule. Bah, écoute, j'étais petit, hein. Elle aime trop juger les gens, Lara. Ouais, alors? Quand elle a pas d'idée, elle juge les gens. Parce que là, elle sait rien dire. Son émission, c'était pas intéressante. Quoi? Bah, attends, on va retourner à Mélisse qui, visiblement, croyait plein de choses et qui nous a pas tout raconté. Mélisse, qu'est-ce que tu croyais d'autre quand t'étais petite? Je sais un truc que j'ai appris l'année dernière, c'est que quand un truc est tombé du camion, et ouais. Ben moi, j'ai cru que c'était vraiment tombé du camion de livraison, quoi. Ah, ça peut être tombé du camion, hein. Oui, en fait, on dit généralement, c'est tombé du camion, genre, on te le dit pour quelque chose qui est supposé être légal, tombé du camion, mais en vérité, c'est pour sous-entendre que ça a été volé, quoi. Et après, je me dis, mais comment ils ont ramassé le truc qui est tombé en plein autoroute du camion? J'étais en mode, waouh! Bah, ils le font. Et après, ils leur vendent, c'est génial. Oh, c'est un truc de ouf, ça. Non, mais complètement. Et toi, Vince, tu croyais quoi? Oh, moi, je croyais tellement de choses. Alors, bah, le coup des baskets, ça c'était pareil, hein. J'étais persuadé que j'allais beaucoup plus vite. Ah, merci quand même, hein. Oui, un peu de réaction. Persuadé. Non, mais de ouf. Voilà, Genre, moi, je pensais genre que je mettais le niveau 6 sur ma basket. Or que il y avait pas de chiffre dessus. Mais la vérité, c'est qu'on courait plus vite quand on avait nos baskets. Complètement. Moi, je mettais mes baskets rouges, j'étais là, waouh, attention maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Ah. Et moi, c'est les baskets qui faisaient la lumière. Et alors? Je portais les baskets qui faisaient la lumière quand tu marchais, ça faisait la lumière à l'arrière, ça clignotait. Et moi, je me dis, je cours plus vite avec parce qu'il y a de l'électricité dedans. Ah, et comme il y a l'électricité, ça donne une charge à mon corps qui me permet d'aller plus vite. J'étais persuadé. Ah, hein. Ouais. Ah, j'y croyais dur comme fer. Aussi, je croyais que quand tu enterrais des objets, des jouets dans le sable, le bac à sable, genre le lendemain, ça allait changer, ça allait le transformer en quelque chose d'autre. Parce qu'un jour, je me suis fait avoir. Un jour, j'ai mis on était à moi et un pote, on a mis des voitures majorettes aux tuiles, on les a mises dans le bac à sable. Je me rappelle de ça, j'étais en troisième maternelle. Regarde l'histoire. Je les enterre, d'accord? On enterre, lui, il enterre le sien, moi j'enterre le mien. On dit on les salaille, on revient le lendemain. Le lendemain, sa voiture était devenue méga classe, la mienne était devenue toute pourrie. C'est une blague. Et moi, je me suis dit, waouh, mais quand on enterre des trucs, eh ben, le lendemain, ça change, tu vois, et c'est quelque chose de différent. Alors qu'en différent. Fait, c'est juste qu'il y avait 50 bagnoles enterrées en fait, dans non, ce truc. Non, en fait, c'est juste que ce con, il m'a pris pour un con. Il a été là-bas, il a volé ma voiture, il m'a remplacé par une voiture de chez lui. Il a fait ça en loose day, il a mis une voiture de merde. Et moi, en troisième maternelle. J'ai cru dur comme fer. Ouais, t'inquiète pas, ça commence tôt le hustling et tout. Et Laurent, le photographe qui nous a rejoint exceptionnellement aujourd'hui dans cette émission, c'est un auditeur qui me prend en photo. Et d'ailleurs, qui nous prend bien en photo, donc ça fait plaisir. Je ne suis pas encore passé. Lara est passée, Nigel aussi, Thibaut aussi. Voilà, le dernier, le meilleur pour la fin, bien sûr. Oh, oh, oh. Laurent, toi, dis-moi. Bah, moi, c'était les traces d'avion. Je pensais que c'était les traces de fusées qui montaient. Sérieux vrai, ouais, ouais. Ça en fait beaucoup des fusées qu'on lance tous les jours. J'étais petit. Hein. Ouais, bah, c'est normal, t'inquiète pas. Moi, je croyais que quand on était amoureux, quand on se regardait et qu'on clignait des yeux très fort, très vite, ça veut dire qu'on était amoureux. C'est-à-dire que mon amoureux et moi, en maternelle, on se regardait comme ça, regarde. Écoutez, j'en ai marre. Moi, je propose des trucs. Mais ça suffit. Mais arrête, Lara, mais ne râle pas, toi aussi. Vin, c'est quoi le groupe de Qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien? Je vais vous envoyer sur le WhatsApp en lien, et sinon, c'est le groupe s'appelle Qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien. C'est un groupe fermé, hein. Comme ça, vous savez. Donc, normalement, on ne doit pas inviter les gens en groupe fermé. Ouais. Donc, c'est en privé que tu dois le mettre, en fait. Tu dois le mettre non, en groupe non, privé. Non. En groupe truc. T'es en train de changer les trucs en fait. Mais non, mais moi je suis en groupe secret, du coup personne peut rejoindre tant que j'accepte pas. Ouais, mais non, t'as pas compris. C'est pas grave, on va gérer ça après. Parce qu'il y a tout le monde qui me demande en masse. Émilie, quoi d'autre encore tu croyais toi? Ah ouais, j'ai aussi un truc. Genre, par exemple, quand j'étais petite, j'étais fan de Justin Bieber. Ok. Hey. Et j'avais un forme de calendrier et il y avait une photo de lui. Mm-hmm. Et dès que je fixais ses yeux, je me disais. Si je fixe pendant longtemps, il va apparaître à côté de moi. Non, oh, c'est trop mignon. Et ça n'a pas fait. Marché, ben non, mais non. Donc t'avais un poster de Justin Bieber dans ta chambre, trop mignon. Ben ouais. Et quoi d'autre? Je sais un truc où genre c'est tout le monde a déjà eu ça. Que l'ami genre mes jouets, il se réveillait et tout, et que moi je m'amusais à leur parler. Comme ça, en mode, ouais, tu peux me dire, hein, je garderai le secret. Oh, c'est trop mignon. C'est vrai qu'on pensait que nos peluches, elles étaient animées. Moi, je pensais qu'elles étaient vivantes, un peu comme Toy Story. D'ailleurs, Toy Story a mis ça en animation parce que justement les enfants étaient persuadés que quand on avait le dos tourné ou qu'on regardait pas, les peluches mettaient à vivre. Et quelle imagination. Mais complètement, t'as vu ça d'où ça vient quand même. Hein. Et on a Naomi qui est aussi avec nous dans le standard là. Salut Naomi, bienvenue à toi sur NRJ. Allô? Yo, Naomi est dans la maison! Sur NRJ! Mais ça va, Naomi, t'es passé il y a pas longtemps, toi, je reconnais ta voix, je crois. Ah non, c'est non, pas possible. C'est pas toi? Ah, c'est drôle, ah, bah, c'est moi qui ai bugué alors, tu viens d'où, dis-moi? Oui. je viens de Bruxelles. Yeah. Bruxelles, ville. Ça fait plaisir. Et toi, dis-moi, c'était quoi le truc que tu croyais quand t'étais plus jeune? Peut-être moi, maintenant. Je croyais que j'allais devenir riche. Écoute, c'est peut-être toujours possible, hein, t'inquiète pas. Naomi est avec nous ce soir pour le bébé, j'ai déconné. C'est ce qui va se passer dans quelques instants. On va téléphoner à qui ce soir, Naomi? À mon copain. Il s'appelle Kevin et donc tu vas lui faire croire que t'as déconné, t'as fait l'idiote, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle a fait? Oui, exactement. Qu'est-ce qu'elle a fait, la petite chérie? Ben, je l'ai trompée, en fait. Oh là là! Mais tu l'as trompée pour de vrai ou pas? Oui et non. Oui, ça veut dire quoi ça, oui. Tu sais quoi, on va approfondir ça après. Reste avec nous. Oulala, je crains le pire, mesdames et messieurs. Je crains le pire. Alors, il y a eu plein de messages qui sont arrivés. Hein. Je les ai récupérés là. Vince, quand j'étais petit, je pensais qu'un jour j'aurais lu tous les livres de la Terre et que je connaîtrais ainsi toutes les lois scientifiques. Comme ça, je deviendrais grand savant qui aurait réponse à tout. Ouais, je doute qu'il y ait vraiment des savants possible, qui aient réponse à tout. Hein. T'imagines lire tous les livres de la Terre, c'est impossible. Non, pas tous les livres de la Terre. Non, il y a pas moyen. Il y a un maximum. Je pensais, ou plutôt, je rêvais qu'un nuage s'abattrait sur Paris, endormissant tout le monde. Oui, je viens de Paris, sauf moi. Et je pourrais aller visiter tous les appartements et maisons dans lesquels les habitants étaient restés figés dans la position qu'ils avaient au moment où ils avaient respiré le nuage. Bon, ça, c'est des croyances étranges. Hein. Alors, Vince, je croyais que j'ai acheté au moment de sa sortie le premier livre poche édité. C'est pas le Königsmarck de Pierre Benoît. J'ai dit, quoi ce truc quand j'étais petit? Non, mais c'était quand j'étais petit chelou quand même, hein. Ouais, vraiment. Voilà, prenez le temps de bien m'écrire ça, les amis. C'est bizarre ce que vous me dites là. Je suivais des cours d'aéromodélisme. Je construisais des planeurs que j'allais faire voler. Il rêvait de ça. Je rêvais de ça, visiblement. Ouais. Moi, je croyais que, tu vois, quand le Père Noël il venait, qu'en fait, il avait la capacité d'arrêter le temps pendant genre une demi-heure sur toute la Terre, et que pendant tout ce temps-là, il faisait le tour de la planète et qu'on était genre, tu vois, que le temps s'arrêtait. Alors qu'en fait, il vient quand on dort, quoi. Non, c'est magique. Il n'arrête pas du tout le temps. Mmh. Il attend juste qu'on roupille. Et merci Giuseppe pour ce message. Vince, quand j'étais petit, là, je croyais que le lavage de cerveau consistait à mettre son cerveau dans une machine à laver. Ah, oh, c'est mignon. Des trucs qu'on croit parfois, ça va loin. Bon, les amis, tout de suite, le bébé, j'ai déconné avec Naomi. On fait un gros bisou à Mélisse. Et Mélisse, tu reviens quand tu veux, c'est ton émission, tu sais bien. Hein. Ok. Je peux faire une dédicace? Ouais, vas-y, allez, fais-toi plaisir, on t'écoute. Alors, je vais faire une dédicace à tous les gens de Linda. Ils se reconnaîtront s'ils écoutent. Voilà. Les gens d'où ça, t'as dit? De Linda. De Linda, bah, c'est une école à Arlon. Ah, cool, ok. École. Depuis ma deuxième maternelle, attention. Ah ouais, wow. Donc t'as fait maternelle, primaire et secondaire, quoi. Ouais. Qui est Linda? C'est bon, ça. Il y a combien d'étudiants dans ton école, Mélis? Il y en a combien? Il y en a à peu près 1900. 1900? Ah ouais, pas mal. Ah, mais c'est la big école d'Arlon, ça, alors, du coup. Oui, oui. Ah oui, surtout aux intercours, dans les couleurs, on fait même plus marcher. Eh, mais c'est dingue. Il y a du monde. Et je découvre des trucs. Mélisse, il se passe des trucs parfois dans ton école, Arlon? Des événements? Pas souvent, mais quelquefois, il y a des sortes de bagarres, un truc du genre. Mais ah bon, non, mais je dis des événements positifs, des trucs cool, genre que toute l'école se transforme, qu'il se passe des choses, qu'il y ait des artistes qui viennent. Par exemple, ouais. Moi, j'en ai une. L'autre jour, il y avait... Ah, okay. T'es perdu. Mélisse? Oui. Ça, c'est la connexion avec Arlon. Ouais, voilà, donc tu disais, l'autre jour, il y a eu quoi? Il y avait un directeur qui devait partir de l'école, et du coup, il y avait toute l'école qui s'était assemblée dans la cour, et on avait des petits bateaux, on faisait au revoir et tout. Oh, c'est mignon. C'est cool, ça. Eh ben, écoute, tu sais quoi? Reste avec nous, on va te noter. T'es en quelle année, toi, Mélisse? Je suis en deuxième secondaire. Eh ben, Mélisse, il va se passer peut-être des choses dans ton école. On dit rien. Bisous ma chérie, raccroche pas, hein, je te passe le standard. Oui. Bisous, ciao ciao. Allez, on arrive tout de suite sur NRJ, comme promis Amir, on va le jouer là avec longtemps. Bienvenue sur NRJ, on en live, let's go. Le soir, 21h minuit. Du lundi au vendredi, Vince. Vince est sur NRJ. Je veux des problèmes, je veux que tes galères deviennent les miennes. Je

Le soir, dès 21h. Vince est sur Énergie. Allez, bienvenue sur Énergie. On va lancer le bébé, je les connais, avec Naomi dans quelques instants. D'abord, voici George Ezra avec Shotgun. On est en live. Et devinez quoi ? Vince est dans la maison ! Et Marseille ! Later, gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone. Minuit. Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Vince. Vince est sur Énergie. Allez, soyez bienvenus sur Énergie. Vince en maison. On est bien là ce soir, posé, tranquille. Il est déjà 23h40. Ouais, c'est passé sérieusement vite. Hein. On, sans avoir Dominique ce soir, sans avoir fait plein de trucs qu'on avait prévu. C'est prévu pas fait vite aujourd'hui. Hein. Et mais c'est incroyable. De toute façon, l'émission n'est pas encore terminée. On a encore un putain de moment de ouf qui va arriver avec Naomi. Là. On a Thibaut qui est dans la maison. Ça va toujours, Thibaut, tranquille. Ouais, ouais, tranquille, posé. On voit Eddie moment quand même. Hein. Ah oui, pauvre Eddie, il est malade là. On le soutient. Les amis, on ferme le groupe. Hein. Je précise un truc. On a eu Damien au téléphone. Il est en PLS, Damien. Et tout. Et là, il me dit ouais, en fait, Vin, j'ai pensé à un truc. Si jamais on me reconnaît, on reconnaît ouais, le truc. Ah ouais, mais il a raison. Hein. Je vais avoir des soucis, etc. Et je me dis, ouais, bah c'est vrai, t'as raison et tout. Parce qu'en plus, on voulait découper la photo, tu vois. Et c'est ouf, on est monté à combien de demandes ? Il n'y a personne qui a rien vu. Mais on est monté à combien là, de demandes ? Je pense qu'on est monté à 250. 250 demandes. Attends, je mets à jour, je vais voir. Hop. Ça request. Enfin, moi, la dernière 400. Fois que j'ai vu, on était à 250. Vas-y, on est à 1002. On a 1002, vas-y, viens, on supprime le groupe. Supprime. Bah, ouais, supprime. Ouais. Non, je vous explique. J'ai eu donc Damien au téléphone et j'en ai parlé avec lui et il m'a dit ouais, non, voilà, c'est galère. Si jamais on reconnaît mon cul, je suis dans le beau drap et tout. Il suffit qu'il y ait une personne et puis voilà. Alors, je te dis pas, c'est vrai que ça va loin. Parce que quand je te dis ça va loin, c'est la DH va en parler, Sud Presse, Sud Info, ça va jusqu'au journal quasiment. Ouais, un mec mettait des aliments dans son derrière, dans un snack, machin. On connaît pas snack, on sait pas qui c'est. On ouais, a mais si on même Damien, Damien, je sais pas à quoi il ressemble, je sais rien. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était un troll, un mec qui prenait des photos d'internet, il nous les envoyait. Et voilà. Donc, du coup, Damien, on respecte le bail, on enlève le groupe. Alors, je te dis pas le nombre de déçus, ils sont en train d'envoyer des messages, quoi. Non, Vin, s'il te plaît, et tout. Eh, les gars, c'est pas votre derrière, c'est le derrière de Damien. On se doit de le respecter. Donc, Damien, il a pris ses décisions. Encore heureux que tu décides de ce qu'on fait avec les photos. Donc, y a pas de problème. Naomi, qu'on récupère. Allô, Naomi. Allô ? Yo, Naomi qui est toujours à la maison. Ça va Naomi, tout va toujours bien, tranquille ? Oui, tout va bien. Ah, formidable. Naomi, donc toi tu viens de Bruxelles, c'est bien ça ? Oui. Et ce soir, t'as envie de faire une petite blague, une petite blague un petit peu... Voilà. À ton chéri, oui. À ton chéri. Par contre, tu nous as intrigués puisqu'on t'a posé une question, on t'a demandé est-ce que t'as déjà trompé ton mec ? C'est même parce que t'as déjà trompé ton mec. La question c'était, ouais, genre, t'as fait une grosse bêtise en fait. On pensait que c'était pour le truc, la blague que tu fais avec ton copain. Voilà, mais merci Lara. Tu l'as vraiment trompé? Oui, je l'ai déjà trompé. Tu dis ça comme toi. Attends, tu l'as déjà trompé, mais est-ce que tu veux l'appeler en rapport avec le fait que tu l'as trompé ou tu veux lui faire une blague? Je veux lui faire une blague que je l'ai trompé. Mais d'accord, mais tu l'as jamais trompé ou tu l'as déjà trompé dans ta vie? Je l'ai déjà trompé. Est-ce qu'il est au courant de ça? Oh. Non. Oh my god, mais attends, mais ça y est. Et là tu vois, tout d'un coup, je me sens mal parce qu'on va faire une blague. Pense, quoi. On doit faire une blague à quelqu'un qui a déjà été trompé. Mais c'est horrible. Attends Naomi, mais pourquoi tu veux faire une blague à ce pauvre garçon là? Mais je sais pas, j'ai envie d'un peu de peps dans le couple. Un peu plus de peps dans le couple. Ah d'accord. Tu trouves pas que tu t'amuses un peu beaucoup déjà? Oui. On peut un peu rigoler. Sauf que c'est pas drôle puisque tu l'as déjà. Moi je trouve ça drôle, ça m'amuse. Ah mais oui, mais peut-être que toi oui Naomi, mais nous regarde. Attends. Moi je regarde les choses dans l'espace, dans l'espace ou le temps. Attention, je pars du principe que t'as déjà trompé ton mec, et puis tu passes à l'antenne, tu nous le dis, ah ouais, je l'ai déjà trompé, j'ai envie de lui faire une blague pour le faire croire que je le trompe. Nous, l'idée, c'est qu'on veut faire croire à quelqu'un quelque chose de gros, pour rigoler, parce qu'après, on lui dit, on le soulage, on lui dit, mais non, en fait, c'est pas vrai, tout ce qu'on t'a raconté mais là, c'est du mytho. Mais c'est pas grave, on garde sur le sujet que c'est pas vrai. Mais sauf que maintenant tu nous as sali là. C'est ça, tu vends notre âme au diable. C'est-à-dire que je me vois mal faire une blague à quelqu'un. Et c'est pas vrai, mais en fait c'est pas tout à fait pas vrai. C'est pas cool. Ouais, c'est pas cool. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais je dirais qu'à la fin je l'ai pas trompé. Mais non, c'est trop tard. Attends, Naomi, c'est trop tard. Là tu nous as dit, oui, je l'ai déjà trompé avant. Et donc du coup, voilà. J'ai encore un minimum de morale, même si je fais une émission où je déconne, on part dans tous les sens. Mais en plus, elle a un coup bizarre. Genre, elle dit, ouais, je veux du peps dans mon couple en le trompant. Genre, c'est un truc de ouf. Mais un peu plus de disputes, il y en a pas. Mais justement, mais c'est génial, Naomi. T'as pas idée à quel point c'est génial d'avoir un couple où il n'y a pas de disputes. Non, c'est trop calme. C'est trop calme. Bah alors, pourquoi tu lui as pas dit que tu l'avais trompé? Bah parce qu'elle a raison. Quoi? Attends, elle veut des disputes. Pourquoi est-ce qu'elle lui dit pas? Mais parce qu'il lui... Attends, laisse-la répondre. Je sais pas, parce que d'un côté je l'aime quand même. Ah bah tu l'aimes mais tu le trompes. Tu veux plus de disputes. T'as quel âge Naomi? J'ai 18 ans. J'aurais dit 8. C'est drôle parce que c'est quand même négatif. Je veux dire, tu veux plus de peps. Alors je comprends, tu veux faire une petite blague à quelqu'un. Ça arrive de faire des blagues dans le couple. J'en fais souvent des blagues dans le couple. Oui, bien sûr. Mais je fais pas une blague dans le couple en sachant pertinemment que j'ai quand même trompé l'autre, tu vois. Genre, j'ai voulu te faire croire que je t'ai trompé. Mais dans ma tête, ouais, mais je l'ai vraiment trompé. Mais c'est horrible. C'est atroce. Mais c'est pas grave. Mais toi, tu t'en fiches, Naomi, le jour. Attends, je n'ai pas l'impression que t'aimes ton mec. Parce que qu'est-ce qui se passerait si un jour, un gars, il te fait une blague à la radio, il te dit. Je t'ai trompé, machin, gna gna gna. Toi, tu tombes dans le panneau, tu pètes un câble parce que tu penses que t'as été trompé. Et à la fin, le mec, il te dit ah ben non, c'est une blague. Mais au fond, il t'a déjà trompé vraiment pour de vrai. C'est malsain. Tu te sentirais comment? Ah, très mal, mais moi, c'est pas grave. Mais comme c'est pas toi, tu t'en fous. Mais oui. C'est qu'il était pas fait pour moi. Pas fait pour lui. Ouais, voilà. Bah oui. Parce que moi, je mérite pas un mec comme bien comme lui. Ou peut-être l'inverse. Je mérite pas un mec bien comme lui. Non, mais ça, c'est ridicule, ça. D'accord. Je mérite pas un mec comme toi, c'est pour ça que je le trompe. Attends, c'est cette phrase. Elle rigole. François, il dit quoi? Pute, j'espère que tu vas te faire enculer. Non, doucement. Il est chaud ce soir. Complètement. Si vous voulez réagir à ça, les amis, le numéro de téléphone 0422-222-002. Elle n'a rien à faire de sa vie. Trois petits points. Vince, c'est une 2000, je cherche pas. Ça va, ma fille, c'est aussi une 2000. Ma fille, c'est Pierre, c'est une 2010. C'est une 2013. 2013. C'est une 2013, ma fille. Julie, il dit quoi? Sinon, il y a Jacques et Michel, connasse. Salope. Je voudrais bien la vie des femmes là-dedans. Les demoiselles, vous en pensez quoi? Note vocale 0422-222-002. Paul, il nous dit quoi? Sur ma fille, c'est une grosse. Ils sont fâchés. Ah, c'est une gamine, qu'elle fasse même pas le jeu. Greg. Et là, petit backup, je casse tout. Il est là, mon ami. Attention, Faye, je crois qu'il va être clash, lui, Faye. Il dit quoi, Faye? Attention. Le temps que le message arrive. Ah, Faye, il a pas bien appuyé sur son micro, c'est pas grave, Logan. C'est qui faisait pas un truc dans le cordon bois? Mais on n'arrête pas à le joindre. Vas-y, t'as le sida, grosse. Non. On déconne pas, là. Grosse chouin. Voilà. Ah, c'est la vie des femmes, c'est ça? Je voudrais savoir si c'est répétitif. Ah merde, Céline, non, tu t'as supprimé ton message, fallait pas. Écoute, qu'est-ce qu'on. Moi, je sais pas, je suis malade. Moi, déjà, j'appellerai pas. Par contre. Appelle. Non. Par contre, on va l'appeler pour lui demander pour voir si Naomi. Naomi. Mais vous êtes des ouf. Oui. Bah quoi, Nigel. Mais non, mais toi, tu fais trop le mec sage, on n'appelle pas. Mais après, en fait, sage, mais je sais pas, j'ai un minimum de conscience pour le gars. On s'en bat les couilles. Mais non, c'est l'humiliation, je suis désolé. C'est pas notre problème. Mais je veux pas téléphoner à un mec et l'humilier en live. C'est l'humiliation. Mais moi, je sais pas. Non, mais lui, je sais pas, mais moi, je sais pertinemment qu'il a quand même été trompé. Donc elle va lui dire, au fait, je t'ai trompé. Ah non, c'est une blague. Mais au final, ça reste une humiliation. On est en train d'appeler un mec qui, ça se trouve, va être reconnu. Et on elle aurait pas dû nous le dire, tu vois, c'est ça. Si elle nous l'avait pas dit, on aurait fait le truc à la limite après. Mais regarde, imagine, tu croises un mec en boîte. Tu sais qui trompe sa meuf. Devant toi, il dit ouais, regarde, c'est ma femme, je l'aime trop. Tu vas pas dire ah gros, c'est de l'humiliation. Non, ça en bat les couilles. Si. Bah si. Honnêtement, si c'est ton pote ou ton ami, je sais pas. Moi déjà, j'aurais pas de pote dans le délire, mais. Oh, arrêtez de faire genre, on dirait que vous avez tous des potes tout sains. Non, si, j'ai des potes, ils ont trompé leur meuf et c'est pas. Voilà, à un moment donné. Tu as plus une discussion avec eux, quoi. Je me sens pas spécialement bien de traîner avec un gars qui en a rien à foutre, qui trompe tout le temps sa meuf. Moi non plus. C'est malaisant. Eugénie, elle dit quoi? Je plains son mec. Sérieux, je plains son mec. Pauvre gars, quoi. Non mais Naomi, est-ce que tu vois le mal derrière ou tu le vois pas du tout? Peut-être qu'on n'a pas conscience. Bah oui. Et donc? Je sais pas. J'aime les hommes en fait. C'est une faiblesse que j'ai. Mais c'est pas un problème d'aimer les hommes. C'est pas ça le problème. Les femmes aiment les hommes et les hommes aiment les femmes. C'est pas ça. Mais non mais elle aime la bite, c'est différent. Et Romain, il dit quoi? Attends. C'est pas cool, ça, Naomi. Non, pas question. Pas de ce côté-là. Le seul problème, c'est que ça, tu te fous un peu de sa gueule, quoi. Tu vois, c'est ça le problème. Alors, attends, Naomi, Naomi, attends, il y a un message de Romain, j'ai pas entendu. Ouais, j'ai pas bien compris. C'est pas cool, ça, Naomi, mais si tu veux plus d'action, cogne plus souvent, M'Fay. Mais quoi, cogne plus souvent, M'Fay, j'ai pas compris. C'est du ballon. En fait, je voulais savoir si elle l'a trompé de façon répétitive, ou alors qu'elle l'a fait qu'une seule fois et que peut-être maintenant elle regrette. Ah, bonne question, non, Céline. Ouais, une seule fois. Et tu regrettes ? Bien sûr. Bien sûr. Non mais attends. Mais c'était même pas allé même pas une semaine. Ah quand même. Il va pas quoi Mon Dieu. Dans ma vie, j'ai pu tromper des gens. Je suis un grand maître en tromperie. Je suis le maître tromping. Mais tromper une semaine, c'est plus que tromper. C'est plus que tromper, c'est les arts martiaux de la tromperie. C'est la ceinture noire de la tromperie. La ceinture noire qui fouette de la tromperie. Non mais attends, Naomi, oui. c'est grave ce que tu dis là. Genre une semaine, mais vous c'est vous êtes restés ensemble pendant une semaine, vous avez tout fait. Non, mais on s'est pas vus, non. Mais pendant une semaine, vous êtes pas vus, toi et ton gars. Mais pendant ce temps, pendant une semaine, t'étais avec un autre gars. Non, moi et l'autre gars, on s'est pas vus pendant la semaine, là. Que je trompe mon gars. Oh, je comprends plus. Attends, moi et l'autre gars, on s'est pas vus pendant la semaine que je tromperais mon gars. Tu trompais avec un fantôme ou quoi? Non, via les réseaux. Excuse-moi, question, je dois savoir. Est-ce que tu as entretenu. T'as été ouverte à la discussion sur les réseaux sociaux? Ou alors est-ce que tu as couché, embrassé un autre mec? Non, j'ai pas couché ni embrassé. Ah ouais, ouais. Attention, ça change. Ça change beaucoup. Bah non. Si, parce qu'elle lui a pas dit que. Non, il y a pas eu de photo ou quoi, hein. Qu'est-ce que tu racontes? Mais putain, mais Naomi, mais t'es dingue. Okay. C'est intéressant parce que déjà. C'est intéressant parce que dans le cerveau de Naomi. C'est quand même bien, ça veut dire que entretenir. Elle considère qu'elle a trompé son gars parce qu'elle a parlé avec un autre mec. Elle a eu du désir pour quelqu'un d'autre. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu peut-être des échanges. Quoi, c'était des sextos en fait, des messages un peu sexy. Oui. Ok. Oh, moi, je suis sûr, c'est une mytho. Non, mais écoute, si c'est juste ça, elle a 18 ans, c'est normal, tu te cherches, voilà. C'est pas. C'est intéressant, parce que nous, on a tous vu la chose, genre. En fait, Naomi, on a tous cru que t'avais couché avec un autre gars que t'avais. Pendant une semaine, ma gueule. Non. Ok, d'accord. Donc là, ça change complètement la donne. Nous, on pensait, voilà, que tu l'avais déjà trompé, que t'avais assumé le truc, etc. Alors qu'au final. Elle est bête. Voilà. Faut pas abuser quand même. Ok, d'accord. Non, mais c'est intéressant, vraiment. Je suis content de savoir que. Et il y a plein de gens qui considèrent que faire succès, c'est pas tromper. Faire succès, c'est pas tromper. Non. Il y a plein de gens. Non, bien sûr. Mais il y a des mecs qui pensent ça. Je faisais une petite référence à. Voilà, pardon, excuse-moi. En fait, je suis rassuré de savoir que pour toi, déjà, avoir des messages un petit peu chauds, sexy avec un autre gars sur les réseaux sociaux, c'est tromper parce qu'il y a plein de gens, il y a plein de mecs qui considèrent que non. Comme des meufs qui considèrent que non. Donc voilà, c'est bon à savoir. Donc du coup, on va pouvoir quand même. On peut le faire. Ouais, mais elle est hyper chelou.

Chaque jour à 9h et à 20h, c'est vous qui programmez. Vous qui décidez. Vous choisissez les hits de votre radio préférée. Les hits énergie, c'est vous qui les choisissez. Créez maintenant votre sélection musicale gratuitement sur énergie.be. La playlist énergie, inspirée par vous. Sur Énergie. Ah, bienvenue sur Énergie, j'espère que ça se passe bien tout le monde, j'espère que vous êtes toujours tranquille à 23h59. Attention, nous allons passer à mardi dans 15 secondes exactement, le temps de faire un petit message là. Et sur Énergie, on fait quoi? On casse la baraque. Je l'adore lui. C'est bon ça. Il casse tout dans son atelier. Et constamment, j'adore. On vous aime. Et c'est tellement kiffant que je le remets encore. Et sur Énergie, on fait quoi? On casse la baraque. J'adore quand il pète tout, c'est ouf, Logan. Coquinou. Coquinou. Coquinou. Vince, est-ce qu'il n'y a pas moyen de taper un petit booba ou un damso? Ce serait sympa. Ah ouais, comment envoyer. T'es d'accord avec lui? Bah écoute, pourquoi pas, dis-moi laquelle. On m'envoie des morceaux. Il y a Diego qui m'a proposé un son d'Eminem, visiblement, là. On me demande de passer Naya Nakamura. Yaka Nakamura. Bisous à. Ava. À Nikos Aliagagas. Aliagagas. Qui a fait les Energy Music Awards. Michos. Voilà. Exactement. C'était cool les Music Awards là. J'ai vraiment kiffé là. C'était ouais, bien moi sympa. J'ai kiffé aussi. Naomi qu'on récupère. Oh putain, il y a mon truc qui a planté au moment là. Hey, j'ai des bugs dans tous les sens. C'est bon, quoi ça? Je t'explique. Il y a mon ordinateur qui a merdé. Qu'est-ce qui se passe? J'adore. Nadjou, regarde. Il est au téléphone avec la hotline en fait en ce moment. Mais vous vous rendez pas compte qu'à chaque fois à minuit ça bug? C'est juste pour dire, mec, l'émission elle est finie là. À minuit, il faut arrêter, c'est ça? À minuit, il faut arrêter. L'ordinateur, il dit, moi, j'ai donné. Genre, c'est ça. Moi, j'ai fait mon taf. Ouais, attends, parce que moi du coup, le problème, c'est que j'ai un écran qui s'est éteint. Oh, puis, et t'entends les bugs? Bienvenue. J'ai des bugs. Et mon écran qui a lâché, mesdames et messieurs. Donc, je n'ai plus que vos messages sur WhatsApp. Bureau connexion à distance, pas possible. Ah ouais, non, mais. Accéder à la matrice, appuyer sur 1. Et ça a planté de ouf. Bon, Nigel, je t'entends super fort dans mon casque pendant que t'es en train de. C'est très délingeant, là. Voilà, je sais, t'es en train de parler avec la hotline qui est en train de déconner, là. Alors, je vous explique. Bienvenue sur Énergie. Si vous vous demandez qu'est-ce qui se passe, c'est très simple. En gros, il y a notre ordinateur qui vient de planter. Voilà, comme ça vous savez. Et il m'a dit, il n'y a pas de mémoire RAM suffisante pour le bon fonctionnement du programme. Ok, je comprends, ouais. Donc on a vidé la mémoire RAM du programme, voilà. Et le problème, c'est que ça a amené au fait que je n'ai plus non plus mon autre ordinateur, visiblement, qui a lâché en même temps. Celui du standard téléphonique. Ouais, j'ai pas le standard téléphonique, c'est trop bizarre. Il faut le redémarrer peut-être. Bah, en fait, il faut le faire avant l'émission parce que peut-être il y a trop de swag. Ouais, c'est ça. Attends, parce que là, le problème, c'est que j'arrive même pas à récupérer Naomi. Hein. Est-ce que Naomi m'entend par hasard, Naomi ? Est-ce que tu me reçois ? Naomi ? Non, je l'entends pas. Oui, je suis là, j'ai trompé mon mec, mais je veux pas lui dire. Je l'entends pas. Non, mais on est vraiment une petite galère là. Alors attends, je regarde. Quel dommage ! Je regarde si le programme fonctionne. Eh, ça va, n'engueule pas Thibaut non plus. Mets la main en ligne, s'il te plaît, Thibaut. Voilà, allô, Naomi, tu m'entends ? Allô ? Ok, ouf, c'est bon. C'était la faute de Thibaut, en fait. Ouais, pour une fois, c'était la faute de Thibaut. Bon, on va y arriver. Bon, bébé, j'ai déconné une dernière ligne droite de cette émission, Naomi. On appelle Kevin. Qu'est-ce qu'on lui fait croire, ma chérie ? Ouais. Bah, que je le trompe avec Vince. Quoi, moi ? Mais genre. Non! Genre, what the fuck, non, attends! Je le trompe avec un garçon. Ok, c'est trop flag. Depuis. Lui et moi, ça fait 7 mois qu'on est ensemble. Ouais. Donc, depuis 2 semaines. D'accord, ouais, ok. Donc, Naomi, t'as quel âge? J'ai 18 ans. Ouais. D'accord. C'est un 18 un peu, voilà, plus. Ouais. T'es sûre que t'as 18 ans, hein, Naomi? Ouais, ouais. T'as pas oui. 14 ans? Non, j'ai 18 ans. Mm. D'accord, bon, ok, ça va. Pourquoi t'as pas 14 ans comme si c'était un âge? Ouais. Bon. Chacun a le 18 ans qu'il a, c'est tout. Hein. Bah, oui, ok, très bien, pas de problème. C'est parti, on appelle Kevin. On va voir si ça va être crédible ce truc. Allez, c'est parti, let's go. On appelle Kevin en direct. Alors, est-ce que ça sonne? Tu peux faire l'appel, s'il te plaît, Thibaut? Ou alors peut-être Nigel peut le faire, je sais pas. Parce que moi, malheureusement, je ne peux pas mais gérer ça. Et ouais, il y a tous nos programmes qui sont en train de planter dans tous les sens, là, ce soir. C'est parti. Welcome by phone. Ah bah voilà. Ah bah c'est messagerie vocale, direct. Mais il a le droit. Voilà. Donc Naomi, messagerie, hein, malheureusement. Tu as dit que t'allais appeler ou pas? Essayer de rappeler. Bah on peut réessayer de rappeler, ouais, mais ça m'a l'air d'être un peu mort, hein, je pense. On essaie de rappeler, mais le problème, c'est que Nigel, comme il a quitté le studio, ça va être à Thibaut d'essayer de rappeler. Ça va, Thibaut? C'est pas trop compliqué? Ça va? Tu vas y arriver? Ouais, on va essayer. Allez, vas-y, mon pote. Cette émission est réservée à un public très averti. Ouais, j'allais mettre Peggy 18, mais là. Voilà. Qui nous aime beaucoup. Peggy 18. Ouais, ou pas. Putain, j'ai envie de pousser des cris comme Sandrine qui gère l'événementiel d'énergie. On rappelle. Welcome, baby. Okay, bon. En fait, c'est quoi? Mais je pense qu'on a évité le drame. C'est le numéro masqué qui fonctionne pas. Ah, bah, fallait nous le dire alors. Oui, mais ça, on appelle le numéro masqué à énergie, ma chérie. Donc, du coup, c'est mort alors. Je suis désolé. Malheureusement. Allez, salut. Non, mais non, pas comme ça. Écoute, André essaiera demain. On va voir avec quelle méthode. Oui, dis-moi. Sinon, je crois qu'il est avec un pote. Il est avec son pote, je vous donne son numéro. Bah, ça va être un peu flag, hein. Et puis il est minuit 4, malheureusement, on risque de ne pas pouvoir y arriver dans les temps, hein, ma chérie. Rien, tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est pas grave, on est resté demain si tu veux, on verra. Ça va? Demain. Ça va, bisous. Bisous. Bisous, Naomi, bisous. Oh mon dieu. Je crois qu'on a échappé au pire. Ah, voilà. Là. On a échappé on à. On peut pas travailler dans ces conditions. Ah non, mais là, dans ces conditions, c'est compliqué. Bon, mais il nous reste plus que le mot de la fin, mesdames et messieurs. Le mot de la fin qui va démarrer tout de suite sur énergie, si j'arrive à récupérer mon WhatsApp, parce que j'ai perdu WhatsApp aussi. Hein. Quoi? Ah non, mais c'est hallucinant ce soir, j'ai bug sur bug. Comment on va faire pour... C'est bon, WhatsApp est récupéré. Ouf. Ah. Je voudrais savoir qui est encore là ce soir dans l'émission à minuit 5. 0492-222-002. Je vous rappelle que demain, les amis, sur énergie, on aura du kiff ta mère, on aura du check paton. Peut-être check pas ton Insta, peut-être check pas ton Snap. Et on salue tous les nouveaux là qui nous ont rejoints dans l'émission. Il y a à nouveau là dont le numéro termine par 4522. Bah, bienvenue à toi. Il y a Corentin. Ma couille. Eh ben Corentin il est là. Il y a Samir qui est là aussi. Zizi coin coin, je suis là Vince. Il y a Christelle qui est là aussi. Il y a des nouveaux là, notamment. On est là Vince, 4030 Liège. Big up. Yeah, Liège est dans la maison. Qui d'autre est là encore? Fidèle au poste, comme toujours. J'adore, il y en a qui écoutent cette émission pendant 3 heures non-stop, c'est phénoménal. Je suis là, mais vous êtes sûr, elle avait pas 14 ans l'autre. Mais je te jure, j'ai cru aussi, hein, franchement. Jadou, toujours fidèle au poste, Jules. Je suis là, Biloute. Ah, mais c'est bon, hey, le pote d'Edgar est là. Ah, Jonathan! C'est bon ça, Jonathan! C'est un fake tout ça. Ah ouais, la meuf d'avant là. Jonathan, je le salue, c'est un auditeur à qui j'ai rendu une petite visite. Voilà, un auditeur très courageux, Jonathan. puisqu'il a eu une sale histoire. Ça a fait même dans les, c'est même passé dans les journaux. Il travaillait dans un garage et il répare des pneus. Et il a notamment réparé un pneu d'avion. Et sauf qu'il y a eu un problème. Le pneu est tombé sur sa colonne vertébrale. Elle a été brisée. Mais non. Et donc du coup, il est malheureusement paraplégique. Donc il a perdu l'usage de ses jambes. Et ce mec, il a fait preuve d'humour. J'étais le voir et tout ça parce qu'en fait, on a un ami en commun qui m'a dit ah, ça ferait plaisir que tu ailles le voir et tout. Et donc on s'est posé, on a mangé une bonne petite frite et tout. Et voilà, il kiffe sa life tranquille. La vie est belle et on est là pour le soutenir parce que voilà, j'imagine qu'il y a des mots, il y a des hauts et des bas. En tout cas, Jonathan, ça fait plaisir que tu sois à l'écoute, mon pote. Franchement, merci pour ton message. Logan est là aussi, PNO aussi, El Jefe est là aussi, Ludivine et Stéphanie sont là. Ah, ben, je suis contente d'entendre des meufs aussi. Mais en fait, les filles, on n'envoie jamais notre, enfin rarement, elles envoient, moins notre vocal que les mecs, étrangement. Je sais pas comment ça se fait. C'est la pudeur. En statistique, on est à 50-50. J'ai beaucoup de réactions de filles. Mais par écrit. Mais par écrit ou alors elles m'envoient des petites photos sympas ou des gifs. Et les mecs, eux, c'est notre vocal. C'est drôle comme un moment. On devrait faire une petite analyse sociologique. Voilà. Ah, il y a Nathalie qui me dit parce que je n'aime pas entendre ma voix. Ah, possible. Voilà. Dis-nous, les filles, pourquoi vous envoyez pas de notes vocales? C'est vrai, ça. On voudrait savoir. 0492 222 002. Pourquoi vous aimez pas les notes vocales, les filles? Ouais, on aimerait bien vous entendre. Ah, Christelle m'a envoyé. Ils ont une grande gueule. Ah, les mecs ont une grande gueule. Ça, c'est vrai. Mais ouais, mais ça explique tout, en fait. Hein. Alors, franchement, je suis une des seules meufs qui fait des vocaux. Ouais, effectivement, j'adoute. C'est vrai que t'en fais souvent, mais il y a beaucoup qui en font. Mais c'est vrai que proportionnellement, on a l'impression qu'il y a plus de mecs qui font des notes vocales. Alors qu'en fait, les meufs écoutent, mais c'est juste elles. C'est ça, Mickaël. S'exprime avec des mots, quoi. Ah, on t'entend pas bien, Mickaël. Hein. Greg, il dit quoi? On est toujours présent sur Énergie. Greg et Seba, ouais. On casse la baraque. On casse tout maintenant. J'adore quand ils cassent tout, les mecs, c'est à mourir de rire. Je les adore. Bah allez, on joue au mot de la fin. J'ai un mot en tête. Première personne qui trouve le mot que j'ai en tête gagne ce soir. D'accord. Il y a Eugénie qui me dit j'en faisais au début, mais j'ai une voix horrible. Non, c'est pas vrai. Alors, vous n'avez pas une voix horrible, je vous explique. Lorsque vous entendez votre voix qui passe à la radio, et vous dites certainement ah mais tiens, mais c'est pas la voix que j'ai d'habitude. En fait, l'envoi que vous entendez qui passe à la radio ou dans les enregistrements téléphoniques, etc., c'est votre vraie voix. C'est comme les gens vous entendent. Exactement. C'est comme ça que tout le monde vous entend. Sauf que comme vous, vous vous entendez de l'intérieur et que vous énoncez en même temps que vous parlez... Il y a une résonance. Il y a une résonance et en même temps, ce que vous dites, vous, comme vous le pensez... Enfin, c'est très spécial. J'ai un truc pour pouvoir entendre sa voix. C'est quoi? Alors. Ah, tiens. Tu prends... Imaginons qu'on va faire avec l'oreille gauche. Ouais, ouais. Tu prends le pavillon de ton oreille, donc le truc sur le haut. Je vais faire en tant que j'enlève mon casque. Voilà. Okay. Et tu le recroquevilles un peu vers l'avant. Donc je recroqueville mon oreille, ouais. Donc normalement, t'as ta main gauche qui et ton coude qui est vers l'avant. Comme ouais. Oh putain! Ensuite, tu prends ta main droite. Ouais, déjà ça résonne. Tu la mets comme si tu tousses, mais tu viens rejoindre ta main. Ok, ouais. Et là, normalement, regarde, t'entends ta voix. Et ça, c'est ma vraie voix. Si oh putain, elle est moins grave que je le pensais. Ouais, t'entends dans un. Eh, c'est drôle. Non, mais en même temps, je m'entends dans le casque tous les jours. Donc tout le monde peut s'entendre comme ça. Eh ben, hey, Lara, tu vas nous faire découvrir un truc. Donc, si jamais vous voulez entendre à quoi ressemble votre véritable voix. Eh ben, je vais faire un Insta. Ouais, sur mon Insta, comme ça, les gens peuvent le faire. Et l'expérience, c'est drôle si ça fonctionne comme ça. C'est sympa, en tout cas. T'entends ta voix telle qu'elle est. J'entends ma voix, effectivement. Voilà. Et elle est différente que comme je l'entends. Mais c'est normal. Eh ben, je découvre des machins. Franchement. Respect, franchement c'est... Yop. Merci Lara, on va sur une petite vidéo histoire d'expliquer le truc, tranquille, voilà, pour entendre votre vraie voix. Donc faut pas avoir honte quand vous envoyez vos voix les amis, c'est juste que c'est votre